Tous les soirs de 21h à minuit, ils animent la plus grande radio libre de France. What the fuck? En direct sur Skyrock. Eh ben voilà, on est arrivé 21h pile, vous avez vu un peu, c'est à classe quand même. 21h pile, c'est parti pour la radio libre sur Skyrock. Salut tout le monde, bienvenue. Eh ben voilà. Eh ben re-salut. Re-salut Romano, salut à toute l'équipe. Bon, Marie est avec moi dans la voiture, on la salue, elle est en train de s'installer. Cédric ben, vient d'arriver juste à l'instant. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde, bonsoir. C'est bien, c'est une mission pour arriver tous les soirs ici, mais c'est un tel plaisir de vous retrouver tous les soirs en direct sur Skyrock. Mais oui. Et oui. Bonjour Romano. Enfin bonjour. Oui, encore bonjour. Bonjour. On est tellement contents qu'on se dit bonjour plusieurs fois. On va faire ça toute la soirée. Oui. Bonjour Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Ah, c'est les connes de Parisienne, ça veut pas rouler. Oh mais sérieux, mais ils savent pas conduire, ils savent pas jouer au ballon. Ils ont une météo de merde. Qu'est-ce que c'est cette ville, quoi? Ils ont changé la météo de merde. Ouais, c'est clair. Putain, mais on est à l'automne, quoi. Ah ouais, c'est vrai. J'ai ressorti mon manteau. Tornade. Ah mais moi pareil. Il y aura de la chaleur dans l'émission ce soir parce qu'on va recevoir un Jamaïcain. Il s'appelle Omi. Ah ouais. J'espère qu'il arrive avec des cadeaux, notre ami Jamaïcain. Ah bah ouais. Bah on attend ça. En général, quand on reçoit les Jamaïcains, Sean Paul nous amène toujours des cadeaux, des trucs. Oui, c'est vrai. Des trucs sympas. Des on trucs en parlera peut-être. Bon. Qui sentent bon, entre autres. Ouais. Donc Omi sera avec nous. Omi, celui qui fait cheerleaders, cheerleader même. Bonjour Karim, je vous oublié Karim. Et puis Momo qui fait avec nous il y a un instant dans le studio Planète Rap. C'est caméra. Ouais, Momo, il gère les caméras de Planète Rap. Eh ouais. Impressionnant. C'est pour ça que les vidéos, elles sont claquées un peu. Momo, bientôt. Ça marche jamais. Elles sont bien. Momo, bientôt au Festival de Cannes. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, quoi, ils seront non-voyants là-bas. Oui. T'es qu'un enculé. Un nouveau Festival de Cannes, spécialement ouais, pour toi, ça, Momo. Ouais. Bon, c'est parti. J'ai normal au timon de sa poitrine. Eh, mais c'est ça, j'ai vu un ventre. Ah ouais, non, mais. Elles sont regardées, mais mes yeux sont regardées. Mais. Ouais, c'est dingue. Un morceau de chair. Bordel de bidoche, quoi. Tu es sexy ce soir, Cédric. Eh ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais, pas trop. Tu t'es fait beau pour. C'est pour notre invité. Omi. Ah, Omi. Bah, on va le découvrir ce soir. Omi, c'est un reggae man, Omi, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, ouais. Jamaïcain, ouais. On va de Jamaïque, exactement, Cédric. Eh, ouais. Eh oui, un Jamaïcain. Donc on le découvre d'ici une petite heure, il arrive sur Skyrock, on va le retrouver en direct avec nous. Si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez parler de la Jamaïque, si vous voulez qu'on voyage un petit peu ce soir, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est sur Skyrock et ça se passera avec vous. Donc vos questions, vous les envoyez sur le 41759 sur l'appli Skyrock et sur le skyrock.fm. Et puis il y a même le hashtag Omi sur Skyrock, O-M-I. Et a priori, ça se prononce Omai. Omai. Ouais, j'ai entendu ça sur des radios américaines. Réchi, Tim Romano qui dit ça. On prononce Omai, pas Omi. On écrit Omi, mais on prononce Omai. Ok, mais je te dis, j'ai entendu ça aussi sur des radios américaines. Tu fous là ce que tu veux, une chaise? Oui, si tu veux. Là, je suis bien, je suis debout. Moi, je suis en galère de chaise. Je vois le crâne de Romano qui est magnifique. Je l'ai illustré pour Omi. Ah, mais okay. Je ne t'ai dit, tu as fait. C'est pour ça il brille. Ouais. Tu as fait un petit truc. Petit lustrage, quoi. Ouais, superbe. Crâne luisant. Ouais. Bon, on a passé une belle soirée hier soir. On va passer une belle soirée avec vous ce soir aussi pour débarquer ici. Je vous ai tout dit, sauf le 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler en direct. Allez-y. C'est parti jusqu'à minuit si vous avez un truc à dire. Si vous avez une connerie à faire avec nous. Si vous avez envie de dire quelque chose en direct à tout le monde. Un coup de gueule à pousser. Vous avez rencontré un relou. Vous voulez nous en parler. Vous avez un problème, vous voulez le solutionner, tout est possible en direct sur Skyrock. J'ai vu sur mon appli météo de mon téléphone qu'il fait 9 degrés à Paris. Vous avez pas de chance. Ah, mais c'est ça. 9 degrés, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est pour ça que j'ai sorti mon manteau. Il fait pas 9 à Paris ici, il fait 9. Non, mais il fait vraiment pas beaucoup. Hein. Mais il y a du vent, il pleut, c'est dégueu. Quoi. Ah, c'est ça, dégueu. Je te dis, l'automne. Genre à 16h, il faisait nuit quasiment. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, qui s'en colle les Parisiens. Sérieux, c'est vraiment pété. Un truc de ouf. Un truc de dingue. Tiens, pour se remonter le moral quand on a des petits soucis, il faut écouter Skyrock le soir, vous allez voir, ça fait du bien. Et puis. Ouais, il fait 9, c'est ça, ouais. Ah ouais, il fait 9, bien joué. Ouais, bien vu. Voilà, demain au plus chaud, il fera 17. Hein. Ouais. Et demain matin, il fera 8. Bon, ça part. Il n'y a pas d'autres endroits où il fait plus froid, là? Moi, j'ai les montagnes, si vous voulez. Par exemple, à la plaine, il fait 6. Ah ouais, il fait pas beaucoup moins, à la plaine. Hein. Bon, cette nuit, il fera 3. Oui, bah, il fait un peu chaud. À Autun, en Bourgogne, il fait 10 actuellement. Ah ouais, pas mal. Demain matin, il fera 3 et demain, on montera 16 maximum. Thirbeau qui nous dit, il fait 10 à Lille. Ouais, bah, écoute, 10 à Lille. Ah oui, confirmé sur ma carte de la météo. Ouais. Dans le sud-ouest, il fait 7 dans les Ardennes et à Reims. Waouh. J'ai ajouté. Assez hard. Dans le sud-ouest, il fait 13 degrés. Et demain, il fera 11 en matinée et 17 l'après-midi. C'est quoi le maximal? 17 l'après-midi. Tiens, actuellement il fait 19 degrés à Marseille, salut. Tu vois. Ah, 10 degrés de plus qu'ici. On a les meilleurs. C'est ça. Ah bah ça me donne ah, ouais. Et Dark Walls de Marseille qui me dit il fait 21 chez nous actuellement. Ah, bah écoutez, ah bah t'as bien de la chance. Profitez bien. Donc je vous disais, pour se remonter le moral, pour bien terminer la journée, nous avons le Karim Comedy Club avec la super blague de début d'émission de ce soir. Vas-y, fais-moi celle que tu as fait sur Cédric tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Je la connais déjà, elle est super, mais j'ai tellement envie de la réentendre. Ah, j'en ai une sur Cédric aussi. Ah bah tiens, super pété. Les cons, non, là, ouais, moi aussi, c'est le pété. Donc tu as le droit, Samy, de participer au Karim Comedy Club si Karim dit oui. Ouais. Allez, c'est parti. Le Karim Comedy Club pour ouvrir cette soirée. Alors attention, accrochez-vous, on va ouvrir fort. Hein. Et merci à ceux qui nous écoutent à Marrakech. Bonjour à Najat, Najat Vallaud-Belkacem qui vient de nous laisser un message. Bonjour à toi, il y a une journée difficile aujourd'hui. 24 degrés. Il n'y avait personne dans les rues pour les manifestations d'ailleurs. Ouais, pas, j'étais pas, j'ai pas vu. Ça n'a pas été super, super suivi. Ouais. Si vous n'avez pas eu cours. En tout cas, dans les rues, y a, ouais, à Paris, il devait y avoir 1000 personnes. Ah ouais. À Marseille, je crois qu'à Paris, il y avait 1005. À Marseille, il y avait 1000. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Il y avait d'autres villes, je crois, à Lyon, il devait y avoir 500 personnes. Vous devez dégoûter si vous avez eu cours aujourd'hui pour une journée de grève. Parce qu'on en parlait ce matin et pas beaucoup d'heures de cours qui ont sauté aujourd'hui. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement annonce 25% de grévistes. Et les syndicats, 50, non ? C'est ça, 50. Alors, a priori, non, justement, le journal de France 2, ils ont expliqué pourquoi il y avait telle différence. Ouais. Parce qu'en fait, admettons. C'est parce que les profs, ils savent pas compter. Non, c'est qu'en fait, par exemple, le gouvernement, il compte, admettons, ici dans Zabahut, il y a 100 profs, il y en a 25 qui sont en grève, ça fait 25%. Bah oui. Et en fait, les syndicats, eux, ils appellent le bahut à 8h et ils comptent en fait le nombre de professeurs réels qu'il y a dans le bahut. Bah oui, s'ils commencent à 10h, ils sont pas là. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils comptent. Ah d'accord. Ah ouais, donc forcément. Et ouais. Ils se retrouvent donc à 8h, il peut y avoir effectivement 50% des profs qui sont pas là, mais et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a jamais les 100 profs en simultané dans le bahut, bah, quoi, admettons. C'est logique. Ah oui. Voilà. Donc c'est un beau bordel. Nous 0 heure de grève aujourd'hui, trop la haine. Ah, il y en a qui ont de la chance. What Dark qui me dit, moi tous mes profs étaient en grève. Du coup, je suis resté toute la journée chez moi. Bah t'as une belle journée, toi, c'est bien. Je suis allé au collège pour un cours aujourd'hui. Adam. Ah, c'est con ça. Ben nous on a eu ce matin des témoignages, ouais, je sais pas si vous êtes levé tôt, vous avez entendu ça dans le morning. On a eu des lycéens, des collégiens qui avaient cours ce matin, donc peut-être vous, mais de 8 à 9, après il n'y avait plus cours de 9 à 11 et il y avait recours de 11 à 12. Genre une journée terrible. À la cour, en gruyère. Truc de merde, ouais, de gruyère. Bon, voici le Karim Comedy Club pour démarrer cette soirée et vous tous en direct sur Skyrock aussi. Allez. Mesdames et messieurs, bienvenue au Karim Comedy Club. Le Karim Comedy Club. Et ouais, vous avez une journée difficile. Heureusement, Karim est là. Voici la blague de la soirée, la première. La première. Alors, c'est des triplés qui sortent de chez eux. Donc, c'est trois. Des triplés. Ils sortent de chez triplés, eux. Oui. Donc, normalement, ils sont trois. Ils sont trois. Voilà. Ouais, c'est plutôt c'est ça. C'est comme des jumeaux. C'est ça, Karim. Voilà, c'est ça. Très bien. Trois. Ça part bien donc, déjà. Donc oui. il marche pépère dans la rue là, il croit Cédric. Cédric il leur dit voilà, ta mère elle a baisé avec une photocopieuse ou quoi? Pas mal. Pas mal. Vous rencontrez des jumeaux, vous pouvez faire exactement la même blague. Elle est super. C'est la blague de Cédric de la photocopieuse. C'est bon, j'ai pas peur de faire la mienne. Ah non, voilà, ta mère elle a baisé avec la photocopieuse. Moi je la trouve super. Ça. Oh là là. J'adore. Voilà, j'en ai mort. Tiens, les profs étaient en grève aujourd'hui. Ben, je te mets 18 sur 20. Ah merci. Wow, 18 pour la blague des triplés de la photocopieuse. Super. Vous en avez des comme ça. Vous nous envoyez, à Karim. Et Samy, vas-y, petite devinette, Karim. Quelle est la glace préférée de Cédric? La glace à la bite. La sucette à la viande. Pas loin, Le cornet à deux boules. Le cornet à deux boules. La bête. Elle est super celle-ci. Putain, aussi. Je la connais pas, c'est marrant. T'as kiffé le belge. Ah bah trop. Ah ouais, j'ai trop kiffé. Voilà, cornet à deux boules, j'en veux. T'en as pas un d'ailleurs. Voilà, allez, on donne. On t'expliquera, Cédric. Bon, bah c'est super ça, dites donc, on a bien démarré la soirée. Non, mais ça finit ta blague. Ah bah c'est fini, ouais. T'es lourd, j'ai pas compris. T'as pas compris en plus. Elle est facile pour toi. Cédric, faut expliquer les blagues, c'est dur. Hein. Ah, ça, c'est terrible. On te fera un dessin. Terrible. Ouais. Voilà un dessin de femme. Oh, oh, oh, oh, voilà. Bon, on en aura d'autres. Vous les envoyez à Karim. Hein, et si vous en envoyez plein, vous en aurez plein. Moi, envoyez ça. Karim@skyrock.com. Voilà, vous pouvez l'envoyer pendant l'émission. Tu regardes pendant l'émission, t'es belle. Ouais, je regarde. Ouais. Bah, tu regardes. On regarde aussi vos messages. Allez-y. Bonjour à Matsou qui a eu cours de 9h30 à 10h30. Bonjour à toi, Matsou. Ah ouais, faites-nous à pointe sur vos cours aujourd'hui. C'est un peu con ça. Sophie dégoûtée, elle a 18 ans. Elle nous dit j'ai juste une heure qui a sauté. Et ouais, pas de chance. Pas de grève à la poste aujourd'hui pour Jules du 02. On te salue, Jules du 02, le fidèle Jules du 02, toujours là. Ah, toujours là. Oui. Sur son vélo. Ouais, moi c'était cool. Au calme aujourd'hui, j'ai pas eu cours, tous en grève. Luna Cool, 12 ans qui vient d'arriver. Bonjour à toi, Luna Cool. Vive l'éducation nationale, vive les journées de grève. Super les journées de grève. Moi, pas cours de la journée. J'y suis pas allé, même si j'avais cours de 10 à 11. Ah ouais, pour une heure de cours, t'as fait sauter là. Et attention, une blague de fille, d'Éluise. Ah, vas-y, Éluise. Tu t'appelles Pauline et tu te fais sauter. Trampoline. c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Eh ben écoute Marie, c'est une de tes consoeurs femmes, oui, qui se lance dans l'humour. Ouais, ben bah, écoute. Les filles, vous avez le droit. Des femmes. Vous avez le droit d'envoyer des blagues, mais bien c'est sûr. Mais là, oui, c'est un petit peu spécial comme blague. Elle a tenté. Voilà. Oui, bah, c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Karim, il est trop beau. Ah ouais, il y a des fans, il y a des fans. Des fans qui envoient des blagues, Karim. Tu as vu, elle est pas mal celle-ci, non? Je vous lis les blagues les plus drôles. Acceptez celle-là. Karim, il est trop beau. Bon allez, on vous attend en direct tout au long de la soirée. C'est parti au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous débarquez ici. Et donc tout à l'heure, Omi a retrouvé celui qui a fait le son. Oh ouais, il y a déjà des questions qui arrivent pour Omi là. On va parler Jamaïque. Vous êtes déjà allé en Jamaïque dans l'équipe? Non, jamais allé. Samy, jamais allé? Non, jamais allé, non. Bon, Marie non plus? Non. C'est le chéri de Romano, non, jamais. Non, non, moi jamais été en Jamaïque. T'aimerais bien aller en Jamaïque? Moi, Jamaïque, c'est chez moi, tu sais. T'as bien vu les dreads? Des sauces là-bas. Ah ouais, ouais, t'auras un petit souci par rapport à la Jamaïque. Non, mais en plus, c'est dangereux, non, comme c'est un peu ghetto. Ouais, ouais, ouais, c'est, je crois que c'est dangereux. Hein. Pourquoi c'est un peu ghetto? Je sais que si tu fumes des ouinges, alors, parce que tout le monde croit qu'on fume des ouinges en Jamaïque, mais pas du tout. Si tu fumes des ouinges en Jamaïque, tu risques d'avoir des problèmes. Ouais. Il faut faire attention. Plutôt, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Faites attention si vous fumez des ouinges en Jamaïque. Vous pouvez jouer de la trompette. Bon, maintenant, t'es pas obligé d'aller en Jamaïque pour fumer des ouinges, quoi. T'as le droit de mettre une trompette dans la bouche, par contre, tu mets pas un ouinge dans la bouche. Moi, ah non. J'étais persuadé avant de savoir ça que la Jamaïque, c'était le royaume de la fume, le royaume de la défonce. En fait, pas du tout. On en parlera tout à l'heure avec Omi. Donc, toutes les questions que vous avez envie de lui poser, c'est sur le 01 53 40 30 20 pour lui parler directement. Ou alors, si c'est dur à nous joindre, parce que je sais que c'est pas facile, vous allez sur le 41759, l'appli Skyrock et tous les réseaux de Sky et même le skyrock.fm que je vous avais pas annoncé, ben vous pouvez y aller, allez-y, faites-nous péter tout ça tout au long de la soirée. Je vois que tu n'as pas préparé de featuring avec Omi hein, ce soir, Romano, d'après ce que j'entends là. Bah, j'espère pas, parce que bah, je sais pas, si le mec il veut chanter qu'il est défoncé, ça peut s'arranger hein. Bah, je vais lui arranger ça, son... va être joli ça, tiens, lui arranger son titre. Vu comme c'est parti, c'est mon morceau préféré, super hein, je l'ai... Non mais c'est vrai que c'est agréable quand il fait beau, par exemple je l'écoutais à la terre, ça tombe bien. Ouais, bah, de toute façon, c'est déjà une version remixée, pourquoi pas faire un deuxième remix? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, parce que ça, la version originale, il n'y a pas le rythme derrière en fait. Le rythme dans la peau. Eh ouais, normalement, il y a juste les trompettes. Dans la version originale, il n'y a que des trompettes. La version originale, tiens, je vous la fais écouter. Ouais. C'est plus lent aussi. C'est ça l'original. Sing, boy. She is always in my corner, right there. When I wanna, all these other girls are tempting. C'est vrai que c'est plus lent, c'est plus posé, on va dire, ouais. Ah ouais. Do you need me? J'écoute Skyrock et j'allume un ouinge. Tu n'as pas le droit, je te le rappelle, c'est interdit par la loi française. Merci pour ton message quand même. Je vois que tu te mets en condition, c'est bien. C'est Fouette Fouette qui nous aide ce message. Bonjour Fouette Fouette. Et Marie, elle danse, ça y est, elle est partie là. Ça y est, moi je suis en Jamaïque. Allez. J'ai pris un vol. Ah bah ouais, c'est bien Marie, ouais. Un vol alcoolisé. T'as pris un vol, ouais. T'as pris des verres là. Non, pas encore. Elle vole là, ouais, ça y est. J'attends. Ouais. Attention à l'atterrissage, hein, quand la Marie vole comme ça, faut faire très attention. C'est clair. Ah tiens, bah il y a Anonyme, lui il a pas eu de grève, il a eu brevet blanc aujourd'hui. Oh l'horreur. D'ailleurs, excuse-moi, tu es une fille. Bon pardon, courage. Anonyme. Bah, écoute, bon courage pour les résultats, j'espère que tu auras de bons résultats et que ça va tout déchirer. Donc ça c'est l'original, hein, l'original de Omi, Cheerleader. Bon, on se réécoutera ce petit son tout à l'heure hein, avec Omi en direct ce soir. Et nous avons d'ailleurs un trompettiste, un orchestre ce soir, une fanfare j'allais dire. Waouh, magnifique, je crois qu'il va adorer l'histoire de la fanfare. Tu lui feras la trompette? Non, mais j'ai peut-être pas non plus passé pour un con hein. T'aurais dû amener ta trompette et jouer. Ouais, mais j'en ai pas de trompette hein. Allez, offrez-lui une trompette. Non, mais ça coûte cher hein, ces merdes hein. Faites-lui un petit cadeau, une petite trompette, ça peut être sympa. Ah ouais, ça coûte cher, il paraît. Ah non, mais les instruments de musique, ça coûte cher. Ouais. Ouais, oui, ça, les instruments en général. Oui, bah, les pipos, c'est gratuit. Bah, ça, ouais. Voilà, moi aussi, c'est j'adore cool. Les gros pipos à la viande. C'est bien, Cédric. Ah, parfait. Enfin, ça sert pas la même chose, mais. Bon, allez, c'est parti. On va y aller avec vous, là, maintenant, et avec le premier ou la première de la soirée. C'est un premier, puisque je crois qu'il s'appelle Mehdi. A priori, c'est un prénom de garçon. Oui, hein, c'est plus ça. Logique, effectivement. Mehdi, qu'on va retrouver avec nous en direct. Bonjour, Mehdi. En direct de Nantes, d'ailleurs. Salut, Mehdi. Comment vas-tu? Bien, quoi? Bah, écoute, ça va bien. On se prépare à recevoir Romy ce soir. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour Romy ce soir? Du rhum. Des feuilles à rouler. Du rhum, des feuilles à rouler. De l'herbe. De l'herbe, du shit. Moi, j'ai ramené des OCB après. On a de l'herbe dehors, là, du gazon dans la cour. Ouais, mais je crois que tout le monde a pissé dessus, ouais, à mon avis. On va lui faire trop bonne à fumer, quand les toilettes sont prises, je crois que les mecs pissent au-dessus de la rambarde. Très bien, on va lui chercher un petit peu d'herbe, Romy. J'avais bien vu. On lui prépare une belle soirée, là. Bon, alors, Mehdi, bienvenue à toi. T'as 17 ans, c'est ça? Et t'es à Nantes. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, parle bien dans ton téléphone qu'on t'entende bien. Et avant de retrouver Omi, dites-lui qu'en France, on est numéro 1 sur la fumette. C'est vrai, ouais. Et il y a Viva aussi qui nous dit en France, ça fume pas mal aussi. Numéro 1 en Europe, je dis niveau mondial, je ne sais pas, mais en Europe, c'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Moi, je suis allé en Jamaïque. Tiens, dis-toi si vous êtes allé en Jamaïque. J'y ai été 2 semaines avant la mort de. Pour la mort de Bob Marley. Ah, pour la mort de Bob Marley, c'est Wazy qui nous laisse le message. Salut à toi, tu es allé visiter Bob. C'est bien, bravo. La Jamaïque, c'est le royaume du dancehall. Il est trop bon ce son, nous dit Miam. Le royaume du dancehall, c'était Johan qui nous laissait un message. Il est hyper fort, Omi. Très bien. Il est hyper fort, Omi. Cadeau. Qui, attends, je sais pas. Attends, j'ai perdu, j'écoutais des. C'est une petite blague. Omi Cadeau. Oui, c'est ça. Alors, bon, eh ben écoute, on va démarrer avec toi, Mehdi. Pourquoi tu nous appelles? Explique-nous tout, dis-nous tout. Bah, c'est par rapport à mon ex en fait. Là, je suis en couple et à chaque fois que je la vois, elle me chauffe. Par rapport à ton nez? Ton ex. Ton ex. J'ai dit que c'était interdit de parler des nez ce soir dans l'émission, j'ai pas envie. Okay, non, mais je savais pas, j'ai entendu ça moi. C'est radio libre sauf les nez là ce soir là. Ah ouais? Eh ouais. Pas d'accord. Parlez de ce que vous voulez, allez-y, vous pouvez y aller, mais les nez pas ce soir. Alors, rapport à. Ah, ton ex, super les ex, ça rappelle de tellement bons souvenirs à plein de monde. Hein? Cédric. On en a tous, hein. Ouais, ça va, hein. Comment il va ton veau sans dents, là? Qui? Comment elle s'appelait? Les dentés. Les dentés. La gueule, il est fou, il parle. Et ton veau habite. Mario. Allez, toi. Et ton veau au pied noir. Avec ta Gucci, quoi. Ah, ben elle avait pas de bite. Aux ongles sales. Ah ouais. Non, elle avait pas de sgeg. Ah merde. Tiens, si tu fais plus la différence, mon pote, j'ai déjà serré du cul pour commencer. Moi aussi. Je me suis assis et j'ai bien fait. Le mec, il est inquiétant, quoi. Il fait plus la différence entre de faire un mec. J'ai bien fait de m'asseoir. Oh là. Ton ex. Bon, les ex, ça laisse des souvenirs à tout le monde. Bon, forcément, ouais. on est sorti avec. T'as été amoureux de ton ex, Mehdi? Ou alors c'était juste une petite ex comme ça, un petit truc qui s'est passé? Si, au début, mais après elle m'a saoulé, tu vois, elle a fait un coup qu'il fallait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et après voilà, c'était fini. Maintenant je suis en couple, tu vois. C'était quoi le coup qu'il fallait pas? Elle me chauffe et ça m'affecte sur mon couple. Mais le coup qu'il fallait pas, qu'est-ce qu'elle t'a fait, c'était quoi? Genre elle m'a trompé, elle est sortie à une soirée, elle m'a pas dit, elle m'a trompé. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, bah tu. Ah, ça c'est pas chouette. Propre. Ouais, t'as raison. J'ai vu, je suis allé à cette soirée et je l'ai vu là-bas. Ah ouais, en flagrant délit, normal. Pris ça en a flag. Dû bien se terminer la soirée. Ouais, j'ai t'as passé une bonne soirée. Ah bah y'a quoi péter un plomb, ouais. Si t'arrives dans la soirée, ta meuf elle est en train de galocher à l'autre mec. Salut, je suis là. Non, c'est chouette. Tu lui tapes sur l'épaule, excuse-moi. Elle est en train de le galocher. Non, il lui faisait du bouche à bouche parce qu'elle avait elle était mal. Un problème de respiration. Voilà, c'est ça. Le mec elle avait des spasmes, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, le mec était debout en train de danser, il était mal. Ouais. Le mec était juste sauveteur. C'est ça, ouais. Bon, donc tu l'as largué à la suite de cette histoire. On peut comprendre pourquoi. Voilà, vite fait. Maintenant, je suis en couple et genre je lui reparle, mais vite fait. Et quand je suis au lycée, elle vient, elle me chauffe, genre s'assoit sur mes genoux, elle me caresse et tout. Et moi, genre à chaque fois, je la repousse. Et tu bandes ta tête s'assoit sur tes genoux. Ouais, c'est elle qui vient s'asseoir sur mes genoux. Ouais, mais Diffoul te demandait si tu bandais à ce moment-là. Est-ce que ça te fait bander quand t'es... Non, parce que... Je suis un mec quand même, mais voilà. Ah, justement, t'es un mec, tu devrais bander. Ça t'excite, quoi. Non, mais... Bah, vite fait, vu que c'était mon ex et tout, et ta meuf qu'elle est bonne et tout, mais après, voilà. Ta meuf actuelle, elle est dans le même bahut ou pas? Ouais, elle est avec moi dans le même bahut. Ah, putain, dommage. Ah. Sinon, tu t'aurais pu la baiser. Laquelle? Bah son ex. Mais après faut avoir envie. Tu sais il peut la baiser quand même, hein. Bah, ouais, mais sans que t'aies le message, c'est au bahut, ça parle beaucoup. Maintenant je suis en couple quand même. Ouais, maintenant t'es fidèle, t'as pas envie de. Non mais dégage là, hein. T'as pas envie de... Ouais, c'est ce que je fais, mais genre ça affecte vraiment mon couple. Ouais, tu dis genre, ah, putain, t'es trop lourde, tu me fais mal aux genoux. Ouais, allez dégage, mais tu me fais mal aux genoux. Ah, tu me fais mal aux genoux. Tu vas me casser les jambes, allez, sors. Genre. Non mais elle est sans doute elle doit avoir remarqué qu'elle a fait une connerie, peut-être qu'elle pense encore à toi, peut-être qu'elle t'aime encore, et le fait que tu sortes en plus avec une autre meuf, ça doit la surexciter. Ouais, mais ça c'est souvent ça. Hein. Ouais. Et elle peut-être le terrain. Sur le coup, je fais le mec, je la laisse, mais après ça me saoule. Mais toi, t'as pas du tout envie d'en sortir avec elle? Non, pas du tout. Oh, en plus, c'est avec mon couple, j'ai failli casser avec ma meuf là dernièrement. Pourquoi? Parce que ta meuf elle a vu ça, elle est jalouse. Bah oui, elle a pété un plomb, elle a vu les messages sur Facebook et tout, elle a pété un plomb. Ah bah forcément, ah bah ouais, ça, ça peut énerver, ouais. Ah ouais, mais mets-toi à la place de ta meuf. Ouais, je comprends tout à fait, mais genre je lui parle juste amitié. Mmh. Et mon ex, je crois qu'elle veut que je ressorte avec elle. Ah oui, bah a priori, ah bah oui, si d'après ce que tu nous dis, ouais. Toi, ouais, si elle se frotte à toi et tout, ouais, forcément. Y a un truc. Elle a envie d'y retourner. D'accord. Je sais pas quoi faire maintenant, genre vu que c'est lancé et tout. La procédure, elle est lancée, j'ai envie de dire. Maintenant, je fais comment? Bon, bah, d'après ce que tu dis, t'as l'air d'être assez carré, toi. C'est-à-dire que t'es avec ta meuf, t'es avec ta nouvelle meuf, t'as pas envie de. Ouais, de la tromper. Mais il faut se méfier des petites faiblesses, hein. Moi, j'ai déjà recouché avec mon ex, mais juste une fois, parce que j'avais trop envie de baiser. Ça, après... c'est pratique. Bon, ouais, bah, galère. En plus, quand le coup, je fais le mec, je la laisse, ça sort sur mes genoux et tout. C'est chaud. Recale ton ex, faut la recaler direct, comme ça elle comprend vite. Message de Viva sur SMS. Ton ex est conne de faire ça, c'est Franck de Toulouse. Bah non, mais tu lui transmettras, tu lui diras que Franck de Toulouse, auditeur de Skyrock, la trouve conne. Oui, mais elle tente sa chance, elle. Et non, moi je ferais des blagues, moi. Ma meuf ici au lycée, et elle voulait pas, ma meuf veut pas descendre là-bas. Tu lui ferais quoi comme blague? Bah par exemple, si je suis sur une chaise et qu'elle veut s'asseoir sur moi, bah au moment où elle s'assoit, je recule la chaise. Blab. Ah, bah, super. Et la meuf se retrouve le cul par terre. Bah ouais, mais écoute, ça fait rire tout le monde. La meuf, elle a honte, elle arrête, quoi, tu vois. Et puis si elle a envie de se faire casser le cul, c'est un bon moyen pour lui casser le cul. Ouais, c'est voilà. Pas faux. Elle peut se péter une coccinelle. Avec un peu de chance, le coup du lapin derrière la nuit, qui peut n'en parle plus. Et vous connaissez le célèbre proverbe qui nous a été envoyé au moins, je sais pas, 30 fois là, depuis 2 minutes. Des trucs ravalés de vomi. Ouais. Jog, par exemple, tiens, qui vient d'envoyer un message. Ressortir avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Et vite, mec. Et ouais. Je le ferai pas. C'est non, mais après, des fois, ça dépanne. Hein. Bon, alors, on va régler le problème très, très vite, là. Alors, moi, j'ai une petite solution. Moi, j'arrêterai de lui parler. Je lui parlerai plus, moi. De toute façon, une ex qui m'a trompé, j'aurais du mal à lui reparler, moi. Ouais, c'est clair. Personnellement. En général, de toute façon, moi, je m'en branle des ex. Ouais, tes ex, oui, toi, tu. Ah, mais moi, je vois pas l'intérêt de continuer à avoir un contact avec ces personnes. Romano, il vous dit, je m'en branle des ex, mais enfin, c'est quand même lui qui, tous les soirs, nous parle de sa gothique, hein, quand même, je tiens quand même à dire. Bah non, parce que j'en parle pas. Toi, t'avoue. Ah, t'avoues, toi, tu sais, t'entends à la radio. Ah, tu me dis, tu vas pas t'y mettre non plus. Non, mais témoignez, dites. Non, mais c'est la vérité quand même. Ah, faut quand même dire la vérité dans l'émission. Non, mais que dalle, mais moi, je m'en branle de cette meuf. Voilà, meuf, on va dire, ça lui fait mal. Là, oui, il est ému. Non, mais je suis ému, rien du tout. Non, moi, j'avais. Pendant que j'étais avec la gothique. Non, c'est Omi justement... qu'on reçoit ce soir. C'est pas Monsieur Grenouille, ce n'est pas ému, c'est Omi, le chanteur. Et le truc qu'il y a, c'est que moi, j'avais refait des trucs avec Pokipu pendant que j'étais avec la gothique. Ah, bah ça. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, quand elle t'avait sucé avec ses règles. Dans le hall, là, ouais. Que je l'avais doigté avec son Tampax. Oh, non, mais... oh putain, le détail qui tue, quoi. Oh, ouais. Non, parce qu'en fait, pour resituer un peu la situation. Un pote m'appelle, tu vois, c'était un bon pote que j'avais au bahut, tu vois, il vivait sur Paris, et il m'appelle, il me fait ça pue à Paris, ça pue, mais je crois qu'elle est là, elle est là. Non, en fait, c'est que lui, à l'époque, je sais pas, il vivait encore chez ses parents, voilà, il faisait des études et tout ça, et il me dit, ouais, tiens, il y a Pokipu qui est là. Ouais, ça se sent, ça pue. Il y a Pokipu qui est là et on peut se faire une soirée, genre tous les trois, tu vois. Moi, j'avais rien à faire, je dis ouais, vas-y, bah pourquoi pas, tu vois. Avec elle, en l'occurrence, on n'était pas resté. Il y a eu une période très difficile où on ne se parlait plus. Bah oui, c'est normal. Et là, quand elle se faisait sauter par tous les autres. Ouais. Et c'est logique. Non, mais quelques années étaient passées, je m'en foutais, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, on peut se revoir. Et donc, on va en soirée, tu vois. Et dans la soirée, je m'étais mis un objectif, ouais. Ce soir-là, je sais pas pourquoi. Tu mis un truc, tu vois. Moi aussi, ouais. Je m'étais dit, ce soir-là, il faut que je trompe la gothique. Pourquoi? Putain, je sais pas, j'avais des pulsions par moment. Ouais, c'est ça, il faut que je la trompe. Ça arrive. Et en fait, donc on va en soirée, je me dis, ouais, vas-y, il faut que je me lève une meuf, n'importe laquelle. Bon, la soirée se passe, je lève rien. Forcément. Pokipu était là, et je sais pas comment ça s'est passé. Tu sais, on s'est rapprochés, on a commencé à se galocher. Et après, je les ai raccompagnés, et là, dans le hall, c'est là où je. Tu l'as doigté. Mais en fait, ouais, au début, je voulais qu'elle me suce, je sais pas, elle voulait pas. Putain. Donc en fait elle m'a branlé, en même temps je l'ai doigté, elle avait tu sais, je sentais un truc dans sa chatte, je fais putain c'est chiant. Mais tu lui as poussé le truc. Ah tu l'as enfoncé. Non, à un moment donné quand même elle l'a enlevé, elle l'a jeté dans le. Ah non, c'est quand même, c'est respecté. Elle a enlevé son tampon. Qu'est-ce que tu dis, Mehdi? C'est gore, hein, ouais, c'est gore, ça c'est sûr. Ouais. Tiens, il y a Yoga qui remarque ça aussi. Romano a la voix toute tremblante quand elle parle de son ex. Mais ouais, serait-il encore in love? Toi, que dalle. Non mais si, c'est vrai. I'm in love with Pokipu. Pu, pu. I'm in love with Pokipu. Pu, pu, Amelove, tu pourrais faire une version. Ouais, t'as raison. Ouais, en plus, l'autre, je lui ferais gagner des sous. Ouais. Amelove, oui, Poki pue. Mimi le routier, je suis désolé, il est en train de manger, il a failli vomir là. Ah, c'est le coup du passage. Non, mais aussi, elle avait qu'à me le dire. Marie, t'es déjà fait, toi, avec un tampax? Non, mais non. Oh, non, avec une serviette que j'avais mis dedans. Non, mais avec un tampax à l'intérieur. Avec un tampax, jamais. Ça pousse le truc, c'est. Elle, ça l'a pas dérangé. J'ai des petits doigts, moi. Ouais, mais elle, ça l'a pas dérangé. Jamais elle l'avait retiré. Ah, mais tu passes à côté de. Oh non. Ah, ouais, t'as les tout petits doigts alors. Ça. Alors, attends, non, bouge pas. Ou alors, elle a une énorme chatte, quoi. C'est... Ouais. Peut-être un peu des deux. Ouais. C'est ça. Le choix. Bon, préparez-vous dans un instant, les témoignages arrivent. Vous aussi, alors, vous êtes une meuf, vous avez essayé de reconquérir votre ex. Expliquez-nous comment vous avez fait, histoire qu'on donne deux, trois pistes à Mehdi. Donc, c'est sur ce qu'elle pourrait te faire, Mehdi. Et puis, les gars, vous aussi, vous avez été harcelé par une de vos ex. Vous avez voulu vous en débarrasser ou pas, vous nous faites signe, vous nous dites, on aura le témoignage de Homer dans un instant. Homer. Et Homer en plus, qui arrive. Je comprends pas, genre, elle me casse les couilles et tout. Et avant, quand j'ai cassé avec elle. Ouais, mais elle te veut. Je te veux. Non, ouais, mais c'est ça, mais la meuf. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi et tout. Après, elle a dit non. Elle est prête à tout inventer pour ressortir faire avec toi. Pour casser ton couple, hein, tout bêtement. Bon, allez, on va y revenir. Mehdi, le retour. Homer, pour les témoignages. Vous tous en direct avec vos messages sur le 41-759, sur l'appli Skyrock, sur skyrock.fm. Et puis, on aura Sabrina, alors qu'il y a un coup de gueule à pousser. Le coup de gueule de la soirée. On va voir qui c'est que ça concerne. Le coup de gueule de Sabrina qui ont dit bonjour tout de suite. Bonjour, Sabrina. Bonjour. Salut. J'ai tout énervé. Salut, Sabrina. Salut. Tu es tout énervée, on m'a dit, Sabrina. Ouais, okay, je suis énervée, ouais. Bon, bah écoute, tu vas tout nous expliquer. Sabrina, le retour, Homer, Omai ou Omi, et puis Mehdi, tout ça pour vous, et Florida, qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. C'est Going Down For Real, comme promis. Premier son de la soirée, Florida sur Sky. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck. Foulé sur Skyrock. Et on est sur Skyrock en direct tous les soirs avec vous. Allez-y, profitez-en, hein. C'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler. On va retrouver le coup de gueule de Sabrina. Sabrina qui a un coup de gueule à pousser ce soir. Tiens, d'ailleurs, si je fais un tour de table, un tour de vous tous et de vous toutes, c'est qui nous écoutez aussi, vous pouvez nous envoyer vos messages. Si vous aviez un coup de gueule à pousser ce soir, il y a forcément un truc qui vous a énervé. Contre quoi vous pousseriez un coup de gueule? Moi, contre les bouchons parisiens. Voilà, c'est mon coup de gueule ça, du jour. Ça, c'est vraiment un truc de parisien, ça. Ah, je suis même pas parisien, ça. Ouais, non, j'essaie, non, mais. Je suis un pur Stéphanois, c'est l'équipe qui risque de vous piquer votre troisième place. Jamais de la vie, gros. Bah, jamais de la vie, on a égalité, Samy. 66 points chacun. Ouais, égalité, ouais, mais vous avez 10 buts de moins, non, c'est impossible. Donc, voilà, mon coup de gueule, c'est contre les bouchons parisiens et les gens qui savent pas rouler à Paris. Voilà mon coup de gueule de soi. On aura le coup de gueule de Sabrina, là, dans un instant. Tu vois, moi aussi, j'ai un coup de gueule à pousser, Sabrina. Merde. Voilà, je pousse mon coup de gueule. Fais chier. Les bouchons, fais chier. Bon courage à ceux qui y sont encore actuellement. Je suis sûr qu'à 9h30, là, il est 21h32. 9h30, je suis sûr qu'il y a encore des bouchonnés, là, les Parisiens bouchonnés. Et les autres. Ça bouchonne encore à cette heure-ci à Marseille? Non, là, c'est fini, gros. Marseille, c'est la ville où on perd le plus de temps dans les bouchons. C'est pire que Paris. Mais en fait, Marseille, c'est un truc, c'est que la ville, elle est tout le temps en travaux. Ouais. Et quand il y a des travaux qui sont finis, je sais pas pourquoi, ils répètent et ils refont des travaux. Alors qu'il y en a qui ont de l'argent à toucher dans les travaux. Enfin, je dis ça, je dirais. On reste dans le. C'est possible à Marseille. Hein. En Italie, ils aiment même faire ça aussi dans le sud, tu vois. Faire des travaux tout le temps dans la ville, tu vois. Vous savez qu'il y a une autoroute en Italie qui est en construction depuis les années 70. Ouais, mais bah, pareil à Marseille, gros. C'est l'autoroute qui va de Naples à Reggio Calabria. Tu m'étonnes. Ah, mais comme par hasard. Elle s'arrête en plein milieu, quoi. Bah, c'est depuis les années 70. Ça ne sert à rien. Ouais, ils ont dit qu'ils la construisent. Ah, mais en France aussi, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, bah oui. Il y avait des émissions à la télé qui montraient tous les trucs. Par exemple, il y a des ponts qui ont été construits en France, mais en fait, il n'y a pas d'accès aux ponts. Ça, ah oui, j'ai bien vu ça. Genre ils ont construit genre un pont. Genre il y a les piquets du pont. Route. Ouais, c'est ça, il est pas relié en fait. Il y a pas de route de chaque côté. Ah. Donc le pont en fait, il sert à rien, il est sur la terre à côté de Marseille. Mais il y a un pont comme ça posé. Mais il y a plein de trucs comme ça. Pour ceux qui vont à l'aéroport à Marignane à côté de Marseille, tu as une passerelle à un moment donné avec des, tu sais, il y a les pylônes et tout, mais genre il y a pas de route, quoi, elle est pas reliée, tu vois. La passerelle en plein milieu des champs comme ça. Comme dans le sud de l'Italie, pareil. Ouais, normal, c'est des travaux qui servent à rien. Bon voilà, mon coup de gueule, c'était contre les bouchons parisiens. Et d'ailleurs, je salue Jérôme qui est lui aussi bloqué. Tu nous as pas dit où t'étais bloqué, mais il est à Paris. C'est Jérôme 75 qui nous envoie le message là, sur SMS. Là. Alors, vos coups de gueule, Romano. Alors, moi, j'ai un petit coup de gueule à passer contre un magasin vers chez moi. Alors, un coup de gueule contre un magasin. Contre tout. Hein, je vous lirai vos messages parce qu'il y a des messages. Non, parce que tu sais, ça a changé. Avant, c'était très bien. Mmh. Ça a changé de directeur. Non, mais c'est vrai que ça. Et maintenant, il peut plus voler ses bouteilles. Non, même pas, non. Mais en fait, c'est le mec, il vend des trucs périmés, quoi. Mais non, enculé. Bah, non, mais ça me rend ouf, quoi. Tu sais, et où alors le mec, tu vas, donc. Mais c'est une grande chaîne? Ah ouais, ouais, c'est une grande chaîne, ouais. C'est une grande chaîne qui commence par un C. Ouais, ben ouais. Ah ouais. Ah putain, mais ça. Et avant, franchement, ils étaient trop sympas. Le directeur, en fait, il a changé, il a pris une boutique ailleurs. Trop sympa, non. Il te faisait des prix sur ce. Non, non, même pas. Non, non, mais même pas. Tu sais, le mec, il me laissait voler. Ouais. Non, non, il me laissait pas voler. Si une fois, il avait offert une fleur à Carriole. Oh, ouais. Ouais. Ah ouais. Mais ça, il voulait la sauter, ça. C'est différent, ça, quand même. Mais non, non, mais mis à part ça, là, le mec, t'y vas, par exemple, l'autre matin, Carriole, il y va pour acheter du jambon. Mm-hmm. Le jambon, il était périmé depuis deux jours. Elle dit à l'employé, ouais, le jambon, il est périmé. C'est normal. C'est notre nouveau directeur. Non, mais le mec, il fait. Ah non, mais il fait. Ouais, mais j'ai pas pu. Là, je suis en train de faire autre chose. Je les enlèverai tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de le faire. Et genre. Ah ouais, c'est pas ou tous les produits que t'achètes, mais le nombre de. Moi, là, j'ai dit à Carriole, je dis, moi, tu ramènes un truc périmé, j'y vais, je tape un scandale. Très beaucoup de gueule. Et le truc aussi, et. Alors, je sais pas comment il se démerde. Il doit galérer au niveau des commandes. Tous les produits, par exemple, ils périssent 2-3 jours après, tu vois. Ah, il doit peut-être les acheter moins cher et les prix. Ouais. Mais non, le pire c'est que c'est au parce que moi dans la supérette à côté de chez moi. Ouais, mais ça ils le font. Dans ouais, mon Franprix ou dans mon G20, juste à côté des trucs qui sont périmés enfin, dans deux jours, ils te mettent 50%. Ouais, non mais ça, ouais, oui. Ouais. Non mais là par exemple c'est tous les produits. Par exemple tu regardes tout le rayon, je vais te dire encore, je sais pas n'importe quoi, un plat cuisiné. Oui. Les plats cuisinés ils périment tous. Genre là on est le 19. Genre ils périment jeudi ou vendredi quoi. Mais c'est ce qu'ils veulent les mecs. Pourquoi? Ouais, mais ça moi je suis révolté. C'est bien. Bravo pour ton coup de gueule. Bravo Romano. Qui les paye moins cher, c'est que t'amènes pas, genre les yaourts, t'amènes pas une semaine pour les bouffer, les périmes, c'est des trucs qui périment 4 jours après. Non, mais lui, il les achète moins cher, il les vend au prix fort. Ouais, mais ça, je gueule. Bravo, bien, bravo, Romano. Dans la barre. Bravo. Marché, alors, vos coups de gueule, qu'est-ce que vous nous dites là? Alors, le coup de gueule, c'est contre les putains de faux culs de bordel de merde, nous dit Mister Man. Donne-nous un peu plus de détails, Mister Man. Tita Toufle, il nous dit perso, c'est les pubs à la télé, c'est trop casse-couille. Oh, bah, tu peux zapper, moi, je regarde plus les pubs à la télé. Bah, oui, c'est ah, bah, moi, Carriole, elle adore. Elle regarde que ça d'ailleurs. Elle zappe plus qu'en pub. Mais par exemple, tu sais, quand il y a un écran tu sais pub, avec les 20, les 25 chaînes ou 26, je sais plus combien il y en a. Elle peut kiffer. Tu peux regarder que des pubs. Ouais, mais il y en a, c'est en même temps à peu près. Oui, alors ça, c'est mal fait. Ouais. Alternez-les. Non, mais par exemple, tu sais, moi, quand il y a un truc ça qui finit, je change direct quoi, quand il y a des pubs qui arrivent. Maintenant, elle me dit laisse, et elle aime bien aussi, par exemple, les génériques de fin. Ah bah elle regarde des trucs super. Elle regarde quand tous les noms ils défilent. Tous les trucs qui font zapper les gens, elle les regarde. Non mais ouais, de toi jamais. Non mais les pubs à la télé c'est trop long, ça dure 8 minutes. En radio chez nous c'est pas si long que ça. Regardez, on a une minute de pub tout à l'heure. 8 ouais. Minutes à la suite. Ah ouais bah c'est long. Après c'est ça qui fait que la télé c'est gratuit aussi, Romano. Ah bah ouais, non mais moi perso c'est pas le truc qui me dérange le plus. Il y a aussi des pubs marrantes. Ouais, et puis sinon je zappe. Hein, tu vois. Bon, en tout cas c'était le coup de gueule, c'est qui? C'est Tatouf qui nous a laissé le message. Tatouf 18 ans. Tiens, concernant la télé aussi, Yann 75, mon coup de gueule, c'est contre Cyril Hanouna, parce qu'il a fait comme vous un jeu au bois de Boulogne. Oh bah c'est bien si on aspire. Je sais pas si c'est nous qui l'avons aspiré, parce que nous c'était quand même assez chaud. Cédric a essayé de se faire sauter par un tramelot. Hein, je suis pas sûr qu'ils aient pu faire ça sur D8 à la télé. Non, non, en fait, là l'histoire c'est que. Tu sais, ils ont envoyé là, Jean-Michel Maire, là, l'obsédé sexuel. Ouais, l'obsédé sexuel et la mamie, là, comment Isabelle Morini Bosque. Oui. Tu sais, marrante elle. Ouais. Et en fait, ils l'ont déguisé en. Non, ils les ont envoyés au bois de Boulogne, ils leur ont mis genre un chapeau d'aventurier et ils les ont laissés en galère là-bas. Et en fait, il fallait qu'ils se démerdent pour revenir jusqu'au studio par leur propre moyen, mais sans prendre de taxi, transport en commun, ni rien, quoi. Mais j'ai pas vu la fin, donc. Il y a Bobby qui nous dit que lui, son coup de gueule, c'est contre sa meuf qui ne veut pas le sucer. Eh bien, écoute, tu as raison de pousser un coup de gueule. Bravo Bobby, ah, c'est chiant, tu ça, t'exprimes, hein. C'est bien Bobby. Qu'est-ce que vous nous dites contre les filles qui arrêtent pas de me recaler? Ah bah tiens, Momo cherche une fille là, sur SMS. Bonjour à toi Bobo. Braza du 92. Qu'est-ce que tu dis à Romano? Non mais c'est Callaghan, mais qu'est-ce qu'il envoie, Callaghan, je pense qu'aujourd'hui il a des problèmes sur la route. Pourquoi? Contre les putains de salopes qui ne savent pas conduire. Restez dans vos cuisines, bande de bourrus. Eh oh, Callaghan. Ah, c'est pour les filles. Ah putain, il s'est lâché. Ah, il s'est lâché, Callaghan. Non mais Callaghan, les putains de salopes qui ne savent pas conduire. Ah, ouais, ça c'est sûr, c'est ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre comme coup de gueule? Coup de gueule contre la nouvelle technologie qui fonctionne mal chez moi. C'est Toshi qui nous envoie un message. Ah mais ça rend ouf ça. Salut à Toshi. Ouais. Genre t'as internet, le truc qui décolle. Ouais, tu sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais, ou la télé, tu sais, le truc qui tombe en rade, tu sais pas pourquoi. Ah ouais, ça rend dingue. Ouais, coup de gueule contre mes profs qui ont pas fait cours. Ah, aux gens. Ah, non, qui ont pas fait. Non, tu veux dire ceux qui ont pas fait grève, t'as dû te tromper, à mon avis. Hein. Je pense que tu t'es trompé, c'est Amy là qui nous a envoyé. Ou alors peut-être qu'il est accro au cours et que ça l'a révolté, ouais, qu'il y ait des cours qui sautent. C'est possible. C'est Amy, c'est une fille. Ah. Bon. Oui. Elle fait nommer nos coups de gueule contre Jean-Michel Aulas. Ah ouais, moi aussi, il m'énerve. Ah, il fout la force. Haine, ouais. Ah, le président des Lyonnais, puis qu'il a découvert Twitter, le mec traque tout le monde sur Twitter. C'est terrible. Ah, mais le bison. Il écrit de la merde. C'est... Bah, je suis d'accord avec toi, c'est qui a envoyé ça? Elle phénomène, non. Salut, elle phénomène, non. Bonjour à toi. Le mec est gris, quoi. Coup de gueule contre les gens qui parlent trop et qui trouvent notre vie trop intéressante. Ah oui, ceux qui s'intéressent trop à ce que tu fais et qui balancent des trucs aux autres. Oui, ouais. Ceux qui parlent trop. Ninouille, 19 ans dans le 44. Bonjour à toi, Ninouille. Un coup de gueule dans l'équipe, Marie, peut-être? Non, moi, il n'y a rien qui m'a énervé, à part les bouchons de tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tranquille. À part le temps aussi. Un coup de gueule contre la météo, il y avait aussi. Ça m'a déprimé, mais bon. Coup de gueule contre les feux rouges qui passent au vert. J'ai pas eu d'embrouille. Qui ne passent jamais au vert quand on est en retard. Oui. Non, des fois, moi, ce qui m'énerve, c'est à la pompe à essence. Des fois, je tombe, quoi, je manque de tomber parce que ça glisse. Alors voilà, ah ouais. Les glissades à la pompe à essence. Coup de gueule contre le parterre. C'est bien noté. Cédric, un coup de gueule à pousser? Non, aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Pas d'embrouille? Ah ouais, étonnant, non, Cédric. Hein. Oula, il va se passer un truc ce soir d'ici minuit. Là. Mais j'ai pas vu grand monde aujourd'hui. Attends. Non, mais je pense que les gens ne veulent plus te voir. D'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la semaine, je veux dire, tu vas avoir une embrouille. Ouais, sûr. Non, non, mais je sais pourquoi, moi. Parce qu'en fait, il a loué. Non, non, il a loué une bagnole. Et ce matin, je l'ai vu. Les galères commencent. Non, non, je fais une. Je fais putain, mais je fais, t'as vu la portière? La portière, elle est beignée. C'est quoi beignée? Beignée. Ah, une expression de Bourgogne. Ah ouais. Et même à Saint-Etienne, on peut j'ai le dire. Entendu ça, ça veut dire qu'elle a pris une beigne. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça, elle est beignée. Quoi. Elle est beignée. En fait, je l'ai vu beignée dans la boule. Et en fait, tu sais, la voiture, ils l'ont pas mis sur le contrat. Ah merde, tu vas te faire baiser. Ah, tu vas payer. Et donc, il va racheter la portière. T'as pris l'assurance? Bah non. Ah bah tu vas payer. Là t'as d'un pour 500 euros. Parce que ce matin je lui dis, je fais regarde, je fais, Cédric, t'as vu la portière? Je fais, c'est toi qui as fait un pet? Il me fait, bon là, quel pet? Et là je fais, regarde, touche. Il a changé de tête, non, à ce moment-là. Il me fait, bon là, en plus je fais le mec, il l'a pas marqué. Je fais, ouais, bah tu vas payer. Non mais là t'as au moins pour. Une portière, t'as au moins pour 500 euros. Au moins, minimum. Quand tu ramènes la voiture, le mec, tu lui parles. Ah non, minimum 500 euros. Non, non, non, non. Je te dis, bon, on verra d'ici la fin de la semaine. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Petit coup de gueule contre. Ceux qui. Ah ouais, alors les profs qui n'ont pas fait grève, ils s'en prennent plein la gueule là depuis tout à l'heure. Bonjour à Florian là qui nous a laissé un message. Et tiens, bonjour à Blue là, parce que depuis tout à l'heure, elle envoie des messages qui nous écoute de Petra. C'est quoi ça? En Jordanie. Ah ok. Ah, c'est mignon. Bah ouais. Toi, tu dois avoir chaud toi. Ah, je ne sais pas le temps qu'il ouais, fait. Ouais, bah là-bas, si, oui, c'est le désert. A priori, ça va là-bas, oui. T'inquiète pas, en décembre, il fait chaud. Alors, mon coup de gueule, c'est contre les putains de grosses fils de pute de merde de grichetière de la mairie. C'est balancé, ça y est, c'est back to the future qui a un problème. Toi aussi, t'as dû attendre un petit moment, oui. Ça a mis un coup de gueule. Ouais, mais on en a déjà parlé hier, donc je vais éviter de les charger. Ah, les Parisiens. Non, tous. Non, mais c'est la SNCF, ah, la SNCF. Je me modère, sinon je serais hardcore, je pense. Très bien. Ah, mais putain. C'est vrai qu'on a donné hier. Ah, bah tiens, t'es pas le seul, il y a l'inconnu. Et moi aussi, des fois, tu voyages mal. Nadine, 99, 19 ans dans le Val d'Oise, qui nous dit, quelques présentateurs télé, Xavier Desmoulins par exemple, d'M6, il fait trop son gars. Je peux pas le supporter. Franchement, c'est trop. Ah, c'est quoi c'est, ah ouais, c'est celui qui fait 66 minutes là. Et qui fait le 19-45 aussi. Ouais. Voilà. Oh. Non, mais c'est vrai que des fois, il a un peu des trucs à la Laurent Delahousse, tu vois. Il est beau gosse, c'est ça. Genre, il tape un peu des pauses, tu vois. Et il parle comme ça. Alors, aujourd'hui, dans l'actualité. Je sais plus, moi, je l'avais eu au téléphone une fois, lui. Je sais plus pourquoi il m'avait appelé, d'ailleurs, Xavier Desmoulins. Non, mais après, bon, c'est peut-être un air qu'il a et peut-être très sympa dans la vie. Hein. Coup de gueule contre Air Algérie qui me fait payer le billet à 600 euros juste pour 2 heures de vol. Message de Soso sur SMS. Ah, ouais, tu pars pendant les vacances. Mon coup de gueule, c'est contre les grosses connasses de merde. D'accord, mais on transmet aux grosses connasses de merde. C'est global. C'est bien noté, ouais. Moi, mon coup de gueule, c'est quand je me fais défoncer par les profs. TOB. Bonjour à toi, TOB, et merci du message. Coup de gueule contre les Parisiens, message d'aujourd'hui, mais nous dis pas pourquoi. Précisez tout ça. On va écouter le coup de gueule de Sabrina. Coup de gueule, Karim, non, aujourd'hui Ouais, coup de gueule contre la police de Colombes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bah, en fait, il y a une pompe à essence 24-24, tu vois, ouverte 24 heures sur 24. Et le soir, j'ai remarqué qu'ils se mettaient souvent là-bas, ils se cachent là-bas, et ils pètent les mecs qui viennent à la pompe à essence. Ils viennent, ils les contrôlent. Pour rien, comme ça. Oui, mais ça, ils font leur taf, les mecs. Qu'est-ce que tu... Ah ouais, gros, mais tu te caches à la pompe. C'est eux qui t'ont mis de pêche sous les yeux, là? Non, c'est pas eux. C'est eux qui t'ont tarté. C'est ton allergie, toujours, que t'as depuis hier. Putain, on dirait, je me suis pris des pâtes. Non, mais bon, les mecs, oui, non, mais ça fout la rage. Mais bon, tiens, les mecs, ils font leur taf, quoi. Bah ouais. Ouais, mais je sais pas, je viens, je mets de l'essence. Bravo, Romano. Tu me contrôles, tu me casses les couilles, et au final, tu. Non, mais je sais, non, mais moi, par. Non, mais oui, je comprends, mais à ce moment-là, tu peux te dire la même chose. Ah non, par exemple, quand le mec, il a les jumelles et qu'il est caché dans les. Dans des fourrés au bord de la route, tu peux dire, mais le mec, il est caché dans un arbre. S'il a des jumelles, faut qu'il arrête de baiser avec des photocopieuses. Allez. Bravo, Bravo Cédric. Bravo pour la super. Mais t'as jamais vu dans Paris, donc j'ai appris ça se cache derrière un poteau. Dans Paris même. Bah évidemment, ça te fout la rage. Mais bon, les mecs. C'est vers Port d'Arnon, il y a une rue, en fait, c'est une grande rue, en fait. Il y a deux voies. Donc tu sais, tu peux rouler un peu plus de 50, tu vois. C'est pas... Vous avez un paquet de coups de gueule à pousser, d'après ce que je vois là. Ils se cachent en pleine nuit, les mecs, derrière un poteau. C'est-à-dire que tu les vois pas de loin. Et les mecs, ils te flashent et t'arrêtent au fond. Ils sortent de nulle part. Ils sortent de nulle part. On est là. Ça crie les coups de gueule. Attention, attention, nous allons maintenant passer au coup de gueule de Sabrina. Et juste après, on attention, reviendra, ça on va chier des bulles. Il est aux ex, puisqu'on a eu en tout début d'émission Mehdi qui est toujours en ligne avec nous. Et on a des témoignages pour toi, Mehdi. On va les prendre. T'as un coup de gueule à pousser, Mehdi, d'ailleurs, toi aussi ou pas? Ouais, c'est contre les contrôleurs de la TAN. Les contrôleurs de la TAN, les transports nantais. Pourquoi ouais, j'ai eu une amende de 70 euros. J'ai juste un ticket de 2 euros. Bah vas-y, pousse ton coup de gueule, c'est bien, ça fait du bien de mais gueuler un peu. Gros connard en vrai. Hein. Voilà, bravo. Non mais attends, t'as eu une amende parce que t'avais pas de billet? Si, j'avais un billet. Il m'a dit non, ce billet, il m'a tourné la tête, il m'a fait chier. Non mais bon, le billet devait pas être valable. Bah le mec, je vais pas défendre le contrôleur, mais le pauvre mec, il fait son boulot, quoi. Mon coup de gueule, c'est contre Paris, qui sont encore champions cette année. Ils volent les matchs, nous dit Skyfly, 15h. Ils ont rien voulu. Coup de gueule contre les iPhones qui sont trop fragiles, c'est vrai. Ouais, et puis trop cher. Ça, c'est clair. Trop cher. Voleur, Apple. J'ai jamais remarqué qu'en tête, quand t'as un iPhone et qu'il y a un nouveau qui sort, le chien se met à bugger. Il y a une nouvelle mise à jour. Dès que tu fais pas les mises à jour, t'as raison, moi, j'ai fait pas. Vous êtes des galériens, les gars. Non, mais je te jure, moi, je fais toutes les mises à jour. J'ai jamais eu une galère avec le téléphone. Ah putain, moi, le mien, il déconne. Le seul truc qu'il y a, c'est que la batterie, elle tient super pas longtemps. Mais moi, j'ai un coup de gueule à pousser contre toi, Romano. Depuis le début de l'émission, il y a un truc qui m'énerve. De quoi? Sur toi. Il arrête de parler. Non. Bah ta gueule, j'aime bien quand, il parle. Ouais, non. Mais je t'en fous, je t'aurais foutu une deuxième. Elle contrôle. Il a une tellement belle voix, si sensuelle, que ça me fait des choses dans mon slip. Oh. Ah, c'est ça? Ouais. Non, c'est contre tes lunettes parce qu'il y a plein de doigts dessus et ça me gêne. Ah ouais, c'est vrai. Quand je te regarde, ça me dérange. Ouais, souvent avec la lumière, la T'as qu'à me les nettoyer. Il a les doigts sur normal, ses doigts. Non, je vais les donner à Cédric pour qu'il les nettoie. Ah bah ouais, c'est bien. Ouais. Bah là, ça te fera des lunettes teintes et elles sont marron. Ah, je vais m'en occuper. Juste après, là. Coup de gueule contre les mecs qui critiquent la France, nous dit Manu du 50. C'est vrai qu'il y a des trucs qui vont pas chez nous, mais qu'on est quand même pas si mal que ça. On peut dire toutes les conneries qu'on veut tout le temps. Les impôts, c'est trop cher. Les impôts, c'est trop cher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour ça, je suis Skyrock, on peut dire tout. C'est vrai, c'est bien Sky, hein, c'est cool. Hein. Ouais. Et bien justement, on va laisser la parole et on va retrouver dans un instant des témoignages pour toi et par rapport à ton ex qui te. On peut le dire, qui te chauffe. Hein. On va pas dire qu'elle te harcèle, mais elle te chauffe. Ouais, ah, bah elle te chauffe. Mehdi sort avec une meuf, une nouvelle, son ex qui l'avait trompé. Déchaîne-toi. Sabrina, donc t'as 22 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, et tu n'es pas contente? Non, pas du tout. Non. Et bien, tu as raison de le dire, tu vas voir, ça va te faire du bien. Ouais, j'espère. Alors, putain, les coups de gueule que vous nous avez laissés, j'ai pas tout lu, mais il y en a encore plein. Les Marseillais se plaignent de l'arbitrage. Ah ouais, bah ça c'est clair. Ouf. C'est... Ils sont super les agents de la TAN, tiens, on nous dit Mehdi pour toi. Tu vois, la défense des agents de la TAN, tu vois. Coup de gueule contre les lycées Airbus qui marquent Calais. Coup de gueule contre Romano qui gagne trop de clash. Coup de gueule quand je n'arrive pas à capter Skyrock. Bah tu nous dis quand tu n'arrives pas à capter Skyrock, on te dira. Et donc Sabrina, ça y est, maintenant, c'est à toi. C'est un coup de gueule qui concerne quoi? Ça concerne mon couple, au fait. Donc ton mec, j'imagine, ça va encore être sa faute. Oui, voilà, mon copain. Encore. Non, parce que les filles, je vous connais un peu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et j'ai découvert qu'il allait sur des chats, sur des sites de cul. Alors des chats ou des sites, c'est pas pareil. Un site de cul, si c'est YouPorn, bon, on est des hommes, hein. Faut nous laisser nous instruire. Oui, ça fait pas de mal. Hein. C'est pour améliorer nos relations sexuelles. On va voir YouPorn pour voir à peu près ce qu'on peut découvrir comme nouveau truc. Ce qu'on peut faire. Ah ouais, non, mais sympa. Moi je suis jalouse, alors j'aime pas ça. Alors, il va sur des chats ou sur des sites? Des sites? Sur les deux, les chats et les sites de cul. Ah ouais, chat. Oui, chat, tu parles avec des gens. Ouais, voilà, là c'est différent. Ouais, voilà, ouais. Vous savez que j'ai une grosse chat. qui est con. J'ai une grosse chat. T'inquiète pas. C'est bien ce qu'on pensait. Oui, bien sûr. Ouais. Énorme. La confirmation. Un truc, mais t'imagines même pas ce que ça fait. Ah ouais, bah j'ai. Donc, les sites de cul. Mais même les sites de cul, ça t'énerve? Si par exemple, tu vois qu'il est allé sur YouPorn dans la journée, t'es énervé? Ah oui, oui. Ah ouais, relou. Ah non. J'aime pas du tout. Après qu'il aille sur les chats, bon, moi les chats, je suis très tolérant, mais il y a quand même des limites. Ah ouais, non, attends, ça va. Là, je peux te comprendre. Mais il chatte avec qui? Bah, avec des filles, enfin après. Il va sur quel chat? C'est quoi les chats sur lesquels il va? Bah, des chats. des grosses chats. Non mais des trucs de rencontre. C'est quoi, il va sur chatroulette, ouais, il monte oui, sa bite bah, à des meufs. Le problème, c'est quand tu vas sur chatroulette, tu montes ta bite, mais tu sais pas à qui. Ouais, c'est le hasard. Et que sur chatroulette, je crois qu'il y a, 90% de mecs en général. Ouais, surtout. Ah ouais. Ouais. Puis les meufs qui doivent être là-dessus, ça doit pas être des dégénérés du tout déjà. Ouais, c'est des cassos. Ouais. Et tu lui as dit ça, que ça t'énervait ou pas? Ouais, on en a parlé, mais il supprime rien en fait. Ah, moi, il aurait eu embrouille. Moi aussi. Bon, déjà, s'il supprime rien, ça veut dire qu'il fait rien de mal. Parce que le mec, il serait en train de draguer, il aurait un sentiment de culpabilité, tout ça. Il supprimerait tout, il cacherait tout, il effacerait tout, tout l'historique. S'il le fait comme ça, c'est pour te rassurer, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire. Ou alors vraiment, il s'en bat les couilles, quoi. Et le mec, il se dit, ouais, vas-y, je fais ce que je veux, je m'en bats. J'essaie d'arranger les choses, écoutez les deux. Écoutez les deux. Écoutez la Marie avec sa grosse chatte et Romano et ses cheveux qu'il a pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est peut-être le mec qui s'en bat la race, il se dit, ouais, vas-y, je le fais. Moi, franchement, à l'époque, sur la fin de la gauche. C'est mieux tes lunettes. Ah, merci. Elles sont plus propres. Sur la fin de la gothique, ça, franchement, elle aurait pu me surprendre avec une meuf dans le lit. Limite, j'aurais été content, tu vois. Ouais, t'aurais été là, ouais, je la saute. Non, mais ouais, tu sais, limite, j'aurais été content de lui foutre la rage, quoi. Quoi, après, ton mec, c'est peut-être pas ça, mais moi, je serais que. Moi, je comprends ton coup de gueule. Les sites de cul, ouais, mais alors les chats, c'est mort. Donc, moi, il y aurait eu embrouille. Ah ouais, moi aussi, Romano te soutient. Marie te soutient. Ah, mais moi, c'était coup de pression. Hein. C'est-à-dire que je la rechope dessus. Je pense que je serais pas loin de la dégager. Hein. Je te soutiens pour les chats, Sabrina. Par contre, je trouve que tu es un peu rude avec YouPorn. Non, bah ouais, mais j'aime pas ça. Je comprends pas en fait pourquoi il va là-dessus. Parce que c'est pour apprendre des trucs, je te dis. Non, mais peut-être tester de nouveaux trucs avec toi. Ouais, voilà, vous faites pas assez l'amour, il a envie de se branler, basta. Peut-être qu'Oli, tu le satisfais pas. Non, mais c'est pas pareil de se branler et de faire l'amour. Ouais, t'es peut-être frigide. C'est deux sensations complètement différentes. Ah, bah ouais, c'est bien meilleur une chatte, quoi. Bah oui, mais. C'est pas une chatte. Mais par moment, une petite branlette, ça fait pas de mal. Ah, c'est clair, ça soulage. T'es branlé aujourd'hui, Romano? Ouais, une fois. Sur YouPorn? Non, sur. Sur ma dans ta tête. Sur mon ventre. Mais par exemple, le fait qu'il se branle, s'il allait pas sur YouPorn, il se branlerait, ça te dérangerait aussi, Sabrina? Bah oui, bah on est en couple, quoi. Donc je me dis, autant qu'il fasse ça avec moi que tout seul dans son coin, quoi. Ah, mais tu casses les couilles. Toi, tu vas être malheureuse parce que je crois que tous les mecs se branlent. Hein, même quand on est, même quand on est en couple, même quand évidemment. On est, même quand on fait l'amour régulièrement, il y a forcément un moment ou un autre où ta bite elle durcit et tu ne sais pas quoi faire avec. Donc tu l'agites un peu. Tu la stiques. Voilà. Tu l'agites, tu la stiques. Ouais. Tu secoues tout. Tu secoues. Tu la secoues jusqu'à ce qu'elle fasse le lama. et qu'elle balance la sauce. Je te comprends. D'amour. Je te comprends, moi aussi. Mon mec, il arrête pas de se branler et je le sais parce qu'il laisse des mouchoirs sous son oreiller. Sous l'oreiller, dégueulasse. Sans pitié. C'est Samira qui nous laisse un message. Toi, salut à ton mec, Samira. Ah ouais, sympa, tu mets la main dessus l'oreiller. Non, ça colle un peu. Non, mais l'oreiller doit puer la bite aussi. Ah non, mais ouais, c'est dégoûté. C'est immonde. L'oreiller. Bah, tu vois, je préfère autant me jeter dessus, moi. Ah, wow, c'est dégoûtant. Tu dégoûtes aussi, toi, quand même, un peu. Oh, bah, franchement, non, mais à choisir, je préfère me juter dessus. Et dormir comme ça? Mais toi, quand tu jutes, tu dors comme ça, tu recouvres. Mais tu dégoûtes aussi. Non, mais en fait, j'ai. C'était dry, puis le sperme. Ah bah à la fin de la semaine, ouais, faudrait pas aller passer à la lampe à sperme à mon avis, parce que machin c'est fluo, là dedans c'est une boîte de nuit, quoi. Ah, ouais. Truc, ça clignote dans tous les sens, quoi. Ouais, bon, vous êtes d'accord avec le coup de gueule de Sabrina, oui ou non? Tiens, dites-nous, 41759, skyrock.fr. Et toi Marie, ça doit être pareil, de toute façon dans le lit, forcément quand tu baises, il y a des sécrétions sur les draps. Ah bah moi c'est une horreur. Ouais. Une horreur. Vous savez que la lampe à sperme est un feu d'artifice. Non mais moi j'essuie, tu vois, je me mets un. Ouais mais même, ça fait les draps. Non mais même, forcément. T'es en train de te faire bouille. T'as la chance de passer de rassurer. Non, laissez-moi le temps. Je suis femme fontaine, vous le saviez. Après, laissez tout le sperme sur le ventre. Non, Marie, tu sais, elle se fait canne et elle essuie en même temps. Non, dans la chatte, tu sais, elle a les aspirateurs du dentiste pour la bouche. Elle a un truc. C'est hyper pratique. Tiens. Vas-y, mon chéri. Ouais. Un petit message pour toi qui va te faire bizarre de l'inconnu, là, qui nous dit avec ma copine, on va sur YouPorn pour regarder, faire des positions et on apprend beaucoup, tu vois? Alors. Ouais, mais non. Il faut pas gueuler contre les mecs qui se branlent. Parce on a un paquet de branleurs qui nous laissent des messages. Regardez, ESP33 Manu, 19 ans, dans Gironde, qui nous fait coucou, moi je me branle souvent le soir parce que ça m'aide à dormir. C'est mieux que de prendre des cachets. Ah bah oui, c'est plus naturel. Ouais, bon, après, des fois ça suffit pas, mais. Eliane qui nous dit, il faut bien qu'on se vide les couilles quand même. Ah, et bah c'est charmant ça aussi. C'est quoi cette meuf qui veut pas qu'on se branle? Message de Ali là sur SMS. Mais toi, tu touches toutes les fois quand t'es toute seule ou pas? Ah. Ah. Ah, question piège là. Sabrina. Qui ne dit rien qu'on sent. Elle n'est pas entendue. franchement, on dit ça. Ah, tu vois. Donc, Karim, t'as posé une question un peu personnelle. Caresse la chatte. Apparemment, toi, tu peux, mais lui, il peut pas. Est-ce que tu te caresses jamais, toi? Bah, c'est pas mon délire, quoi. D'accord. Je ressens rien, je préfère qu'un mec me touche que moi. Non, mais entre préférés, oui, mais. Tu t'es jamais caressée toute seule? Si, mais ça me fait rien, quoi. Ah. T'as pas encore. Ouais, toi, tu préfères avec ton mec, tu comprends pas que lui. Je connais pas encore peut-être assez mon corps, tu vois. Mais bon, à 22 ans, si tu devrais commencer à le connaître, quand même. Tonton Jean-Marie nous laisse un message. Tonton Cédric. Elle doit être coincée. Elle n'est pas heureuse sexuellement. Lui, peut-être, il n'est pas heureux. Je suis sûr, elle lui refuse la sodomie. C'est pour ça. Ah, bah écoute, Tonton Jean-Marie a fait toute une analyse. Non, je suis pas coincée au lit, hein. Et Alexandra qui défend les mecs. Merci, Alexandra. Il y a des filles qui nous défendent. Regardez, ouverture d'esprit, où es-tu? Je ne pige pas qu'une fille. Il n'accepte pas que son mec se masturbe. Merci. Non, mais de toute façon, au final, ça se masturber, oui. Non, mais que t'acceptes ou pas, il le fera quand même. Hein. C'est clair. Ouais. Alors, des solutions qu'on nous donne. Tiens, pourquoi tu mettrais pas des pornos avec lui et expérimenter sexuellement de nouvelles choses? Tiens, petit message que nous laisse Délise sur SMS. Salut Délise. Je trouve pas ça naturel aussi, hein, les sites de cul et tout. C'est la nature de baiser. Même les vidéos, enfin. Ah, et ne lui en veux pas, s'il se branle, c'est pour vérifier que l'outil marche toujours, on nous dit là, tu vois. Fait un contrôle technique, quoi. Voilà, il fait un contrôle technique, c'est pour que l'outil soit bien, bien en forme quand il l'utilise, voilà, avec toi. Et quand tu lui dis ça, il te dit quoi? Il s'en fout? Bah, il est gêné, il n'en parle pas plus que ça. Et si tu lui faisais la même chose, et si tu lui faisais la même chose, c'est-à-dire tu laisses l'ordi ouvert sur un site de cul, et puis un site de cul sur lequel lui il va pas, tu vas sur un site de cul, tu chattes, ou tu chattes, et au moment où il vient de dire, parce qu'il va te dire quelque chose, oh bah dis donc ma chérie, alors il va te dire qu'il a envie de regarder avec toi, oh c'est bien ma chérie, on s'y met, ou alors il va te dire qu'est-ce que tu fais là sur ce site, c'est possible ça, et à ce moment-là tu peux lui dire je fais comme toi. Il va s'énerver aussi, hein. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut lui faire. Que dit fou l'effort, dit fou la trompe. Ah oui, bravo, dit fou, bravo, bravo, bravo. Je lui dis bravo, il est trop fort ce dit fou là. T'es le plus fort, t'es le plus beau aussi. C'est génial. Ah ouais. Bon, en tout cas, sache Sabrina, d'après tous les messages qu'on nous envoie, qu'il n'est pas le seul. Après, l'histoire du chat, tu peux gueuler un petit peu, ouais, t'as raison. Non, mais gueule fort. Ouais. Mais même pas sur le même niveau, le YouPorn et puis le chat. Non, mais il n'y a rien à voir. YouPorn, c'est comme si tu regardais un film, quoi. Donc, ouais, voilà. C'est comme s'il était sur YouTube. Bon, sauf que c'est pas c'est un peu différent, chats, mais. Ça, il y a You dedans, hein. Ouais, non, mais donc voilà, tu vois. Donc, ne mets pas. Parce que là, quand ils discutent avec des gens, ça, c'est plus emmerdant. Donc, mets pas sur le même plan le YouPorn et les sites de chat, enfin, les chats. Et prends-lui la tête pour les chats, là, t'as raison, hein. Ah bah oui. Ah bah ouais, c'est clair. Ça, et on lance un sondage express et on vous donne les résultats dans un instant pour Sabrina. Les filles, sondage express pour vous les filles. La question est, est-ce que ça vous dérange que votre mec aille sur des sites de cul? Bon, les chats, j'imagine que ça va vous déranger tous, ça dérange toute l'équipe déjà. Oui, donc normal. Là, on a à peu près la réponse. Écoute, mais qu'il aille sur des sites de cul, genre YouPorn, RedTube et tout le reste là. C'est sur le 41-759, l'appli Skyrock. Vous avez la parole, les filles, c'est pour vous. Allez-y, faites tout péter. On te retrouve tout de suite, Sabrina, tu bouges pas. Et n'oubliez pas, Omai, Omi qui arrive avec nous tout à l'heure sur Sky. C'est lundi les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Ils animent avec toi la plus grande radio libre de France, en direct sur Skyrock. Et en direct sur Skyrock, attention, ambiance jamaïcaine dans un instant. Il arrive, il est même dans les couloirs de Skyrock, ouais, là. Déjà, c'est Safari. Omi ou Omai, on va lui demander si on dit Omi ou Omai. C'est vrai que sur les radios américaines, j'ai entendu Omai. Je pense que c'est Omai, moi. Après, j'écoutais Skyrock, tout le monde dit Omi. Mais de toute façon, en phonétique, ouais, c'est Omai. Tu dis pas I am Romano, par exemple. Non, parce que I am the fool. Oui, mais tu dis I. Donc, aïe, ça c'est le j'ai mal, ça. Ça se dit aïe, oh my. Oui, c'est l'anglais, Romano. Ouais, mais je parle un peu phonétique, alors laisse-moi parler donc, phonétique. Il faut prononcer aïe. Aïe, d'accord. Oh my. Donc c'est bien noté. Donc, oh my arrive avec nous. C'est celui qui a fait le son Cheerleader. Ouais. Et un son qu'on va écouter tout à l'heure. On va le retrouver. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Puis dites-nous ce qu'évoque pour vous la Jamaïque. Ça vous inspire quoi, la Jamaïque? Il y a pas mal de messages que vous avez sur le Facebook, je vais les voir là. Allez sur le Facebook de Skyrock, allez liker, allez faire péter le bordel. Et puis, on vous dira dans un instant tout sur Omai, la Jamaïque et tout le reste. Il arrive. On va juste finir avec les résultats du sondage express de Sabrina, le sondage express que j'ai lancé il y a un instant. Momo, remets-moi tout le bordel. Mais c'est le bordel, dis-moi. Le bordel. Momo, remets-nous des glaçons, tiens. Allez, et puis, on a Mehdi, dont on va s'occuper tout de suite. J'arrive avec les glaçons. Mehdi, qui, à chaque fois qu'il croise son ex, elle te chauffe, elle s'assied sur toi, elle essaie de te draguer. Le problème, c'est que t'as une nouvelle meuf et que t'es amoureux et que t'as pas envie de la tromper. Ouais. Et puis c'est le problème aussi, j'ai pas envie de faire ça parce que je n'ai jamais fait ça et je trouve ça bâtard. C'est un mec bien, Mehdi. Oui, bon, on en a vu d'autres. Bravo, Mehdi. T'es pas un bâtard, tu fais pas comme Romano et Sagotti. Je suis un mec, ça tente. Ouais, ouais. Après, tu nous as dit que tu bandais quand elle s'asseyait sur toi, mais bon. Alors, ouais, ouais, et puis tu la croises souvent parce qu'elle est dans ton bahut. Bon. Il y a Cyril. Ouais, et ta meuf actuelle aussi. Eh bien, attendez, bougez pas, il y a Cyril. Ouais, n'empêche, là, je l'ai pas vu pendant 2 ans, et elle se pose des questions et tout, elle croit que je suis avec elle. Alors, oui, bon, faut pas qu'elle fasse une crise au bout de 2 jours, mais c'est normal. Ouais, c'est toute la merde. Quand t'es une meuf et que t'as ton mec et que t'as des filles qui tournent autour, forcément, tu vois pas ton mec de 2 jours. Ouais, non, mais moi, ça me vénère. Attends, je vois ma meuf, je sais pas, assise sur les genoux de Cédric, je vais pas lui dire, ah bah, ouais, déjà, ouais. Hey, je peux m'asseoir aussi. C'est normal qu'elle doute, ta meuf. Tranquille. Allez, on s'assoit tous les deux sur lui. Ouais. Et ouais, bon, on a Cyril qui appelle pour toi. Je salue Omer. Omer, il bosse, donc on le rappellera peut-être tout à l'heure. Omer, il voulait aussi témoigner. Il voulait dire quoi, Omer? Il fait des donuts. Karim. Il voulait dire que lui, en fait. Non, il voulait dire que lui, en fait, bah, il avait cassé avec son ex, ça fait 3 ans, et depuis, bah, il baisse toujours avec elle. Pourtant, il a cassé avec Marge. Voilà, c'est ça. Et il baisse d'une autre. Il est toujours avec. Lui, il est moins bien que Mehdi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Salut Omer, on te salue. Salut Omer. Bonne soirée à toi. Et Cyril est en ligne, en direct de Saint-Brieuc. Salut Cyril. Salut l'équipe. Salut à toi. T'as 17 ans, comme Mehdi. T'es presque c'est dans le ça. Même coin. On est dans l'ouest de la France. Vous avez eu un temps de merde, vous aussi, aujourd'hui? C'était mitigé. Il faisait beau, il pleuvait, ça dépendait. Non, mais c'est vrai que nous aussi, ça a été un peu mitigé. Ce matin, il y a eu un peu de soleil. Hein. Ouais, même bon, en fait, il fait beau entre 6h et 9h dans le morning. Non, mais ouais, quand il y a du soleil, sauf cool. Qu'il fait 15 degrés. Quoi. Non, mais c'est vrai, hein, dans le morning, on a du soleil tous les matins. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je le sais, Romano, mais ses lunettes gâte, teintées quoi. Comme l'inspecteur d'Eric. Ouais, exactement, les mêmes lunettes fumées. La classe. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, toi? Ah bah évidemment, toujours, le Bob Ricard. T'as vécu la même chose, toi, Cyril? Ouais, voilà, sauf que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait un problème d'hygiène. C'est-à-dire, elle avait la peau qui pue, elle aussi, ou voilà. On va dire l'arrière-train, pour être plus poli. Elle pue du cul. Elle pue du cul. Sympa. Elle pue du cul. C'est horrible, une meuf qui pue du cul. Ah ouais. Mais c'est quoi, elle avait des... Des pertes. Voilà. Je sais pas, j'ai pas été voir. Elle avait beaucoup de gaz. C'est ma sœur. C'est ma russe. Oh ouais, salut ma chérie. Non mais c'est à dire que genre quand tu la dessapais, elle pue du cul quoi. Tout à fait. Alors. Non, c'est une sale. Tout à fait ça. Non mais c'est une blague. Tu te fous de notre gueule. Non mais je lui ai demandé gros standard. Ou t'as un problème au nez peut-être. On a dit qu'on parlait pas de nez ce soir. Il y a des gens qui puent du cul. Ouais, bah. Il y a des gens, ils sont propres, mais ils puent du cul. Mais tu sens les gueules, toi. Mais moi, je suis sale. Non, mais ça... Sans leur sentir le cul, mais il y a des gens. Non, mais moi, ça me dégoûte, quoi. La meuf, ça peut être la plus bonne meuf du monde. Oh, si elle pue du cul, ah ouais, la dessable, ça pue la merde. Mais ouais, mais il y a des gens comme ça. Il n'y a pas moyen de la niquer. À l'horreur. Ou alors, fenêtre ouverte, quoi. Tu touches le nez, fenêtre ouverte. Rien que d'en parler, j'en ai envie de vomir. En effet. Et donc, Cyril, pour revenir au sujet de base, donc elle te redraguait, ton ex? Et voilà, elle me redraguait, donc elle insistait un petit peu beaucoup, ce qui m'énervait. Il dit ça parce qu'il a la haine contre son ex et qu'elle l'a largué et qu'il veut l'afficher, nous dit Rottweiler sur SMS. Bonjour non, à toi, Rottweiler. Je ne dirai pas le prénom, donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'as ce côté-là qui, pour toi, c'est que t'as pas balancé le blast de la meuf, ouais. Voilà. Et ne le fais pas, hein, sinon... Ah. Le belge te tabasse. Oui, il faut pas parler mal de sa sœur. C'est clair. Je te mets voilé, c'est clair. Bon, elle te draguait comment et comment elle revenait vers toi? Bah, elle m'envoyait des messages. Ouais, sens-moi le cul. Toujours. Non, merci. Non. Elle veut sentir le cul. Non, merci, c'est très gentil, mais je ferai pas ça. Oui, sens-moi le cul. Et comment tu t'en es débarrassé? Comment tu lui as fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrête tout de suite? Et ben, moi, je lui ai donné rendez-vous à un endroit, et sauf que je lui ai dit clairement la vérité, et. Depuis, bah. Elle a arrêté, quoi. Tu l'as pas fait, tu l'as pas dit, t'as pas mis les choses au clair avec, avec ton ex? Moi, si, j'ai mis les choses au clair, mais elle revient chaque fois. J'ai failli faire ça, mais je suis pas allé. Et quand je l'ai revue après, elle m'a dit, ouais, heureusement. Non, elle m'a dit, j'attendais que tu viennes et tout. Je croyais qu'on allait chez toi et tout. Ah ouais, l'hôtel y croit vraiment. Ah ouais, l'hôtel, ah ouais, elle est bouillante, quoi. Bon, si vous avez une solution dans l'équipe, il faut la donner maintenant. Moi, je vous donne la mienne. Voici ma solution qui déchire. La solution, c'est d'envoyer carrément ta meuf en disant qu'elle te fait des attouchements, qu'elle s'assied sur toi et qu'elle te fait bander. Tu dis ça à ta meuf et elle pense que ça se termine en baston de fille. Ça va être super. Avant, se tirer les cheveux, se griffer, j'adore ça. Ouais, c'est chaud, ouais. Donc ça, pourquoi pas. Ça, c'est mon idée. Ouais. Moi, je la rejette carrément. Je dis, vas-y, casse-toi. Ah ouais, moi aussi, je dis, allez, vas-y, je fais moi la paix. Parce que si tu lui as déjà parlé et que tu lui as déjà expliqué tout ça et qu'elle ne bouge pas. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que la meuf, si elle a fond sur toi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui adresses la parole, c'est lui donner de l'importance et la meuf, ça la conforte dans le fait qu'il y a moyen. Ouais. Alors que si tu coupes complètement les ponts. Oui. Et bah, à ce moment-là, la meuf, elle va se dire, bon, bah, laisse tomber, il veut plus du tout de moi, je lâche l'affaire. Parce que là, en fait, tu lui parles, donc pour elle, c'est un espoir, quoi. Ouais, j'avoue. Il faut briser tous ces espoirs. Briser l'espoir. Non, mais bon, c'est dur pour elle, mais bon, c'est la vie. Hein. Non, mais c'est bien ma méthode d'envoyer sa copine, non ? Ça vous plaît pas ? Ouais. Si, moi, mais je suis quelqu'un de gentil, au fond. Je préfère dire les choses clairement. Je l'ai fait, mais non, ça mais si comprend pas. Bon, je veux pas casser ta méthode, Difool. Attention. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Perso, parce que là, je vois les messages. La solution de Difool est la plus bonne. Ce sera en plus super excitant quand elle va se battre. Il y a Back to the Future qui est très excité. Alors attends, je mets le truc dans le sens inverse, mais j'arrive pas pour le moment. C'est-à-dire bon, t'as l'ex Romano, t'as l'italien là qui sortait avec ta meuf. Ah voilà, ouais. Qui la met sur ses genoux et qui bande et qui essaye de la harceler. Ouais. Et bah voilà. Bah moi. Et elle s'assied. Et elle me dit va voir le mec. Ouais. Ah mais je lui dis mais c'est toi t'es qu'une salope aussi. Mais pourquoi il est pour rien, Non, mais attends, Mehdi c'est pas une salope. Non, mais salope Mehdi. Dans le cas que t'as dit pour moi je suis désolé, elle a pas à s'asseoir sur le mec. C'est déjà elle, si elle s'assoit sur le mec c'est qu'elle laisse une chance. Oui voilà, oui c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi je disais que je jouais le mec quand s'assied sur mes genoux. S'il y avait mes potes autour et genre je voulais faire le mec, ouais il y a des meufs qui viennent sur moi et tout, tu vois le délire. Le séducteur, c'est ça. Coupe les ponts, où je te dis, moi je ferai la technique, genre elle veut s'asseoir, je recule la chaise. Voilà, la meuf. Et comme elle ça, elle se fait enfin casser le cul, elle sera contente. Coccyx pété, je te dis, coup du lapin, tu la revois plus. Bon, si vous avez d'autres idées, vous nous faites signe, et puis on en reparlera peut-être dans la soirée, mais en tout cas, voilà les solutions qu'on pouvait te donner. Mehdi, merci Cyril pour le coup de fil aussi. On te salue Cyril, tu salues toute la Bretagne. Et Saint-Brieuc. Je sais pas pourquoi j'ai Saint-Brieuc. Ça va pas bien. Ouais, mon Dieu. Et on t'envoie le t-shirt ou le maillot, Cyril, tu bouges pas. Et puis merci Mehdi. Je peux envoyer une petite dédicace, s'il te plaît. Vas-y, dédicace à Daniel Brochet, à mes potos, Grosse Tête, Brian, Dylan le Magicien et tout. Et grosse dédicace à vous, l'équipe. Continue comme ça, vous êtes les plus forts. Merci Mehdi. Eh ben merci Mehdi, raccroche pas et reste à l'écoute. Il y a Omi qui arrive, on va le prendre là tout de suite. Et juste avant, je donne les résultats du sondage express pour Sabrina, puisque vous avez voté les filles pour Sabrina. Alors est-ce que ça vous dérange si votre mec il regarde YouPorn alors que vous sortez avec lui, même s'il le regarde quand vous êtes pas là? Eh ben tu vas être contente Sabrina. Ah, attends, je retrouve les résultats parce que je les avais il y a 30 secondes. Ils sont là. 53%, écoute bien Sabrina, 53% des auditrices qui ont voté, parce que c'était que pour les auditrices, sont dérangées par leur mec qui va se branler sur YouPorn. Ben et la liberté les filles. Hein, ouais c'est clair. Et la liberté. Ouais mais moi tu sais ça m'étonne pas en fait. Et 47% que ça dérange pas, c'est fou ça quand même. Ah mais votre mec va s'instruire pour améliorer vos relations amoureuses. C'est ça, t'as raison. Et vous le critiquez. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous êtes vraiment terrible. Non mais si le mec passe ses journées dessus, bon. Non mais là, oui, mais là c'est qu'il est malade. Oui. Il a un souci. Le mec était traqué sexuel là. Tu fais bien de le souligner. Là tu fais bien de te barrer même. Ouais, là tu te casses. On sait jamais avec ce genre. Ouais, si le mec il a H24 dessus, c'est qu'il y a un souci quoi. Hey, what's up? Omi ou Omai? Omi. Ah, j'avais raison. Eh ben voilà. J'avais raison. I'm right because I say Omi. Of course. Ah, of course. Of course you're right. It's not Omai. Because I listen to the American radio station and I listen on the radio station who say Omai. Omai. No, it's bad. But le pire, c'est les radios françaises quand les mecs ils disent Omai parce qu'ils se croient américains. No, but you know, it's the same thing. Omi. Ouais, c'est pareil, en vrai. Omi and the girls say Omai. Oh my God. C'est ça. Oh. Yes. Welcome, Omi. Thank you. Bienvenue on Skyrock. Je fais le. On parle. Il y a Elsa, si tu galères un peu. Je peux te casser en fait. Ouais, c'est rien. Non, si, bah tu vas servir, tu vas voir Elsa. Bonjour oui, Elsa. Là, bon, bonjour, ça va. Après, c'est la suite qui va se gâter. D'accord, ok. Hello va, Elsa. Elsa for the translation. Yes, she's here with me. Oh, yeah, we came together. Ah, ils sont arrivés ensemble. Vous êtes arrivés ensemble. Avec eux, ouais. Ah ouais. You are together. Ah ouais. T'en profites, Elsa. En fait, maintenant, tu couches avec tous les artistes que tu traduis, quoi. He's saying I sleep with all the artists I translate. Wow. Voilà. Eh ben, dis donc, la classe. Là, tu caches bien ton jeu, hein? Ah, welcome in France. Voilà. Non, I thought thought I was special. All the girls in France are like that. Non, c'est si, all the girls are. I don't believe that. Mais non, si, il croit pas, il a raison. C'est pas vrai. Bon, alors, Omi avec nous, the Jamaican power tonight. You are Jamaican. Yeah. Ah. Yes. Oui, il est Jamaican. The country of Bob Marley. He just reminded me. I was like, what? En fait, il avait oublié, mais tu viens de lui rappeler. Merci. Yes, you're Jamaican. Hey, you're Jamaican. I was like, yeah. Like Bob Marley. Yeah, like Bob Marley, definitely. En France, quand on parle de Jamaïque, on pense tout de suite à Bob Marley. When you speak about Jamaican in France, you necessarily speak about Bob Marley. Or think of Bob Marley. Of course. En Jamaïque aussi, c'est un espèce de dieu, de dieu éternel, Bob Marley. Is it the same thing in Jamaica? He's like the god there? We have God. Oui, il y a vous and we have Bob Marley. Il y a le vrai Bob Marley. Yeah, we have God and we have Bob Marley. Oui. Yeah. We have both. Il y a les deux, il y a les deux. Vous avez les deux. Yeah. Vous avez Bob et God. C'est ça, voilà. Bien. On a demandé aux auditeurs de Skyrock d'ailleurs ce que ça leur inspirait la Jamaïque. D'après toi, ils ont répondu quoi les auditeurs? They asked some of the listeners of Skyrock what Jamaica inspires them. What do you think they answered? Ah, I don't know. Easy. Like it's easy. It's yeah. Easy. J'ai deviné. Tell me. Non, mais, alors. De rien. No. Quelle question? Well, see, not everybody smokes, because I don't smoke. Bah, il dit que pas tout le monde fume. Lui, par exemple, il fume pas, tu vois. Regarde, moi, je suis pas Jamaïcain, ça m'est arrivé pourtant. And he's not from Jamaica, but he smokes. Perfect. Ouais, pourquoi pas, hein. Yeah. Alors, je te présente toute l'équipe. Oh, Elsa, you know, tu la connais déjà, a priori. Yes. D'après a priori, profondément. Eh bien, ouais. Marie. Hi, nice to meet you. Sammy from the south of France. Hi, from Jamaica, mais in France. Yeah, yeah. Jamaïque de la France. Romano. Hi. What's up, man? The prince, nice to meet you. Nice to meet you. The prince of the hip-hop. Wow. Ah, yes. Wow, yes, oh, il a dit wow. Yes. Voilà, ouais. Wow. Il applaudit. Thank you. Thank you. C'est lui, the prince of the hip-hop. Karim, Cédric. Hello. Les autres, tu les connais, je crois, les deux qui traitent derrière moi. Bonjour, those are with you, the rest. Yes. C'est le staff. C'est le staff. The staff. Yes, yes, the staff. She's with me, they're the staff. Yes. Il se passe un truc, là. Et le staff est derrière, ouais. Donc, quand on dit Jamaïque aux Français, enfin, en tout cas aux auditeurs de Skyrock, ils ont répondu Bob Marley. Jamaïque. Yeah, so the listeners answered Bob Marley for Jamaica. Mm-hmm. Right. Bob Marley, ils nous ont dit Usain Bolt. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, Usain Bolt. Eh ouais, Usain Bolt. Rasta Rocket. Rasta Rocket. Ah ouais, mais je crois que ça n'a pas le même nom. Ah oui, non, it's a movie. Alors, I do not remember what it was called in English. With Jamaican with both cool runnings. Cool runnings. Oui, exactement. Exactly. C'est ça. Rasta Rocket. Ça se dit pareil, bobsleigh, oui. Ouais, mais le film, c'est pas le même nom. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Marijuana, qu'est-ce que vous nous avez dit d'autre? Bob Marley, de la bonne weed. Weed, weed. Athlète. Bah, yeah, very good, very good. Usain Bolt. Il y a de bons athlètes. Et puis Omi. Maintenant. And Omi now. Oh, Jamaica. Sean Paul. Wow. Sean Paul. You know Sean Paul? Yeah, of course. Lui, il fume. Hein. I think he says give me the light, so I would assume he does smoke. Ouais. Yeah. Vu qu'il chante give me the light, oui, il suppose qu'il fume. Yeah, I would assume he does smoke. T'étais là, Elsa, quand il est venu, Sean Paul. Absolument. Ah, tu oui, peux lui raconter quand il est arrivé et surtout quand il est reparti. Et non, et puis il y avait des jolies jeunes filles sur ses genoux. Oui. So last time he came, we had two very nice. C'était quoi, des actrices porno? Porn stars who were basically sitting on his lap during the whole interview. Ce qu'on fait dans la classe. Wow. Very, very classy. Very nice. So you did and they were all him? Smoking and drinking. It was a big party. Okay, so you did that. You, who provided the porn stars? Voilà. Qui a fourni les jeunes filles qui sont venues? Elles sont venues toutes seules? They came by themselves. Elles écoutaient Skyrock, they listened to Skyrock and they came. Mais pour lui, il y a Marie ce soir, c'est bon. Hey, but tonight, you have Marie. Yes. Je suis pas une actrice de cul, moi. No, because I thought you provided the porn stars. Parce que du coup, il s'est dit que peut-être que vous aviez fait pareil pour lui, qu'il y avait des actrices. Peut-être, on sait jamais. Hein. Il allait vous dire non, mais c'est pas la peine. Mais non. Je lance un appel. Okay, he's shouting out now to all porn stars if they want to stop by and come and see us. No, I was just gonna say no. Ah non, il allait dire non. No. Genre non. Alors, on a plein de choses pour toi ce soir. Tiens, regarde les auditeurs qui envoient des messages. La Jamaïque, c'est trop beau pays. All the messages are coming in for you. Ouais, Jamaïque, c'est super. Ça me fait penser à un nuage de fumée. About ça Jamaica, me fait penser à... your country. Ça me fait penser au jaune, au vert et au rouge et à Bob Marley pour Benjamin. It makes him... Benjamin says it reminds me of yellow, green and red. Mm. Et malgré le succès, tu vis toujours en Jamaïque. Yellow, green and red, that's the Rastafarian color. Exactly. Rastafari. Yeah, Rastafari. Yeah, a lot of people associate that with Jamaica even more than the black, gold and green that the flag actually has. Ouais, en fait, le vrai drapeau jamaïcain, il est doré et vert. Ouais. Oui, donc il n'est pas rouge. Non, absolument pas. Ouais. Non. Bon, et tu vis toujours en Jamaïque, toi? So you still live in Jamaica, or yes, you've been traveling yes, all over? I have been traveling all over, so yeah, technically you're right, I don't live anywhere. Bah, techniquement, oui, t'as raison, il habite nulle part, mais à la base, oui, il habite en Jamaïque. Yeah. En fait, il habite dans un avion. I'm you a nomad, airplane, nomad. Basically. Nomad. You live in the air. Yeah. Yeah. Un nomade. Un nomade, yeah. Exactement. Et ça fait quoi? Donc ton morceau, mais ça fait un petit moment que tu l'as sorti, parce que l'original du morceau, oui, the original song is that. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. See, I sound like the record. Fait tourner. Ouais, tu vois, il dit, on dirait le disque quand même, hein, quand do il chante. Do you think I'm prepared to make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ça c'est l'original. Si ça n'avait pas été l'original et si ça avait été dans le sens inverse, que ça serait pâté. Si c'était ça qui était sorti d'abord, on aurait l'impression que tu aurais fumé un loin et que tu aurais refait if le morceau. If this had been released first, people would have thought you smoked a little too much and then released the other one. Because now I still sound like the record. Oui, parce qu'on dirait toujours quoi. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are... I still sound like I can do it fast or slow. Bravo. Tu peux faire vite ou moins vite, c'est lui quoi. Ouais, et toi tu préfères. Alors le morceau et qui nous pose des questions, il y a Nadine qui nous laisse. Yeah, we're getting questions about. Tu connais le DJ qui a fait le remix? Do you know the DJ who actually did the remix? Ah, Felix Yann. Voilà. Mais il le connaît? Not personally. Non, voilà, pas personnellement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non. Alors comment ça s'est passé? Parce que le morceau, la version originale, celle-ci là, elle est sortie il y a deux ans, deux trois ans. So the original version came out in what, 2012? 2012. En 2012, yes. Ouais. Right. Et Nadine qui dit c'est sorti il y a deux trois ans. Alors pourquoi ça a percé vraiment aujourd'hui? So why did it like get all successful only today? Basically? You know what? I believe a good song is a good song, you know, and it doesn't have an expiration date, you know. Felix Yan did the remix last year, 2014, and it was reinvented in a sense, you know, the song. But it has always been a good song. En fait, il dit que pour lui, une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Il n'y a pas vraiment de date d'expiration. Donc, c'est vrai que Felix Yan a fait le remix. C'est pas yaourt. It's not like yogurt. There's no expiration date. Donc, yeah. Felix Yan a fait le remix en 2014. Mais voilà, ça reste une bonne chanson. Donc, ça le sera toujours. Et toi, le remix, tu l'as découvert comment? Il te l'a envoyé? Il t'a demandé? So, how did you hear about the remix? Did he ask you authorization? Did he just send it to you? How did no, you learn actually, about it? We're with the same company. I mean, I'm with Ultra, he's with Ultra. Ils sont à la même maison de disque, Ultra. You know, everybody's on board the project. Donc, tout le monde était au courant. C'était un projet tous en commun. Ouais, ça aide. Et t'as trouvé ça bien? And you liked it? Of course. Of course. Ouais, et maintenant, quand tu vas dans le monde entier et que t'entends ton morceau, parce que tu te branches sur la radio, tu vas n'importe où. Hein. Tu vas ah ouais, c'est clair. Yeah, and wherever you go in the world now, you hear your song. What does that feel like? Ah, it's an awesome feeling. C'est plutôt cool. I'm from a very small island, Jamaica. And now you're telling me that people are associating Jamaica with me and Bob Marley and Usain Bolt and Sean Paul. So. Ouais, c'est une toute petite île, la Jamaïque. Donc quand on lui dit, comme tu viens de lui dire, que les gens l'associent à la Jamaïque, à Bob Marley, tout ça, ça le fait kiffer quoi. Et au dread, mais il en a pas. And dreadlocks, but you don't have any. I don't have any. Non, jamais eu. Never had dreads. Mais il a des cheveux. Non, jamais. But you do have hair. I do have hair. If that helps. My friend Romano. No hair. Unlike Romano, who has no hair. Ils sont partis. They're gone. Il a trop fait de dread. Ah ouais, c'est ça trop. C'est quand too many dreads. Sean Paul. On va poser. Tiens, on a Johan tiens, qui voulait nous parler. Je vous ai dit que vous pouviez débarquer sur Skyrock. Hein, facile, vous nous appelez 01 53 40 30 20. Et vous parlez à Omi ce soir. Et ça se dit bien Omi. Omi. Ouais. Et ouais. Johan en direct avec nous. Salut Johan. Salut, bonsoir Richie. Bonsoir Omi. You want to speak with salut. You. Ah, salut Johan. Okay. Bah, je voulais poser la question à Omi en fait, vu qu'en France on est les premiers consommateurs de cannabis. Si lui il en prenait, vu qu'il est le premier exportateur. Alors il nous a dit non, mais est-ce que il y en a beaucoup en Jamaïque, ouais. In France. Yeah, we are number France, one. Like the number one consumers. Yeah, of marijuana, cannabis. So he wants to know if in where you're from, a lot of people actually do smoke. Yes, yes, they actually do smoke. Ouais, il y en a beaucoup qui fument, ouais. Mais trop. Too much. I don't think too much. You know, but they actually do smoke. Il dirait pas trop, mais ça fume. Ça fume en Jamaïque. Ça fume. Parce que moi j'avais vu une loi en Jamaïque qui était ultra répressive contre le Because there was a law, a very strict law against. Yeah, it is, but hey. Ouais, en fait, on s'en fout de la loi. Comme il le dit, mais genre, on s'en tape de la loi. The thing about it is, I've been to places in the world where I actually see it more prevalent than in Jamaica. Like, you know, I've been to places where more women smoke. Il était dans un endroit dans le monde où c'est plus les femmes qui fument, par exemple. En fait, il y a pas vraiment de loi, quoi. Et c'est bizarre cette loi. C'est comme si en France, t'avais une loi qui t'interdisait de regarder la Tour Eiffel. Voilà. It's kind of like if in France there was a law that forbid you to look at the Eiffel Tower. The same thing as the law that forbid you to smoke in Jamaica. That's what he wow. Il y en a là-dedans. Yeah, he's very smart. Là, surtout, je pense qu'il dit, il est bien perché. Il est bien perché. Il est allé très loin. C'est la première fois que tu viens en France? Is it the first time you come to France? No, no, but today I was like, wow, this is tall. Ouais, mais aujourd'hui, alors, il a vu la Tour Eiffel. I didn't know it was against the law, no. Il savait pas que c'était interdit de regarder la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, la The Eiffel Tower. Eiffel Tower. Ouais. Connue dans le monde entier. Un peu comme Bob Marley pour la Jamaïque. Kind of like Bob Marley for Jamaica. The Eiffel Tower for France. Very monumental. Ouais, ouais. Monumental, c'est ça. Exactement. T'écoutes quoi comme musique? What kind of music do you listen to? C'est ça, voilà. Everything, you know, everything, because I think as a musician, you have to open yourself up, you know, to accept and listen and appreciate, you know, every genre and, you know, every different sound, you know. Il écoute un peu tout parce qu'il estime qu'en tant que musicien, il faut justement être assez ouvert, écouter un peu tous les genres différents. S'inspirer, c'est comme une éponge. You're it's, like it's a sponge. It's also inspiration. It's like very, a sponge. Very much so, you know, because I can't absolument experience everything. Ouais, quelle belle image. Et tout, il connaît des artistes français. Do you know any French artists? I know one. He's actually a friend of mine. Ah, il y en a un qui est Clayton Hamilton. I don't know if you. Clinton Hamilton. Clayton Hamilton. Vous connaissez? Je connais Hamilton. Ouais, le coureur. Non, ça ne doit pas être le même. Non, they don't know. Tu vas découvrir la France, tu vas voir. Super. Johan, t'avais autre chose à demander, Johan? Je voulais aussi savoir s'il avait des projets avec des artistes français ou une tournée en France ou quelque chose. Johan wants to know if there's any projects with French artists or is there a tour in France planned? Not at the moment, but you know, it's definitely something to look into, you know, because I also have fans in France. Pas pour l'instant, mais ils vont se pencher dessus parce qu'il y a beaucoup de fans en France. Ouais, bah regarde les messages qu'on a depuis tout à l'heure. Regarde, all the messages for you. Wow, ouais. Those are a lot. Est-ce que tu trouves que le français est une langue excitante? Et dans ce cas-là, je demanderai à Marie de te dire deux, trois choses. Ouais. Do you think French is like a sexy language? Yes. Absolument, ouais. Yes. I said that once in an interview that you can say anything in French and it sounds very sexy. Voilà, il a dit une fois dans une interview que tu peux dire ce que tu veux en français, ça, tout de suite ça paraît sexy. En fait. Même un truc dégueulasse. Imagine if I had said that. Imagine si lui avait dit ça. Wow. Marie, quelque chose à dire en français à Omi? Ok, Marie, c'est en French. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, chauffe-le, Marie. Bah, ouais, voilà, j'étais sûr, mais vous êtes grave. Hein. Allez, chauffe, Marie, vous chauffe. Pour une salope ou quoi? They're saying that you have to hit on him. Non, mais j'adore ton son. Ça, déjà, she loves your song. Wow, thank you. Ah, j'adore, ça fait du bien, ça amène le soleil. Makes her feel good and it brings sunshine. A priori, ça lui donne chaud aussi, quoi. It makes her hot. I love your language. Wow. Johan, un petit truc à demander à Omi encore? Profite. Bah, non, c'est bon, juste, je peux passer une petite dédicace. Alors, petite dédicace, on va écouter tout. T'as 5 minutes, Omi? Ok. Still around for 5 minutes? Ouais. Ah, sticking around? You listen to your song. Ok. Let's play the song. You want to sing or you want to sing it's live? What, you're the boss, man. You're the boss. Ah, vous entendez l'équipe? C'est toi. Ah, merci. Merci, Omi. Ah, of course. I'm the boss. Alors, sing for us. Ok. Ok? Oui, yes. Commercial break. Sing. Ok. No problem. Money. Oui. Commercial break, beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent. Monnaie. Et just after, tu chantes pour nous. And after you sing. Je crois qu'il te prend pour un dingue. Allez, on est de retour avec Omi en direct sur Skyrock. Et Skyrock, c'est reparti avec un gros live maintenant dans la radio libre. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs. De 21h à minuit. What the fuck? 10 foulées sur Skyrock. Et on est ce soir avec Omi, il est avec nous. Live from Skyrock. Direct de la Jamaïque. J'ai remarqué, les Jamaïcains, ils sont cool. Parce qu'on en connaît quelques-uns. He says he's met a lot of Jamaican and they're all very cool. Yeah, we're very. Ouais, c'est vrai, cool. Il confirme, ils sont très cool. Ouais, ça va les poser, pépère. Ouais. Alors, il va nous chanter la version live de ce soir. Cheerleader, ça veut dire pom-pom girl. Hein. Ouais. Exactement, ouais. In France, we say. In French, yeah, in French say, cheerleader, yeah. They say pom-pom girl. Oh, pom-pom girl. You know, pom-pom girl. We say pom-pom girl too. Yeah, ah, ils le disent aussi. Ouais. Les deux se disent. Ouais. Ils disent également. Pourquoi t'as pas fait. Pom-pom girls. Pom-pom girls. Yeah, I don't think that would go. Non, mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Est-ce que Marie pourrait être ta pom-pom girl? Can Marie be your cheerleader? Of course. J'ai pas de pom-pom. Bah, si, t'en as deux gros. She said, I don't have pom-poms. She says, you have two big ones. I didn't say it. C'est pas lui qui l'a dit, hein. C'est Romano. I know. Attention, attention. Allez, on y va. On commence. Oh, ok, il fait cheerleader là. Ouais, cheerleader, ah, c'est parti. On y va pour cheerleader. Allez, l'instru. Et puis Omi en live sur Skyrock. Dites-nous ce que vous en pensez, vos messages. Vous pouvez les envoyer. Allez-y. Hein. Omi sur Skyrock, le hashtag Omi sur Skyrock pour Twitter. Et puis sinon, le 41759, la piste Skyrock, il mate tout ça. Elle est très contente de vos messages. C'est parti. Let's go. Let's go. Ooh, yeah. This one goes out to all the beautiful cheerleaders out there. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Oh, she walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always. It's time. What happens? What happens? Ooh, yeah. You want some help? We keep this up. Yeah, we need some help. For lead. Wow, quelle voix! Regardez les messages. Il est trop sexe, nous dit Erwin. You are so sexy for Erwin. Yeah, a listener, a woman who listens Skyrock. Quelle voix, on nous dit. What a voice. Here we go, my favorite part. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Quelle le voix, disque, on aurait dit le disque. On aurait dit le disque. Sounds just like the record. En fait, t'as fait un playback. Thank you. Pardon, je t'ai craché dessus aussi. Fallait pas le dire. Ouais. Thank you. Wow, il est trop fort, sérieux, regardez. Very cool. Il est trop Thank fort. Thank you je very craqué, much. On nous dit. Les Lots of great messages. Wow, les, les Jamaïcains sont cool. J'écoute ça dans mon lit. I have to super. Do that song for my fan, though. Ah, y a une chanson que son fan a demandé là, qui va faire aussi. Ah, vas-y, ouais. Alors, vas-y, le morceau. A little part of it, yeah. A little part of it. Le morceau qui s'appelle. All right. What's it called? Standing on all threes. It's called All Threes. Okay. All Threes. All Threes. Yeah. C'est un morceau qu'on peut, on peut trouver où ce morceau? Where can we net, find the song? It's on YouTube. So YouTube. Sur YouTube. Yeah. Okay. Okay. Ready? A cappella. Allez. Yes. Silence. Let's go, Omi. Pull up. Skyrock. Oh yeah. Whoa. You got me standing on all threes. Pretty little girl in a short jeans. Writing on my firm out on the concrete. You make me can't sleep, cause you got me standing on all threes. Pretty little girl in the short jeans, writing on my firm out on the concrete. Whoa, yeah. You make me can't sleep, yeah. I got you begging for more with a little foreplay. Got you swearing and saying things when I fit for earplay. Kick back, relax, baby, this is your day. You deserve good service, you've earned it, it's your pay. Make me pop off the button, left the zipper and down. Strip tease, no camera, not a publicity stunt. This is your gallery and your museum, reveal the masterpiece and get a good critique when you're done, yeah. Me take me time, calm and I in and no yes. Baby girl, them say yes, make ways. Move at a slow pace, make me wear down to the waist. Ooh, you deserve first place, because I know you got me on all threes. Pretty little girl in the short jeans. Bravo, oui. Bravo, j'ai compris, all three et striptease. You speak about striptease. Yeah. Yeah. Bon, Marie, Marie, Marie, make a striptease. Marie, non, non. For Obi, si. T'as sûr, Marie, Marie, let's go for allez. The show. Cédric, make a striptease. Non, non, non, pas soir. Not tonight. Don't want. You want? Vu sa gueule, il va. T'es dégoûté, il est dégoûté aussi. Ah non, il est. Il a dit non. Ah non, pas lui. Tout le monde, mais pas lui. Il a dégoûté. Ah non, pas lui, il a dit. Il est beau ce morceau. Very yeah. Nice song. T'as des projets pour la suite, pour so la suite. What's coming up in the near future? Plein de projets, non? Projects? Yeah, definitely future projects, a few collaborations. I'm looking forward to either follow-up single or an album. Ouais. Or both. Alors, soit un single qui va suivre. Ouais. Soit un album, soit les deux. Les deux. Voilà. Mais both. Bien sûr, des projets, des or collaborations both. Aussi. Yeah. Both. So maybe both follow be single better. Album. Bah alors, oui. Single, album. Or maybe album. La totale. Ou album. Alors, on va. Juste avant que tu y ailles, parce que tu as une journée. Là, t'es en pleine promo. Yeah, pleine before promo they let you go because you have a crazy schedule. Yeah. C'est vrai. C'est fatiguant. Vrai. Ouais. Yeah. Tired. Very. C'est fatiguant ouais, la vie d'artiste. It's tired being an artist. Tiring being an artist. Il s'en va. Yeah, it is, but it's also fun because I get to meet like wonderful people like yourself. Alors, you c'est know? Fatigant, mais c'est canon parce qu'il rencontre des gens aussi tard. Mais là, il reste jusqu'à quand là, gentil. Until when are you in Paris? Until day after tomorrow. Après-demain, il repart. Et après, il va où? And where are you going next? Back to Munich. À Munich. Ah, c'est moins sexy. Yeah, it's tu vas boire de la bière sexy. Et manger de la saucisse. Hein. You're gonna eat sausage and drink beer. Munich, it's like that. I will do none of the non, above. Il fera ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas là, non. Comme ça, c'est clair. Hey, yeah. Y a plein d'auditrices qui nous laissent des messages. Il est trop sexy, mais quelle lots voix of de girls fou. Are saying you have a very, very sexy voice. Comment on dit j'en ai la chair de poule? Ça, c'est le message de Nanou du 95. One of them says she has goosebumps. Ouais. Thank you so much for saying this. Thank you, homie. On va faire un petit concours. J'ai avec moi un spécialiste de la musique. Il a fait plein de morceaux. Il s'appelle Romano. C'est le prince du hip-hop. Attends, c'est quoi le concours? Le concours, c'est reconnaître les morceaux que je vais vous passer maintenant. On va voir si tu es vraiment. Bah, logiquement, tu devrais le défoncer. Hein. Ok, Romano is the prince of hip-hop. But we're going to do a little contest. Yes, he's going to play some songs. Hip-hop, R&B, hip-hop, dancehall, dancehall. See, I sing with Sean Paul, for he example. He sang with everyone. Yes, of course. Ouais, il a vachement l'air de croire. Non, mais dis-lui que j'ai lancé Sean Paul en France. On peut he dire. Sort of launched Sean Paul's career in France. Wow. Ouais. Sans moi, il serait resté bas. Quoi. Without him, he would be nothing. You are a big deal. Ah you ouais, are c'est, a big deal. Ça rigole yes, pas, toi. Yes, yes, yes. Yeah, you are a big deal. Big deal, la gaffe, tout voilà, ça. Voilà, ouais. Alors, je vous passe des morceaux. C'est quoi des morceaux de qui? On fait un blind test, en fait. Ok, it's, you know what a blind test is? Basically, he's going to play some songs and you have to find which song it is as fast as possible. Ok. Okay. C'est quoi, lui contre Romano? Toi contre you Romano. You against Romano, the prince of hip-hop. Against okay. Romano. You ready? So tu peux lui dire le dernier qui so a joué à ça, il est parti en pleurant, c'était Mac Taylor. And you have to say the name of the song first before he does. Okay, let's go. To recognize it. Let's go. On écoute, c'est parti. Get up, stand up. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Logiquement, je vais mettre le début du disque et après je vous donne la réponse. Get up, stand up, un point chacun. Facile. Attention. Okay, one point each. One Love. Non. Buffalo Soldier. Chase those crazy ballers. Non. Buffalo Soldier. Jammin'. Un point pour Romy. 2 à 1 pour Romy. Bob Marley. Putain, c'est pas, je suis pas spécialiste de Bob Marley, quoi. Ah, moi, je vous défonce. Je peux jouer, Romano? Tu lances les sons? People wants to play too. I want to play. Ah. Ouais, because okay. I'm the specialist of Bob Marley. Yes, yes, ok. Of course. Donc c'est toi contre lui? C'est ouais. Pour Romano? Alors on change. Ok, so it's not Romano. Romano anymore. Est DJ également. DJ Roro, t'es prêt? Romano's the DJ and it's you against Diffoul. Attends, ok. Non mais il faut rebrancher derrière. C'est le truc, c'est les branchés qu'il y a pas. DJ Roro, c'est bon, c'est branché? Ah non. Ah, j'ai très mal au doigt. Alors, we play together. Because okay. I'm the specialist of the Jamaica. Ah, ok, no problem. Ok. Attends, l'écran ne s'allume plus. Uh-oh, the screen went blank. Ah, I'm very strong because I have destroyed the screen. I'm very strong. Ah, ça y est. C'est bon. Let's go. Ok, it's good. Vas-y, Romano. Attends, ça ne s'arrête plus. We play together. Ok. Pourquoi ça ne s'arrête pas? I want to win. The song won't stop. Voilà. Donc attends, les morceaux ils sont de quel côté? Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors attention, are you ready? You're ready. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alors. Let's go, Romano. Today, any day now. Ouais. Non, attends, hein. Ça devrait marcher. Ah. One love. Ah. Ok. One point for day four. Yes. Évidemment. Yes. Là, si je te bats, je suis fier. Hein. Si je bats Jamaïque ce soir. If he beats you, he'll be very proud. Yes, I trust me. All right. Another. Attention, attention, another. Stop. Up. Da, da, da, da, da. I wanna love you. I wanna love you. No. It's not the title. Is this okay. Love? Is this love? Oui, bravo. Is this love? Cool. Hey. I wanna love you. That's it, right? It's not the title, though. The title is. Ah, il dégoûtait le pauvre. Yeah. 2 points. I'm really letting down Jamaica. Ouais, là, il dit que c'est de la merde pour la Jamaïque, ce qu'il fait. Tu retournes plus en Jamaïque. You're not going back home. Ah, attention. Yeah. Un autre extrait. Another. Vas-y. Omi, it's time to win. It's time to win. Yeah. Allez. No, no woman, no cry. It's a tie. Equality. On partage le point. It's a tie. No woman, no cry. No cry. Could you just play my favorite Bob Marley? One of my favorite Bob Marley before I leave. Est-ce que tu peux au moins jouer une de sa préférée de Bob Marley avant qu'il parte? Si tu veux, c'est lequel? Which one is it? Woman, hold her head and cry. C'est lequel? Cause her son had been shot down in the street and died. Yeah, you love that one. Ouais, on a Rodrigue, notre assassin. C'est lequel, Rodrigue? Johnny was a good man. Johnny was a good man. Défaut, was a good man. Eh ben, ça tombe bien, on ne l'a pas. Non, oui, on l'a, sorry. Un autre, Manu. Oh, you can't find it. They don't have it. Un autre. Il se casse. Non, non, attention. Oh. Oui, bah, désolé. Bye-bye. Allez, un autre. Attends, il y a le kill qu'on n'a pas mis. Je crois qu'on... Attends, un autre. Okay, one more. The last one. The last one. The last point. Ah ouais, ok. The last point, let's go. Attends, celui-là, il est bien dur. Il est dur, lui. Don't worry. No. Redemption song. Non. Redemption song, c'est pas ça. Ça, c'est les paroles. Gonna, every little thing gonna be alright. C'est Redemption song. Don't worry about a thing. Alors, on galère? C'est là, le titre. Gonna be alright. Oui, mais le titre, yeah, ce titre, Every Little title. Thing. Don't worry. Non. Two little birds. Little birds. Three little birds. Oui. Obi, bravo. Bon, j'ai ce qu'il a vu. Bravo, Obi. Yeah. Et ben voilà. Thank you. Gonna merci, be alright. Bah écoute, merci Omi. Hein. Bon, allez, une dernière. Okay, last one. The last one, yeah. Allez. The last c'est one. Celui qui marque le point gagne définitivement. Okay, the one who wins this one wins the whole game. Okay. Gold in gold. Okay. Okay. I want to win. Allez. Vas-y. Ah. Et là, Omi cherche et il le trouve pas. Putain, moi aussi je cherche et je trouve pas. Old Pirate. Redemption Song. All right, right, so look, look, I'm a sore loser. He has an advantage because he works in radio. Ouais, il dit que du coup, il a quand même un avantage. Yeah, I'm just saying. I'm just saying. Omi, you lose tonight. Bye bye. Tu es le maillon faible. You are the weakest link. Je dois avoir un peu de sang jamaïcain dans les veines. Ah, il est vexé. Il est vexé. Ouais, il est vexé, le pauvre. Ben non, Omi, you're the best. Thank you. Yes. Thank you. Et ben, I'm the best again. Oui. Yeah. Oui, oui, oui, oui. Eh ben c'était super ce petit quiz Bob Marley là. Merci de nous avoir aidé aussi sur les messages. Merci à vous. Omi, on était très content de faire ta connaissance ce soir. It was very nice to meet you, Omi. Ouais, thank you for stopping by. Merci à toi. Thank you very much. Et en français en plus. Et en Jamaïque on parle anglais. What's the language in Jamaica? English? English. Il y a pas un petit créole, un petit truc du coin? English and creole. Patois. Oui, oui, c'est patois. Patois. Yeah, patois. Patois. Broken English. Par exemple, comment on dit à Marie, comment on dit Marie, j'étais très contente de te voir, tu es très belle. So how would you say Marie, I was very nice to meet you, you're very pretty. Pretty ou awful, là, comme tu veux. Yeah. Okay. Maria, nice to meet you. You're pretty, no? Ah, c'est comme ça, nice to meet you, pretty, no? C'est l'intonation, thank quoi. You. Maria. What? Maria. Maria. Marie. Maria. Maria on Skyrock. Nice to meet you. Nice to meet you. No, nice fit. Nice to meet you. You're pretty now. You're pretty now. Voilà. Maria, nice to meet you. You're pretty now. Et là, on se rend compte que Difool ne sera jamais Jamaïcain. Ouais, mais moi, je peux me faire des dreads, Romano. Toi, c'est pas le cas. Tu peux plus, toi. Non, mais il ne sera jamais Jamaïcain. He will never be Jamaican. I know. Never. Merci beaucoup, Omi. Thank you, Omi. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Et bien, on a passé un bon moment. Ça nous a fait voyager. C'était super, ça. Petit voyage avec Omi ce soir. Allez, on se fait un petit selfie avec Omi. Ouais. Et puis, on vous mettra les photos sur le Difool, les selfies et tout le reste sur le difool.skyrock.com. Allez, un selfie for me. Allez. Alors, selfie for me. La SPA, c'est sympa. J'ai alors, des photos, attention, j'ai des photos ma super. Pourrie est en action. Mais non, Romano. Ma pourrie essaye de faire un selfie. Oh, regarde comment on est beau. Oh, la folie. Beautiful nice. Boys. Thank you. Vraiment, je suis magnifique. Hein. I'm very, very sexy. Hein. Very, very sexy. Ouais, la photo de classe. Allez, la photo de classe de Momo. Et puis, Omi, le retour très, très vite sur Skyrock. Et le morceau que tu nous as fait, Omi, là, il a cartonné tout à l'heure. Allez, dis-lui, Elsa, parce que là, je suis complètement à l'arrière en américain, parce que j'ai parlé jamaïcain, je n'arrive plus à aimer. Allez, les gars. Le morceau qu'il nous a fait, là. Yeah, the song you sang a cappella is a huge hit. Everybody loves it. Mm. Plein de messages que vous nous avez laissés. Bon. Allez, la photo, Momo. Et le belge me touche. Oh, mais ça, dès qu'il peut en profiter, c'est fou. Thank you, merci. Et you're always welcome on Skyrock. Elsa, bisous. Merci à toi. Elsa, s'il te plaît. J'en profite pour embrasser Elsa. Donc, Omi, regarde pas parce que j'ai appris qu'il y avait des choses entre Elsa et Omi. Je sais pas ce qui s'est passé. Cédric vient se prendre ta gueule par Elsa. Normal. Bien dit, Elsa. Fais-toi respecter, Elsa. Ta gueule, gros porc. Mieux en mieux. Bien joué. Là, le gros belge. À très vite, Elsa. Putain, et Momo vient de lui foutre un vent. À jamais. Il voulait lui serrer la main, Momo, il passait à côté comme un con. Omi, merci pour ce bon moment. Et ben voilà, il s'en passe des choses tous les soirs. Alors, Romano, t'as vu comme j'ai déchiré au quiz Bob Marley? Ouais, tu lui as dit sévère. T'as vu ça un peu, hein? Merci, monsieur. Thank you very much. Bye bye. Ciao. Je salue le staff, on sait jamais, parce que Romano, on sait jamais, faut rester bien en contact avec tout le monde, avec ta carrière, c'est ta sûr. Carrière qui s'ouvre. Là, j'ai une ouverture sur la Jamaïque. Ouais, bah on verra. Si, je t'assure, j'ai une ouverture jamaïcaine depuis ce soir, magnifique. Ouais, mais moi, tu sais, je suis dans le chant, je veux dire, je suis plus dans le Sean Paul, tu vois. T'es plus dans le. Bim, bim, t'es plus dancehall, toi. Ouais, dancehall, quoi. Ambiance dancehall, ok. Ouais, tu sous-entends que c'est de la merde, quoi. Non, mais j'aime bien, mais c'est pas mon style. Ah non, c'est vachement bien, ça, mais c'est pas mon style de chant, moi. Mais genre, le mec, il critique, ouais, je suis pas, non. Non, mais dans mon style de chant, je suis plus Sean Paul, tu vois. Et il chante bien, t'as vu ça? Ah ouais, mais non, mais. Allez, t'as sur le coup, on dirait vraiment le disque, quoi, quand il chante. Et je vous assure qu'il a chanté. Ah oui, non, mais il a chanté, il a pas fait un playback. Bien entendu, il a chanté pour de vrai. Le playback à la radio, on aurait pu le faire. Ça aurait été une première. Oui. Ouais. Non, mais il y avait Usher qui avait fait le coup à l'époque dans Planet Rap. Il avait fait un playback, ouais. Non, mais en fait, le mec. Il n'y avait plus de voix. Non, c'était un escroc. Non, mais c'était un escroc. C'était pas Usher, c'est une imitation. Non, en fait, Usher, le mec qui vient, c'était à l'époque où il avait sorti Hier, là. Hier. Yeah, oui. Tu veux récupérer ton écran. Ah ouais, je vais vous mettre hier si vous voulez. Je peux récupérer mon micro, moi. Oh, toi, tu veux ton micro, mais on va te chier tout ça. Ça va. Je pourrais récupérer mon portefeuille. Le mien, d'ailleurs, il est où? Parce que je t'ai vu traîner en mano là. Tu veux hier? Yeah. Attends, faut que je te le trouve, le shirt. Yeah, je vais l'avoir, je vais le trouver, je vais le trouver. Il est là, tiens, c'est ça. Ta-da, ta-da, vas-y, mets le sound. Fais péter. Yeah! Donc le mec vient. Yeah. Oui, calme-toi, merci. Non, calme-toi. Merci, Usher. Et le mec vient donc enregistrer, je sais plus, un truc pour Planet Rap. Moi, à l'époque, j'ai réalisé Planet Rap avec Fred. Le mec, il dit bon, bah vas-y. Fred, il lui dit bon, tu fais un live, tu nous fais hier. Il fait ok. Donc il avait. Non, il dit hier. Il dit hier. Non, il fait hier. Ouais. Il avait ses ingé-sons. Et le mec, il fait hier. Yeah. Et là, il fait signe au mec. Le mec coupe le micro. Et après, en fait, c'était le disque. Et donc, Fred, à la fin, il était gêné. Il fait ouais, thank you. Merci pour ton live. Et il y a Monk qui nous fait notre révélation. Parce qu'on vous dit tout sur Skyrock. Hein, on vous cache rien. Monk qui nous dit vous savez que c'est D-Fool qui dansait à la place de Usher lors de ses concerts. Parce qu'il ne dansait même pas. Ah ouais, c'était la doublure. Ouais, doublure danse, ouais. Bienvenue, Monk. Merci à toi pour le message, Monk. Et merci pour tous les messages que vous avez envoyés. On en a eu plein pour Omi et ça fait plaisir, ça lui a fait plaisir aussi. Ah ouais. Bah nous pareil. Un bon son Omi. Ouais, plus vous envoyez de messages, plus on se. Ça va être bon cet été ça. C'est vrai, ça va continuer à nous ambiancer tout l'été cette histoire. Ah bah c'est sûr. Cheerleader, le pop-up. Marie l'a dit. Ah ouais, c'est clair. Ah bah c'est sûr. La carrière du mec soleil. Est mal barrée. Ah, merde. Marie quand même. Fin de carrière, allez, après-demain. Ah quel con. Marie est une spécialiste de la musique. Évidemment. Ouais. Et le titre préféré de Bob Marley de Omi, c'était quoi ton titre préféré là qui voulait Ah ouais, ouais. Rodrigue, viens voir. Rodrigue, Rastaman. Johnny et machin. Parce qu'on a Rastaman dans l'équipe. Zuluman. C'est quoi? Johnny was a good man. Johnny was a good man. Big up les good man. Bienvenue sur Skyrock. Les man et les woman aussi. Et les no-man également. Man, woman, no-man. Tout le monde est le bienvenu sur Sky ce soir. Bon, j'ai eu la chance d'aller en Jamaïque. C'est tout d'abord magnifique, des paysages de ouf, des personnes heureuses de vivre. Ils sont super accueillants, du soleil, la mer et la culture rasta. Bless man, nous dit Kiki Jalayan. Merci Kiki Jalayan. Moi, la Jamaïque, c'est Usain Bolt, les mecs et les meufs qui courent vite. Tiens, mais ils sont du net, là, j'ai sorti Johnny was a good man. La Jamaïque, pour moi, c'est les matchs de foot, le match de foot où l'équipe de France aurait avait trouvé le cul. C'est vrai, 10-0. Je lui ai pas lu ça, ouais. Je crois que c'était 10-0. Trop bon le quiz Bob Marley. T'es bien, hein. J'aime bien Redemption Song, c'est sympa, moi. Alors lui, c'est Johnny was a good man, c'est ça, Romano? C'est ça. Big up, le massé, allume le wash. Ah là, faut être qui un peu là. Là, c'est pas un peu là. Ah ouais, là, c'est... là t'es loin déjà. Là. Tu t'en as mis quelques-uns dans la gueule. Là, tu bien, ouais. Johnny, la famille. Tiens, juste une question, il est mort de quoi, Bob Marley? Cancer de. Non. Alors justement, ouais, moi. Justement. Gangrène au pied. Ouais, c'est ça. Tout le monde disait qu'il était mort d'un cancer des poumons à cause du ouinge. Cancer du pied. Gangrène au pied, ouais. Non, gangrène du pied, en fait. Ah, mais j'ai mixé les deux. Il a eu un problème au pied qu'il a. Une gangrène du poumon pour Samy. Ouais, non, une cancer du pied, je crois. Non, en fait, il avait. Je crois, il avait. Il a pas fait soigner. Un orteil pourri ou un truc comme ça. Il a pas fait soigner. En fait, ça s'est aggravé. Il s'était blessé en jouant au foot. Infection, tout ça. Et il est mort de ça, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il s'était blessé en jouant au foot, non? T'es fou, tu parles de ça, Rodrigue, ouais, pas bien. Gros. En fait, il jouait au foot, il s'est blessé, il a eu une espèce de gangrène. Il a pas voulu soigner. Il est mort. Il est mort à cause de ça. En fait, il est mort. Alors, tous ceux qui disent qu'il est mort parce qu'il fumait trop de wine, je sais pas. Non, mais non, mais il y a pas ça. Il est mort, Rodrigue. Ah, mais Rodrigue, il dit il est vivant déjà. Pour toi, Bob sera toujours vivant. Toujours, dans mon cœur. Yeman. Yeman. Bon, mais il est mort en 1981, nous dit Sosonu. Le 11 mai, on vient de le fêter d'ailleurs, il y a pas longtemps. Fêté, moi. Oh, il aurait pu au moins mourir en juin, quoi. T'as fumé avec des bougies. Il a fumé plus de wine que d'habitude. Il a fumé des bougies. J'ai proposé à mes voisins, on a fait une petite soirée ensemble. Et voilà quoi. Peace and love. Ouais, peace and love. C'est ça. Skyrock, c'est peace and love ce soir. Toujours, Jay Rastafari. Et ton morceau préféré, c'est quoi? Moi, c'est comme toi, D-Fool. Redemption Song. C'est ça. Il dit quoi dans Redemption Song? Tu l'as, Romano? Non, je l'ai, Redemption Song. Attends, bouge pas. Je vous le remets, il est où le Redemption Song? Ah, silence, je l'ai, c'est imprononçable ce truc. Tiens, vas-y, c'est bon, moi je l'ai. Vas-y, balance. Il parle de quoi là-dedans? Ah, Alors, d'amour et de voilà de rédemption quoi que tout le monde doit s'aimer. Ouais bah on s'y connaît vachement, ouais. On parle de rédemption et de weed. Voilà, je tout le monde doit s'aimer parce qu'après c'est de rédemption et de song aussi. Ouais. Pas, ouais, non, mais c'est pas ça. Mal de song. En fait, il dit qu'il faut qu'on chante tous la chanson de la paix, de l'amour et tout ça. Rastafari. Voilà, c'est ça, big up Rastaman. Rastafari. Babylon brûle. Babylone. C'est pas bien. C'est pas bien. Attention, il va pas être content. Hein. Je vais pas dire Babylone brûle. C'est pas ça le message. Il y en a plein qui disent l'inverse. Babylone brûle. Babylone. Babylone, tu déconnes. Babylone. C'est les gens qui n'ont pas compris, ils disent ça tout le temps en fait. Bah, tu iras dire ça aux mecs qui viennent d'un planète rap, qui le font des fois. Non, parce que Babylone en fait, c'est le mauvais côté en fait pour les Rastafari. Mais en gros, le message de Bob, c'est l'amour. Il part pas trop de tout ce qui est mauvais. Ouais, de guerre. Rastafari, mais pas Babylone brûle. Non, Babylone brûle pas alors. Non, il brûle. Enfin, si, il va brûler, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, tout va bien. Ouais, c'est ça. Voilà, moi chez nous tous les dimanches c'est Bob Marley à fond en famille, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. I love you Bob, message de mystique des albums maritimes. Merci pour les messages pour Bob, vous faites très plaisir à Rodrigue. Ah bah moi c'est là que elle me fait bader un peu. Elle est en descente là. Là il y en a une que j'aimais bien là, le Three Little Birds là. Ouais. Je connaissais pas trop, bah j'aime bien celle-là. Ouais, oh, tu veux pas la mettre un petit bout? Alors, elle est tout en haut, je crois, ou sur le deuxième écran, parce que je crois qu'il y a deux parties. Putain, j'ai deux écrans, mais c'est wow. La folie. C'est dingue. Non, quoi, c'est sur une autre page, sur le même écran, quoi. Tourne la page. Je tourne la page. Mais il n'y a pas de page. Non, mais c'est un écran, Marie, mais c'est un peu. J'ai bien compris. Putain, je trouve pas, Romano. Viens chercher. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Attends, je t'ai mis deux. Ah, c'est ça que tu veux. Voilà. Ça, j'adore ça. Ah, là, ça remonte, tu vois. Ah, là, c'est bon, là. Je commence à être down. Là, je remonte. La consommation de cannabis en France est en, Marie, de, hein. Est en train de remonter. Et bien, bien te faire tringler. Ouais. Sur la plage, là, ouais. Avec à fond. Sur du Bob Marley. À Marie. Une plage déserte. Tu te ferais tringler sur du Bob Marley, Marie? Bah, tu crois que ça m'est jamais arrivé, peut-être? Non, oh, mais Marie. Et Rodrigue est tout excité. Mais non, parce que. Au Cap d'Agde, dans la baie des cochons. Ah non, mais n'importe quoi. J'étais là-bas. Avec DSK. Non, mais j'en avais déjà parlé avec Rodrigue, on était d'accord avec sur le fait vioques. Que c'est hyper bon de niquer sur Bob Marley. Oh, c'est hyper bon de niquer en général, Marie. Oui, non, mais ça c'est vrai, mais bon, c'est un petit plus. Et ben voilà, un petit coup de Bob ce soir. Bon, si vous voulez discuter Bob Marley, vous contactez Rodrigue, c'est lui qui s'occupe Zulu des réseaux sociaux là. Voilà, c'est Zuluman. Big up, massive. Ouais. Bon, alors après Bob, on a plein de choses à faire encore ce soir. On aura dans un instant Charles en direct avec nous à Saint-Nazaire qui nous attend. Il doit être là déjà. Bonjour Charles. Bonjour ouais, à toi. Ouais, Charles. Peace. Alors, ce petit tour en Jamaïque, ça fait du bien, toi aussi, Charles. Babylone ouais, brûle, Charles, fais gaffe. Ouais. La consommation ouais. De cannabis est dangereuse pour la santé si vous n'écoutez pas du Bob Marley en fumant. Cordialement, merci pour ce message de prévention de Tatiana. Merci, Tatiana. Ah, il y a Jules du 31 aussi qui t'invite sur la plage quand tu veux, Marie, pour baiser sur du Bob. Non, mais ça va, je te remercie. Je serai à la baie des cochons. T'as raison. Oui, la baie des cochons sera, elle sera rebaptisée. C'est quoi, ce soir, c'est là. Le truc de nudis, ça? Non, mais c'est la plage, là, au Cap d'Agde où ça tringle, non. Ça tringle en pleine journée, quoi. Ça baise dans tous les sens. Et ça s'appelle la baie des cochons. C'est le surnom de l'endroit, c'est pas le vrai nom. Que des cochons. Ça nique en pleine journée. Karim, est-ce que tu pourrais aller. Une question super, on va voir. Est-ce que tu pourrais aller à la baie des cochons? Ah non, gros. En vacances, t'irais pas. C'est quoi la baie des cochons? Ah non, t'es où? Il y a des bonnes trucs. Il y a des grosses cochonnes. Hein? Il y a des grosses cochonnes. C'est une plage où ça nique apparemment. Ah non, ça j'y vais, ça, t'es fou. Ah, et pourtant c'est pas là. La... Oh putain, ouais. Eh oui, attention, ouais, man. Je ferme les yeux et j'y vais. Donc tu diras à toute ta famille, je suis allé sur la baie des cochons. Ah, la baie des Hallouf. Ouais. La baie des Hallouf. C'est ça, ouais. Bon, allez, on va te retrouver dans un instant, Charles. Pourquoi tu nous appelles okay, Babidou? Bah, du. Parce qu'en fait, je suis sorti avec une fille pendant 7 mois. Ouais. Et là, ça fait un an que j'ai pas de copine. Alors, t'as eu 7 mois de relation avec une meuf, c'était il y a un an, et depuis un an, le calme plat. Ouais, il n'y a plus rien. Combien de temps vous avez galéré entre deux relations? Tiens, dites-nous le maximum que vous ayez galéré entre deux relations amoureuses, genre entre une séparation et le début d'une autre relation. Pour être bien clair, parce que je vois que Marie se gratte la tête, donc j'essaie d'être clair au maximum ce mais soir. Mais tu veux dire galérer, c'est-à-dire de même pas avoir de plan cul, quoi? Non, de rien faire. Rien. T'as rien eu, t'as toi, pas t'as eu... rien fait du tout pendant cette machin là. Hein, tout ça. De tout, le temps. Voilà. Pendant 7 mois, t'as pas eu une relation, un petit bisou sur la bouche, une petite pelle, rien du tout. Un petit touchage de gland, rien. Un petit touchage de gland, rien. On sait jamais. Non, rien. Bah, tu te laisses sans doute toucher toi-même, quoi. Non, bah, j'espère. Oui. Tu t'es bien, tu t'es bien branlé, Charles. Hein. Ah, vas-y. Ouais, allez, branle-toi bien. Je me branle tous les soirs du matin. Quand je regarde Romano, voilà, j'adore. Voilà, trop beau. Mais Cédric, ça me gêne un peu. Oh là là là là. Moi, j'ai jamais eu de nana. Oh si, moi j'en ai vu. Cédric est un tombeur. Moi j'ai eu des cums. D'ailleurs il est en train de parler. Il est pas là, Cédric. Des meufs à bite. Ouais, profitez-en, allez-y. Il revient dans un instant, je pense qu'il va revenir. Il est en train de se faire latter par Elsa, certainement. Voilà, il a traité de gros porc. Ouais, il est en train de le traiter. Ta gueule, gros porc. Et cool, Elsa. Ça a été la punchline du soir. Ouais, alors, tiens, vos messages. Toto, 18 ans, j'ai pas galéré car j'ai jamais commencé. À 18 ans, t'as jamais eu une meuf, toi, Toto. Moi, je suis resté un an et demi avec mon gars et ensuite plus rien du tout pendant 5-6 mois. Nous dit Roustipoil, on t'embrasse, Roustipoil, elle a 18 ans. Moi, depuis ces 5 dernières années, à peu près maximum une semaine. Ah ouais, donc toi tu baisses depuis 5 ans, t'as quel âge? 19 ans, c'est Mehdi Kassim qui nous laisse le message. Donc tu baisses depuis 5 ans et... Ah ouais, toi t'as pas galéré plus d'une semaine. Quel lover ce Mehdi Kassim, bravo. Une semaine au max sans copine pour Vince. Waouh, toi aussi, toi t'arrêtes pas toi. Vince, 16 ans. Bon, on y revient dans un instant, vous nous laissez, tiens. Et puis tu nous expliques, on va essayer de découvrir pourquoi tu galères comme ça. Tu restes avec nous, Charles? Ok, pas de chier. Allez, ouais. Le temps d'écouter. Allez, Jules, t'as le temps de t'en taper une là. Ouais, allez, vas-y, bah, rapide. Jules, qui arrive dans moins d'une minute sur Sky avec Je tourne en rond. C'est lundi tous les soirs, de 21h à minuit. Il s'anime la plus grande radio libre de France. What the fuck? Romano, Difool, Cédric, Marie, Samy, Momo et Karim. Toi aussi, où que tu sois et quoi que tu fasses, viens nous rejoindre en direct sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct, 21h minuit sur Skyrock. Et c'est vous aussi, surtout vous d'ailleurs, au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous faites comme Charles. Alors Charles qui a un petit problème, si vous avez un problème, vous nous passez un coup de fil, on essaie de résoudre ça allez, je nous donne 10 minutes pour résoudre le problème. En express quoi. En 2-3 coups de cuillère à peau comme on dit. Je prendrais bien un petit coup, mais pas de cuillère à peau si vous voyez ce que je veux dire. Ah, on a bien compris, ouais. Ah Cédric, t'es de retour, tu étais en train de te faire mettre à l'amende par Elsa? Non, du tout, non. Elsa, notre traductrice, hein, oui. Est-ce que t'as mis des coups de pied, des coups de sac à main? Non, du tout, sac à main. Coup de pompe, mon pote. Ouais, c'est bien, c'est. Comme il l'a mis à l'amende, comme elle l'a elle t'a mis à la main. C'est ça la phrase. Tellement j'étais mal à l'aise pour toi. Ouais, c'est ça. Bravo Elsa, t'as raison. Bien. Devant Omi en plus. Ah, c'est la famille Elsa. On a passé un bon moment avec Omi. Et je suis content, je l'ai baisé au quiz bomb. Ah, ouais, il était dégoûté. Ah, ouais, il avait la haine. Parce que tu sais, je les ai raccompagnés. Il va plus jamais revenir. Mais attends, dis-moi, il me fait. Il avait la honte. Je connaissais toutes les paroles, mais j'ai oublié le nom du titre. Ouais, t'inquiète. La haine et tout. C'est vrai. Elle me dit, ouais, de toute façon, c'est un mec de radio, c'est obligé qu'il connaissait tout. Non, mais ça se voyait sur sa gueule. C'est étrange. Ils ont tous la même. Et la même excuse l'autre fois, Mac Taylor, quand je l'ai baisé, pareil. Vas-y, ouais, un mec de radio. Vas-y, branlons-nous un peu. Non, mais c'est vrai, il est trop fort. Pareil, hein. Il fait, ouais, il passe tout le temps les 10, donc il connaît tout. Et là, la même excuse. Hop, on est trop fort, c'est tout. On est fort, t'as vu ça un peu. Qui sera le prochain? Je ne sais pas qui sera le prochain, mais super. Tiens, vous nous demandez des nouvelles de notre serpent DJ Snake, le serpent qu'on a découvert hier dans les boîtes en jouant à Total Blackout dans l'émission. Il s'est promené un peu dans toute la radio. Il est où? Parce que moi, je voulais le récupérer pour le manger. Non, d'abord, mais une bêtache. Non, mais j'ai vu qu'il se promenait un peu dans toute la radio, tout le monde s'est pris en photo avec toute la journée, donc il est où maintenant? DJ Snake, notre serpent? Oui. Eh bien, il est. Tiens, on va jouer à un jeu. Juste avant de retrouver Charles, d'ailleurs, Charles, t'es toujours avec nous? Ouais, je suis là. Alors, je vais lancer le grand jeu de Où qu'il est passé, DJ Snake, notre serpent. Voici le dans jeu le cul de à Cédric. Dans le cul à. Eh bien, Cédric a voulu. Comment tu sais ça, disons que Charles? Eh non. Il a voulu. Je sais tout. Et le serpent s'est rebellé. Il n'a pas voulu rentrer dans le cul de Cédric. Ah non, il s'est mis en boule et on pouvait plus le rentrer. Ah, il est trop serré. Oh là, même en boule, je peux le mettre. T'avais dit ça, Romano, il était en panique. On lui a mis le serpent sur dans ce niveau du cou. Le mec, c'était en train de pleurer. Mais c'est quoi le rapport entre le serpent autour du cou et de l'avoir dans le cul? Bah écoute, tu l'avais près de toi aussi. Oui, non mais moi j'ai et pas dedans. Non mais tu sais qu'à aucun moment, peut-être contrairement à toi, et si c'est ça, c'est vraiment inquiétant. Oui. Inquiétant. Oui. C'est que moi, à aucun moment, j'ai pensé faire un truc sexuel avec un serpent. Quoi. Oh là. C'est vous qui avez monté de la merde. Alors que toi, là, tu commences à dire depuis tout à l'heure, je vais le mettre dans le huc. Tu m'as excité hier, Romano, quand t'as regardé son trou du cul. Ouais, bah ouais. À quel moment j'ai dit ça, t'es un fou? Tu voudrais que je fasse pareil? Ouais, bah oui. Regarde-moi mon trou du cul. Ah ouais, il faut que le laver avant. Regarde, je fais. Alors le serpent, il est dans un endroit que vous aimez. Il y a un endroit sympa, vous allez voir. Alors où il est passé le serpent? Oh, sympa. Marie l'a mangé. Non, Marie l'a pas mangé. Non. Alors dans le cul de Cédric, tu as dit Charles. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas un endroit. Je vois pas. Un animateur de Skyrock l'a pris chez lui. Non. Ah, on l'a ramené à la boutique, il est avec ses congénères. Non plus. Chez le vigile. Chez le vigile, non plus. Il est on l'a donné à un zoo. On l'a donné à un zoo, non plus. Moi, on l'a dit, donné. Il est en train de devenir ceinture. Il est devenu une ceinture. C'est non, ça non plus. Ah putain, merde. Il n'est pas devenu ceinture, heureusement, non. Oh, alors, sympa. Où qu'il est le serpent? Un endroit sympa, vous allez voir. Dans la Châte-à-Marie, il y en a plein qui nous disent ça, le Joker notamment, qui nous dit Châte-à-Marie, non plus. On l'a lâché dans la Seine. Dans les WC, non, dans la Seine, non plus. Dans les égouts. Il est dans les locaux de Skyrock, non. On l'a dépecé, on l'a bouffé, quoi. Non, il est parti dans la poubelle, il est toujours vivant. Ah, je le voulais pour mon repas de famille. Dans un resto chinois, non plus. Non, il est pas là. Dans ton nez, dit Foul. Merci Skybooter pour ton super message. Skybooter 15 ans, c'est le dernier message. Non, mais je vois pas comment on peut trouver, moi. Bah il est chez quelqu'un, bah Cédric il y va souvent. C'est au pute, pas loin. Ah il est dans un snack en brochette. Non. Au pute. Non, pas loin des putes. Chez Romano. Shop. Restaurant sex dégueu. Shop, non. Chez Romano non plus. Oui c'est vrai que Cédric va souvent chez Romano mais Romano nous fait pas. Ah souvent. Je sais. Au bois de Boulogne on nous dit. Non. Au zoo. Dans son camion à pizza. Non. Il est devenu serial killer, il mord tous les gens. Non, Louis Vuitton, sac à main. Il est devenu sac à main, non. Il y a Samu qui nous proposait ça, et Samy aussi de Skyrock qui proposait ça, c'est pas ça. Caché dans les cheveux de Romano, non. Il ne peut pas se cacher dans les cheveux de Romano, dans un kebab, non. Dans le soutif de Marie, non. Il est dans où, une vitrine en Belgique, non plus. Non. Il a un truc que Cédric aime bien. Ouais. Le bois de Boulogne. Non. C'est pas le bois de Boulogne, c'est pas les putes. Qu'est-ce qu'il aime d'autre à part les bois de Boulogne et les putes? Facile. Les Grecs, non. La crème fraîche. La crème fraîche, oui, mais non, on l'a pas mis dans une boîte de crème fraîche. Dans la forêt, non plus. La Belgique. Chez un collectionneur. Non. Boîte de Boulogne, pute. Les trans. Il manque un truc, les trans, non plus. Ah, camionnette. Pas mal les trans, mais camionnette. C'est pas ça. Camionnette. Ça va, les traves. Calmer, là. Les traves, non. Mais je vois pas du tout. Mais si, il t'y a amené une fois. Ah, là, une voyante. Non. Ah, club de striptease. Oui. Il a été adopté par une stripteaseuse. Ah ouais? Vous imaginez la vie qu'il va avoir, ce beau DJ Snake, notre serpent. Mais c'est quoi ce truc foireux? Ah genre, il va se mettre à poil et il va se frotter sur elle. Parce qu'hier, on a ramené des objets qu'on a récupérés au sex shop, notamment le magnifique gros god de la Marie qu'elle a embarqué chez elle. Ouais, bien sûr, ouais. Bah non, il est sur moi, là. Ouais, je me balade avec. Elle a rangé dans mon ami. Et donc, on a eu une réduction, on a dealé le serpent, donc on a dit, on vous file le serpent et en échange, vous nous filez des godes pour Marie. On a eu le bon deal. Ah, c'est ça. Donc, il avait. Non, c'est une stripteaseuse. Qui l'a vu, elle est tombée amoureuse du serpent. Elle fait oh qu'il est joli. Bah t'es, bah, va prendre l'autre. Bah serpent. Écoute, tu vas dire. Ouais, c'était plus oh qu'il est joli. Ouais, c'est ça. Ouais, il est beau. Hein. Attends, je range ma bite. Vas-y. Excuse-moi, je me gratte les couilles. Donc pour ceux qui nous demandaient où est-ce qu'il était passé, DJ Snake, bah ça y est, il est toujours en vie. Bah, ah bon, bah oui, là, on n'allait pas le tuer. Ah bah non. Mais les vers de terre, ils ont bien fini au restaurant par contre. Ah ouais. Non. Ah, Marie. Barry. Petit fricassé. Ah, deux vers de terre. C'est midi. Dans un ramequin pour l'apéro. Tout le monde s'est régalé. Ah, mais c'est bien, Marie. C'est immonde. C'est pour mon fils. Cette démence, t'en parles cette. Et Nico du 87 nous proposait, je pense qu'il est caché dans un des quatre mentons de Cédric, non plus. Il est bien là. Il n'est pas caché dans un des quatre mentons de Cédric. Bon, vous avez l'adresse de la stripteaseuse? Oui, je l'ai, mais je ne vous la donnerai pas. Je vais la garder. Allez, pour la suite, on aura du Jason Derulo. Écoutez. Want me. Oh yeah. Et vous voulez écouter un Bob Marley avant minuit? Un Bob Marley. On se met quoi de Bob Marley? Allez, vous choisissez ou Get Up, Stand Up, ou Jamin, ou alors One Love, ou alors Could You Be Love, ou alors This Is Love. Il y a que du love chez Bob Marley. Rastafari, Rastaman, Babylon Brûle, ou alors No Woman No Cry, Man No Cry. Lequel vous voulez de Bob? Ou alors, on peut se mettre ça si vous voulez. Man No Cry, Three Little Birds. Ouais, j'écouterais bien ça du coup. On se met ça? Moi aussi, j'écouterais bien ça, ouais. Ou alors vous avez. Gonna be alright. Ou alors Buffalo Soldier. Alors qu'est-ce que vous voulez écouter? Jamin, regarde. Ismaël, regarde, on va donner un message. Jamin, ouais, Ismaël. Ouais, je vois, il y a No Woman No Cry pour Eva Ferbé. Raph, il veut Jamin. Nico Mou, qui veut Jamin. Frankenstein, il veut Jamin. Samy, 0229, il veut One Love. Il y a Buffalo Soldier pour culotte sale. Ah, vous voulez Jamin, a priori, hein. No Woman No Cry, c'était. Putain, mais Three Little Birds. Ouais, moi aussi, je le suis. Three Little Birds. Écrivez trois, ça suffira. Celui qui arrive en tête pour l'instant, c'est... But damn it. Derrière, il y a One Love et No Woman No Cry. Ouais, à vue de nez, c'est ce que je peux vous dire aussi. Ouais. But damn it. Si on fait ce que vous dites, c'est Jamin que vous voulez. Hein. C'est vrai que Three Little Birds c'était sympa aussi. On le mettra, on pourra le mettre un matin. Lequel? Three Little Birds. Ça là. Allez, qu'on nous amène de la drogue. Allez. Faites péter les ouinges. Allez, allez. Ah, Three Little Birds, car. Ah, bien remonté là. Three Little Birds, Team Romano, Three Little Birds, Team Le Belge, tu veux quoi toi? Team Little Birds, Three Little Birds. Oula, oula. Ouais, donc il veut la même chose que nous. Remettez-lui. Team Romano, Team Le Belge, Three Little Birds, oh. Mettez 3, ça suffit. Mettez 3 donc. Hein. Ouais. Alors ça ou Jamin, ça va jouer là-dessus. Ah, ah ouais, c'est bien remonté là, Three Little Birds, là, depuis tout à l'heure. Là. Allez, allez, on vote Three Little Birds. Ouais. Votez, puis à Bob Marley, ce sera. Bah, on écoutera Jason Derulo et on se fera à Bob Marley avant, juste avant minuit, tiens. Ça sera pour nous, histoire de fêter cette soirée jamaïcaine sur Skyrock. Sympa. Bon, alors, soirée jamaïcaine qui continue, mais soirée loose en amour aussi pour Charles. Alors, Charles, mais que se passe passe-t-il bah, c'est la mort. A priori, rien. C'est lequel que tu veux écouter, toi, Charles? Jamin ou Three Little Birds? Jamin, qui est en tête quand même, hein, malgré la remontée de Three Little Birds. Et la propagande. Ouais, trois. Il est parti, Charles. Et la propagande de Romano. Il a mal voté, j'étais obligé de le couper. C'est pas gentil, Romano. Pourquoi tu sautilles? Parce qu'il y a plein de Three Little Birds. Ouais, mais ça va être chaud quand même. Ouais. Jamin, il a pris de l'avance. Quand même. Bon, alors ça va se jouer. Le match, c'est entre Jamin et Three Little Birds. À vous de choisir. Ce sera ou alors Three Little Birds. Et ben, on vous dit tout dans un instant. Alors, vous avez galéré pendant longtemps après une rupture amoureuse avant de retrouver l'amour. On vous a demandé combien de temps vous aviez galéré au maximum. Oh, 2 mois, ça va, Hugo. Hugo, c'est Hugo du 64 qui nous dit 2 mois. Ouais, bon, oh, c'est... 2 mois, c'est moi. Après, ça peut être choisi. Hein. On commence à avoir mal aux couilles quand même. Au bout de 2 mois. Ouais, ça. Mais tu te vidanges. Oui, mais bon, putain, c'est bon de baiser quand même. Ouais, bienvenue, Charles. Je suis d'accord. Charles? Charles, es-tu là? Charles, are you here? Charles. Alors, Cédric, faut pas t'y mettre, il parlera plus là. Bon, on va rappeler Charles. Vous êtes, lui, ça fait 7 mois. Hein, donc je crois qu'il galère pas qu'avec les meufs. Non, il est sorti avec le téléphone. Avec le téléphone, je crois. Il est sorti 7 mois avec une meuf. Depuis calme plat. Et désert. Depuis calme plat, ouais. Et donc, ça fait plus d'un an hein, qu'il est en calme plat, hein, je crois. Hein. Bah, on va lui demander si on arrive à lui reparler. Bon, Cédric. Attends, c'est bon. Tu peux aller plus vite. T'es lent, Cédric. Ah, mais il est un peu calme. Là, mais toi, t'es lent, toi, Cédric. Ah, ça, c'est Bob Marley, toi. C'est l'effet Bob, ouais. Charles. Mais tu vas parler, nom de Dieu. Peace and love, Charles. Charles, Cédric. C'est le standard, ouais, je pense que c'est le standard parce qu'on l'entend. Bah, écoute, faudrait peut-être faire ton travail correctement. Le bouton, t'es professionnel ou pas? Bah, le bouton, il allume, t'es deux cons. Charles. Ouais, donc il y a peut-être un problème de standard. Je pense que c'est ça. Mais Cédric, c'est un boulet, ce mec. C'est toi le boulet, connard. Bah, fais marcher le connard. C'est ton travail. J'ai bien envie de te dire, nique ta race. Connard. Bon, combien de temps vous avez galéré, Cédric? T'as galéré longtemps, toi. Ouais. Connard. Je sais pas, il arrive même plus à calculer tellement qu'il a galéré. Je sais pas, enculé, connard. C'est bien, Cédric. Je te baisse. Combien de temps au maximum, Romano, toi? Putain, je sais plus trop, mais. Après ta poquipu, t'as galéré. Non, pas tant que ça. C'est après qui que t'as galéré? C'est après l'autre... comment ça s'appelait la première, là? L'huître. Ouais, l'huître. L'huître. Parce que la meuf, elle avait une tête d'huître. Elle avait pas les contours réguliers du visage. Non, je sais pas, j'avais dû... j'avais enchaîné, je sais plus sur qui d'ailleurs, mais il avait dû en avoir... Non, je crois que ça a été peut-être 6-7 mois. 6-7 mois. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est long, hein. Et sans passer les soirées là. Ah ouais, ça j'imagine. Des soirées d'hiver. C'est vrai que je veux dire que t'as de la corde dans les mains, quoi. Cédric me signale que. Normalement, on a Charles. Que on a Charles. Alors. Allô, Charles. Bien joué, Cédric. Mais t'es complètement. Bien joué. Mais t'es complètement incompétent, bah, je vais essayer. Vas-y, je vais essayer. Vas-y, alors Samy va essayer. Mais ouais, on va lui parler en antenne. Ouais, d'ailleurs, on va faire l'émission en antenne. Allez. Allez, vas-y, allez, on fait l'émission en antenne. Allez. Cédric a 4 mentons. On a l'antenne là. Ah, on a l'antenne, pardon, excusez-nous. Ah, bah oui. Bon, vous avez galéré, vous aussi, ça vous est arrivé. Hein. Ah, Samy veut nous faire essayer, Charles. Ouais, c'est que si ça marche. Si ça marche avec Samy, c'est trop drôle. Allô? Charles? Allô? Eh oui! Oh, le best. C'est foireux quand même. Ah, ça marche, j'adore. Ouais, là, mais depuis tout à l'heure, j'ai Il faudrait. Fais une formation, mec. Ouais, formation professionnelle. Si, ils font des formations à Skyrock. T'as déjà une déformation. Je suis pas le seul dans l'équipe. C'est une reformation qu'il faut alors. T'as vu ta gueule toi? Voilà. Ah bah, ça va. Bah écoute putain. Enculé. Voilà. Nique ta race. Je te baise quoi. Tu veux pas me dire nique ta race? J'adore. Voilà, nique ta race. Ah non. Je te baise. Charles, combien de temps ça fait que t'es sans meuf? Ça se mérite, hein. Je peux parler de ta mère. Oh yo yo. Eh gros, amuse-toi ça. Nique ta race. Alors attendez. Mal dans ta gueule. Je veux savoir combien de temps, Charles, ça fait que t'es tout seul sans meuf? Un mois. Oui, profitons-en. À moi. Oh, bah alors, qu'est-ce que tu fais chier? Bah, c'est vite. Ça va, moi, hein, parce que les messages que j'ai là, c'est plus qu'un mois. Hein. Regarde, deux mois, je disais Hugo du 64, un an pour Damien, qui a 34 ans et qui nous salue. Yacine, 18 ans, lui, il est resté un an sans meuf. Une heure sans meuf, ah ouais, lui, il est rapide. C'est Mika du 58, rapide ou ventard? Ou ventard. Ouais, ventard, ouais. 3 ans pour moi, pour Fire Frenchy. Il a quel âge, Fire Frenchy? 26 ans. Moi, ça fait 14 ans que je suis sans meuf et j'en ai 14. Bonjour Alex, t'inquiète, ça va venir. 2 ans et ça continue pour Yas Belanda du 59, il a 24 ans. Oh, 2 ans, c'est long, hein, Yas. 2 ans, putain, c'est long. Ah ouais. Hakim, trop beau gosse, Hakim, un jour. Allez. Salut Hakim, Hakim, 16 ans. Brandon, il a pas mis son âge. Lui, ça fait un an et demi. Il est resté un an et demi sans meuf, plus précisément. 2 ans pour FIFA, des Yvelines. Salut à toi, non, FIFA. Non, mais bon, c'est vrai que tu peux avoir des périodes de galère, mais toi, Charles, à moi, ça va, c'est pas la mort. Hein. Et les meufs, vous nous dites quoi? Lily, elle nous dit, moi, 30 minutes seulement parce que je suis trop fraîche. Salut Lily. Corentin, lui, il est resté 2 ans. Pareil. Marie, combien de temps sans mec? Bah, moi, c'est en plus, jamais, c'était non. Voulu. Si. Bah si, j'ai dû rester 3-4 mois. 3-4 secondes. Non, mais c'était après une rupture un peu difficile, donc j'avais pas du tout envie de m'en remettre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que, ouais, ce que j'allais dire, quand t'as du mal à oublier l'amour. Ouais, quand ça se passe mal, t'as pas forcément envie d'enchaîner direct. Hein. Mais c'est clair que, bon, sinon j'ai jamais eu trop de soucis, quoi. Ouais, toi, en général, ça se passe bien, oui. Ouais. Et puis souvent, j'enchaînais, donc bon. 4 ans avec une fille, et maintenant, ça fait 6 mois que je suis célibataire et je galère un peu. Mais souvent, quand on a une grosse. C'est Maître Kebabiste, il a 20 ans qui nous envoie le message. Quand on a une longue relation comme ça, un truc fort. Bah ça fait du bien de. Ouais, il faut un peu de temps pour souffler et puis profiter un peu de son. Ouais non mais aussi. Là c'est, dans son cas là c'est pas un choix. Comme pour moi c'est. Ouais, lui il galère lui. Oui ouais, c'est vrai, la galère. Ouais c'est. Non mais t'as du mal à oublier. Comme toi avec ta gothique hein, tu sais Romano. Non mais moi je m'en battais les couilles, j'ai enchaîné direct. L'autre je l'évacue du circuit. La pauvre gothique. Sortie de terrain quoi. Hop. Coco 15 ans mais il a 15 ans. Salut Coco. Donc toi ça fait un mois que t'es son meuf Charles. Ouais. Mais je crois que ça faisait plus que ça. Moi, c'est pas grave. Et c'était ta première meuf, moi, l'autre, c'est là, moi, là. Ça va, ouais. T'as créé Gouninoun. Alors, je vous annonce, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, on va faire les bugs ce soir, ouais. Il y a Jumelle du 45 et qui nous le signale et les bugs d'Ifool. Eh bien, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs si vous faites les bugs. Si vous voulez faire les bugs avec nous. On va faire la traduction. Traduire, en gros, oui. Ouais, on va faire une traduction. Fini, quoi. Alors, ouais. Alors, mais du coup, alors je reprends ma question. Laquelle? Mais t'es resté combien de temps avec la meuf? 7 mois, c'est ça? Oui. Charles? Ouais, non, j'ai duré une semaine avec ma meuf. Non, mais ton histoire ne tient plus du tout de bouche, Charles. Mais tu t'es drogué depuis tout à l'heure. Drogué, c'est pas Marley. Tu n'as plus la même voix. Oui. Je te rappelle, Charles, que tu es sorti 7 mois avec une meuf. Il y a je sais pas combien de temps, ça, parce que c'est pas très clair pour l'instant. Non, mais on n'a jamais su, parce qu'au final, c'est n'importe quoi. Ou alors, on comprend plus rien. On comprend plus rien, je crois. Non, mais non, mais tout à l'heure, t'as dit que t'étais resté 7 mois et que t'étais en galère depuis. Bon, sur la durée de la galère, on n'a jamais su, parce que après, Cédric n'a pas été foutu de te rappeler. Après. Ça va, toi. Bah écoute, Cédric, c'est la vérité. Je suis désolé, t'as essayé deux fois de le rappeler, de mettre à l'antenne, ça n'a pas fonctionné. C'est son arc qui déconne. La troisième fois, Samy, ça marche pas. Direct, ça marche. Moi, je pense que tu es incompétent. Ouais. Votons. Votons. On le sort du studio ou pas? Incompétent, vous tapez 1. Est-ce qu'on met Momo à ta place ou pas? Vous tapez 2. Non, mais là, gros, c'était une preuve. Essaye de passer quelqu'un. Bah vas-y, je suis. Oh l'or. T'as regardé avec des yeux, genre. Vide. Quoi? Alors. Cédric, on me dit qu'on a Moshita en ligne. Alors, je vais essayer de. Tu nous passes Moshita, on va voir si elle nous répond. Allô, Moshita? Ah bah non, ça marche pas. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à. Alors, on a fait avec Samy. Bah attends, hop, okay. Attends, moi je vous On va demander Moshita. À Marie. Marie, envoie-nous Moshita en ligne. Salut, Moshita. Tut. Ah, ça marche pas. Et Karim, s'il envoie attends, Moshita. Bouge pas. Allô, ma belle? Allô? Ah, beau gosse, bonjour, Moshita. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vilain. Ouais, enfin, Vila. Qui, là bah, toi, tu t'es reconnu. Peut-être cela, tu leur dis oui. Hein. Tu vois, pour une fois qu'elle te dit. Regarde. Une fois qu'elle te dit bonjour, c'est vrai que d'habitude, elle te dit pas bonjour. Il est complètement parano, je suis au téléphone et je le regarde. C'est impossible, ça, Cédric, elle est au téléphone. Mais tu es complètement malade. Rochita, je dis pour les auditeurs de Skyrock qui seraient nouveaux, les nouveaux auditeurs de Skyrock, c'est l'ex de Cédric. Quoi, une des ex, hein. Oui. C'est miraculeux, plusieurs. Tu as connu les dentées, toi? Non, par contre, j'ai connu Mario, la femme à bite. Ah, c'était Maria. Ah, elle était mignonne. Ah, ouais, t'as elle avait une sacrée bite. Elle avait une grosse bite. Oh. Ah, elle me l'a collée, dis donc, ça changeait de Cédric. Ah, tu t'es fait baiser par Mario. Ah, ouais, putain. Donc, par rapport à ce que nous disait Charles, rester, avoir du mal de se remettre avec une fille après une relation. Bon, pour toi, Moshita, avoir du mal à te remettre avec un garçon après une relation avec Cédric, combien de temps tu as mis pour te remettre avec un garçon? J'ai arrêté. J'ai arrêté les garçons. Ah ouais, totalement. Mais pourquoi donc as-tu arrêté? Aux femmes et aux animaux. Tu t'es consacré aux femmes et aux animaux. Eh bien, c'est pas mal. C'est joli. Oui. C'est une belle histoire d'amour. Ah bah, quel traumatisme. Il y a Mehdi qui dit, dans ce cas-là, quand on a une... T'as une rupture difficile, Charles, ou elle n'était pas difficile? Elle était difficile. Elle était difficile. Une rupture qu'elle était difficile. Non mais Charles, bah, entre nous, on peut tous dire que tu as pris un truc depuis tout à l'heure. Non mais sérieux. Parce qu'en l'espace d'une demi-heure, on ne te reconnaît plus. Non mais je crois que c'est le pote de Charles en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a l'antenne. Parce qu'en fait, il y a deux numéros. Tout à l'heure, j'appelais sur le téléphone du pote de Charles. Ouais. Mais t'es complètement con. Mais t'es alors. Con alors. C'est comme si, par exemple, c'est pas la même fois. Je disais bonjour Marie et que. C'est Romano qui parle. Bonsoir, dit Foul. Comment vas-tu, Marie? Ah ben, ça va bien. Mais ce soir, on inverse les rôles. D'ailleurs, Romano va te dire bonjour. Ouais. Bonjour. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, il répondait pas. Parce que je crois que c'est le pote de Charles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es vraiment. Parce qu'il y a deux numéros. Bon, moi, je crois qu'on va te sortir. Voilà. Momo, viens prendre sa place. Il y a deux numéros de téléphone. En fait, alors. Non, parce que si. J'ai du mal parfois de me souvenir de certains trucs, mais si je me souviens bien, Charles en gros nous expliquait que ça faisait 7 mois il avait passé 7 mois avec une meuf. Ouais, c'est voilà, ça. Ça faisait plus d'un an qu'il galérait pour en trouver une autre. Bah, voilà. C'est ce que j'avais compris aussi. Pour moi, c'était ça l'histoire. C'est ce qui m'explique aussi au standard. Ah bah écoute, c'est bien. C'est ça, là, c'est mais là, le problème, c'est ce qu'il nous dit maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Mais en même temps, si tu nous dis que ce n'est pas Charles, non, en fait, tu m'étonnes qu'en fait, il ne parle pas depuis tout à l'heure. En fait, le mec s'appelle Gérard. Mais là, parce que tout à l'heure, Charles était avec son pote, en fait, on l'a appelé sur son téléphone et il a dû bouger, je pense. Le mec s'appelle Didier, donc forcément. Tu l'appelles Charles. Bonjour à tous les Didier qui nous écoutent. Salut à toi, Didier. Bon, alors. Eh ben, c'est simple. Alors, bon, ça ne change pas le problème. De toute façon, on va trouver une solution à ce problème. J'ai promis qu'on trouverait une solution. On va trouver. Hein. Regardez, Mehdi qui dit: moi, j'ai enchaîné pour passer vite et pour oublier les autres relations. Je suis avec ma copine depuis 7 mois. Je l'embrasse fort, ma chérie. Elle s'appelle Manon. Merci, Mehdi. Mehdi, 19 ans, qui nous a envoyé ce message. Lui, il enchaîne vite. Alors, tu disais, Marie, que toi, parfois, quand c'était trop fort comme amour. Que toi, tu laissais une petite pause derrière. Bah non, c'est surtout quand t'as une relation qui se termine mal, quoi. Allez, hop. C'est ce que je disais, moi. M'a cassé le cul, après, il faut bien quelques mois pour que ça cicatrise. Non, mais là. Si ça se termine mal, tu te fais tromper ou... Non, mais oui, pas, oui, moi voilà. Je comprends, moi. Et après, des 1 an, des 2 ans, des 3 ans sans avoir de relation, il y en a plein, hein. Tout le monde croit que les relations, ça se trouve facile, pas tant que ça. Hein. Regardez, Flo RCL. Ah non, mais il y a des périodes où tu galères. Hein, ah ouais, c'est clair. 1 an sans tremper le biscuit. 1 an sans tremper le biscuit. Et puis souvent, t'as plus de succès quand t'es en couple. Oui. C'est vrai, ouais, c'est là que tu te fais ça, le plus. Ça, c'est quand même un truc à la con. Notamment dans les bars, en boîte, enfin quand t'es en soirée, que t'es avec une meuf. Là, les meufs, elles sont là. Ah, Stanley, ça va? Ouais, super. Non, mais je pense que tu dégages. Par contre, tu reviens la semaine après, t'es tout seul parce que tu t'es fait larguer. Oh, il y a un mode galérien. Un petit con, il galère. Ah, il est trop moche. Mais là, si tu fais la gueule et tout, t'es moins attirant, tu vois. Exactement. Bah oui. 6 ans que je galère. Putain, Romano le beau gosse, là, 25 ans. Ça fait 6 ans que tu galères. Explique donc pourquoi. Il doit forcément y avoir une raison. Hein. Ouais, mais des fois, parce que t'as pas d'occasion. Moi, je vois, par exemple, je sais pas, t'habites une petite ville, tu sais, t'as vite fait le tour des meufs. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que t'es sorti avec la gothique au bout d'un moment. Bah, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. En plus, c'est vrai, t'as pris ce qu'il y avait le soir, là. Non, mais j'ai pas pris ce qu'il y avait ce soir, là. Bah, si, mais t'avais pas le choix entre deux meufs, toi. Si, j'avais le choix. Mais bon, l'autre, c'était Mentona, alors bon. entre une Bogdanov et. J'avais oublié ça, la Bouki Pu, bon. Et la Gothique, mon cœur balançait, quoi. J'avais oublié, Non, mais à chaque fois, ouais, c'est vrai que souvent, par exemple, quand j'ai serré Zizine, je pouvais serrer une autre meuf ouais, aussi, tu le vois même soir. Non, mais ouais, mais c'est dingue. Hein. Mais tu sortais avec la Gothique, donc t'étais déjà avec une meuf. C'est plus facile de trouver quand on a une meuf. C'était la folie, quoi. Toutes les meufs me voulaient. Toutes, toutes. Et tu n'étais pas encore prince du hip-hop, imagine maintenant. Hein. Ah ouais, mais pff, la ah bah folie. Là, c'est clair. La folie furieuse. Truc de fou. Bon, si vous avez une petite solution pour Charles, vous nous dites. Allez, Charles, si tu nous écoutes, j'imagine que tu nous écoutes, puisqu'on parle de toi depuis tout à l'heure. Eh bien, Charles, il n'a pas de batterie. La solution est arrivée, il n'a pas de batterie, t'as eu une nouvelle. En fait, c'est Antoine, son pote, qu'on a eu là juste à l'instant. Ah, très bien. Bon, je comprends qu'Antoine, il arrivait. Ah bah oui. Bon, salut Antoine. C'est vrai qu'on t'a appelé Charles tout le long, tu ne comprenais pas, mais c'est normal. Ouais. Bon, Jason Derulo. Merci Cédric. De rien. Bravo Cédric. L'explication. Bravo Levaux. Encore une belle démonstration. Franchement, impressionnant. Impressionnant de professionnalisme. Mais apprends à parler aussi, je ne comprends pas ce que tu dis. One to one, on se met le son tout de suite là. Ah bah il faut là. Ouais. Ah, y a de la pub. Ouais, y en a 30 secondes. 30 secondes, ouais. Allez. Et, alors la bande annonce du morning, 30 secondes de pub et juste après. Et après il y a SFR, l'appli Yax et c'est fini. Oh bah ça va alors. On se met Jason Derulo et vous inscrivez pour les bugs. On fait la traduction des bugs aussi en direct sur Skyrock. C'est Radio Libre comme tous les soirs avec vous. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Foulez sur Skyrock. Et Cédric a failli nous foutre l'émission en l'air. Hein, vous avez vu ça avec, et voilà. De la compétence au standard. Alors, regardez, on a appelé Charles. Et sur qui on est tombé? Bah sur Charles, tout simplement, voilà. Cédric. Charles. Ouais. Alors, voilà. Ça, Cédric. Ça marche. Enfin. Je reconnais la voix. Merci, Cédric. Ah ouais, merci. Ouais. Ah, bah, oui. Mais t'as vu quelle est la compétence? Non, mais je suis pas le seul. Même Samy l'a appelé. Non, en fait, c'est quoi? Ouais, il y avait un deuxième numéro de téléphone et en fait, on a mal noté un chiffre. Donc à chaque fois, on a appelé un mec. En fait, on a appelé un gars, aucun rapport. Ouais, un mec qui dormait, en fait. Et le mec qui est passé à l'antenne. En fait, personne ne le connaît. On va quand même revenir à la base. Qui a mal noté le chiffre? Ah bah, attends. C'est moi. Mais casse-toi les gars. Oui, donc tout c'est moi qui voulais passer merdouiller le belge. Alors bon Charles, donc on souhaite bonne nuit au mec qui le gars il est passé sur Sky, il s'en est même pas rendu compte, il dort la classe. Bon, bah, écoute, si vous le connaissez, vous lui passerez un bon. T'as écouté la radio Charles, on a parlé de toi là depuis tout à l'heure. Bah oui, et là j'étais en train limite j'étais en train de péter un câble. Ouais, t'étais en train d'halluciner là. C'est qui ce mec qui se passe? Bah oui. Bon, pour résumer, 7 mois de relation avec une meuf, et depuis quand depuis la rupture, ça fait combien de temps là, que t'es en galère? Là, ça fait un an. Là. Ah ouais, un an, ouais. Donc c'est bien ce que tu nous avais dit tout à l'heure. Un an de galère. Et ben un an de galère, c'est pas tant que ça, parce que t'as vu les messages que j'ai lus, il y en a plein qui ont galéré, mais alors plus que c'est ça. C'est long quand même. Tu vois, on nous disait un an sans trapper le biscuit tout à l'heure. Je me souviens du message de Flo RCL qui nous envoyait ça. Ouais, moi, joli. Ça fait 6 ans que je galère. C'était Romano le beau gosse qui nous avait envoyé ça aussi. Moi, j'ai galéré Ah bah tiens, pourtant je suis une fille. J'ai galéré pendant un an avant de ressortir avec un gars. C'est parce que j'avais pas envie, j'étais bien toute seule. Mais là tu t'as pas essayé galère, alors. T'as essayé avec des meufs ou t'as rien essayé? Mais non, bah non, parce qu'en fait je suis timide à moitié. Et celle-là, t'avais trouvé où? T'es en boîte en fait. Ah mais c'est bien les boîtes, les boîtes, les bars, les soirées pour draguer. Ah bah c'est un nid à meufs. T'y retournes en boîte ou Ouais. Et en boîte t'as pas eu d'occasion? Bah que quand je suis bourré. Que quand tu bourré. J'adore, vous savez pourquoi j'ai des occasions tout le temps? Je suis tout le temps bourré. Eh ben voilà, H24. T'es con. H24. Non, mais quand t'es bourré, t'arrives à les draguer, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, parce que je suis moins timide. Ouais, tous plus, ouais. Bon, après, faut pas être complètement bourré non plus. J'ai Que faire dans ces cas-là? Bon, ça va revenir de toute façon. Il y a les vacances qui arrivent, Charles. Tu sais, les vacances, c'est une bonne période parce que là, tu vas sortir. Tu vas partir en vacances? Tu vas boire, j'imagine. Bah non, parce que moi, je suis pas en vacances. Ah merde, toi, t'as pas de chance dans la vie. Ah ouais, t'as pas de vacances? Mais pourquoi? Bah si, mais j'ai que 15 jours. Ah mais c'est quoi, tu t'es en apprentissage ou un truc comme ça? Ouais, voilà, je suis en apprentissage. Ah ouais? Et ouais, t'as 17 ans et tu regrettes déjà le bahut. Non, tu regrettes pas le bahut, non. Réfléchis quand même. Mais c'est vrai que le bahut, ça c'est quand même cool d'avoir, t'imagines, le nombre de semaines de vacances. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais du coup, là, dans ta boîte, là où tu bosses, il n'y a pas de meufs? Bah, si, mais ils ont 50 ans. Ah, c'est une boîte de quoi? Une cougar. C'est une cougar. Oui, c'est clair. Si tu t'as formation de retraite, bon, c'est pas le. Bonjour, je m'appelle Germaine. J'ai une maison de retraite depuis 40 ans. Oui, Non, oui, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur endroit pour draguer. Enfin, c'est pas l'endroit. De toute façon, moi je trouve que quand tu bosses, t'as moins de possibilités que quand t'es par exemple au bahut, quoi. Avec les meufs. Ouais. Parce qu'en fait. Ça dépend, on travaille dans quoi aussi. Ouais. Tu sais, si on travaille dans la radio avec Marie, là, ça y va. Hein. Ouais, mais bon, Marie s'occupe de tout le monde, oui. Ouais, bien sûr. T'as raison, ouais. Elle purge. Ah ouais, c'est ça. Tout l'immeuble de Skyrock. Évidemment, ouais. On m'appelle la purge. Non, c'est bien connu. Et, tu sais, ça dépend parce qu'il y a plein de. On a parlé de ça dans le morning. Il y a plein de. Enfin, les gens qui bossent, ça baise. Hein. Bah ouais, ça baise. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés et qui ont baisé au boulot. Au boulot. Hein. Ouais. Au bahut aussi, tu me dis, hein, ça baise. Ça fait 21 ans, j'ai jamais eu de copain. Qu'est-ce qui se passe, Skyriel? Skyriel qui nous laisse un message. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est peut-être un choix aussi, tu sais, aussi des. Je sais pas, tu nous parlais. On en parlait ensemble, Romano, tu sais, là. Oui. Moi, j'avais une copine qui ne voulait pas sortir avec un gars avant d'avoir son bac. Toi, t'avais eu la même. Toi, c'était celle qui s'était fait déglinguer après. Le sort des résultats, ouais. Elle avait attendu d'avoir son bac pour. Et s'était fait tringler comme ça, il faut, a priori. Teuf, quoi. Ah bah, son cul, oui. Là, je peux te dire que elle a pris pour les 18 ans où elle a tendu, quoi. On en connaît tous les deux une. À qui c'est arrivé. Bon, Marie, un petit conseil pour Charles. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Non, mais je pense qu'il faut que tu laisses couler. Il faut continuer à sortir, voir du monde. Et puis, c'est vrai que l'été arrive, là, donc c'est bon. Ouais, mais c'est bah, bon, en même temps, chance. Bon, le problème qu'il y a, c'est si t'es timide, tu le seras aussi l'été, quoi. Bah, si t'es timide, tu peux passer par le net, par exemple. Ou alors, il faut boire, comme ouais, tu c'est dis. C'est ce que je fais. Deviens alcoolique. Mais avec modération. Alcoolique, mais avec modération. Hein. Non, non, mais le net, ça peut être pas mal. Si t'es timide, tu vois, pour discuter, déjà, tu brises un peu la glace. Ouais, bah je vais sur Tinder, Smax, tout comme ça. Ouais, tu trouveras. Madame. Voilà, tu m'as vu, je suis dessus. Voilà. Non, et puis souvent, quand, ouais, on cherche, Tinder, ouais. Quand on cherche comme c'est ça. Mais même pas sur Smax. Si, si, sur Smax. Ah, aussi. Quand même. Et alors, Tinder, ça emballe un peu ou pas? Ah, grave. Il ouais, bah, y a grave. Que des cougars. Il y a que des cougars? Non, non. C'est non, quoi non. Que t'appelles des cougars? Parce que bon. Bah, 30 ans. Bah ouais, mais il y a des. Bon, alors, 30 ans, ce n'est pas cougar. Elles sont trop réservées. De ah quoi, oui, mais pour toi, ouais. Ouais. Un petit tour de table, Karim, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais à la place de Charles? À la place de... Charles, oui, c'est ça, c'est Charles, c'est ça. T'as quoi? Est-ce que tu serais aussi mal comprenant que le Belge? Non, non, non, j'ai compris, gros. Non, non, non, mais tu devrais essayer de lui parler, essayer de faire un peu le bouffon, quoi. Tu sais, essayer de faire le pigeon, Zama, tu sais, tu fais un peu tout, quoi. À qui au nana qui y rencontre? Voilà. Qu'est-ce c'est qu'il ça. Raconte c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, je crois que j'ai rien compris. Là, ça devient mais surréaliste. Ah les gars, Bob Marley. Non, c'est l'émission Jamaïque de ce soir. C'est incroyable. Ah d'ailleurs, tiens, pour Bob Marley, le son qui a gagné, c'est Jamin Romano. Ah. Ah bah tant pis. Mais comme dit fou les beaux, dit fou les grands, dit fou les majestueux. Nous écouterons aussi Three Little Birds. Ça, tout le monde est content. Donc comme ça, tout le monde est content. Donc vous aurez votre jamais ça jamais et Romano tu auras ton Three Little Birds. Comme ça tout le monde est content. Ah bah nickel, parfait. Que je suis majestueux. Majestueux, gnie, gnie, mais ce soir. Tout est normal. Je trouve que je suis majestueux ce soir. Alors on va faire un truc pour toi, Charles. On va lancer un appel. Ouais. Vous êtes du côté de Saint-Nazaire, dans le 44. Vous écoutez Skyrock. Vous êtes une fille. Vous êtes charmée par Charles. Et vous avez bien raison. On vous attend au 41-759 sur le skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages. Et puis on transmet à Charles. On va lancer. La grande opération. L'opération hashtag El Pont Charles. Oui, c'est ça. El Pont Charles ce soir. Non, mais il faut arrêter c'est de chercher vrai. Tout le temps aussi parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu cherches. Plus tu cherches, moins tu trouves. Ouais. Moi, non, mais d'accord. C'est vrai. Hein. Donc. Ça arrive souvent ça. Mais c'est vrai. Ouais. Oui, mais aussi quand tu cherches pas, tu trouves pas non plus. Oui, bon, il y a j'allais dire, aussi ce côté-là. Il faut quand même trouver un juste milieu. Faut pas être fermé, mais bon. Tu risques de galérer. Bon, t'as arrêté le bahut quand, Charles? J'ai une petite histoire de bahut à vous raconter là tout de suite. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non. Je suis au bahut encore là. Ah ouais, t'es au bahut. Mais bah ouais, l'apprentissage, c'est. Ouais, t'es apprenti, ouais. Donc toi, t'as les deux à la fois, ouais. C'est ça. Enfin, t'as le doublé, toi. Ah ouais, tu es doublé gagnant. Le doublé. Tu travailles dans quoi? C'est quoi? Tu nous as pas dit ton domaine. En paysagiste. C'est bien. Bah oui, ouais, c'est bien. C'est bien, souffle l'hiver, quoi. Ah oui, ouais. C'est clair que tu gèles le. Ouais, mais c'est un métier d'avenir parce qu'ils mettent plein d'espaces verts dans toutes les villes actuellement parce que c'est l'écologie, tout ça. Et ouais. Donc, c'est un métier ouais. Dont on va avoir de plus en plus besoin, les capis. Ouais. Je vous le dis. T'es le roi de la tondeuse, toi, un peu. Ouais. Le roi de la pioche et le roi de la bêche, quoi. Ouais. Et de la binette. Ah bah... ouais. Et tu bines la pêche, Marie. Hein. Et tu bines et tu bines. Bon, alors je vais vous raconter une petite histoire maintenant. Là, tu n'as pas un truc, c'est pas une musique sympa pour une histoire qui s'est passée. Ça s'est passé à Toulouse. Histoire de bahut qui s'est passée à Toulouse. Bon, il y a eu un événement au bahut Toulouse-Lautrec. À Toulouse en plus. C'est un collège, le collège Toulouse-Lautrec. Bon, un événement qui s'est déroulé à 8h25. Je crois que c'était hier matin. On peut qualifier cet événement de tuile. Que s'est-il passé? Ça fait parler tout le bahut. Qu'est-ce qui a pu se passer dans un bahut qui a fait parler tout le bahut et qui a même fini sur les journaux? Ah mais c'est pas l'histoire du braquage là? Non, c'est pas une histoire. Ah ouais, moi c'est... je pensais genre le proviseur qui a niqué avec une prof et. Non, parce que là c'est où qu'il y a eu l'histoire là du braquage là qui avait lieu à côté d'un bahut en fait et. Ouais, non, en fait le bahut, il y avait des élèves qui revenaient du cinéma avec le bahut et ils ont entendu des coups de feu et en fait il y avait c'est quoi les mecs? Je sais plus ce qu'ils ont tapé. à une armurerie ici. Ouais, c'est les mecs qui cambriolaient une armurerie, ils sont sortis devant un bahut. Et c'était pas loin du bahut en fait. Et donc les élèves ont été confinés dans le bahut et tout ça, ouais. Mais je sais plus où c'est d'ailleurs. C'est vrai que ça fait des trucs à raconter, mais c'est pas ça. Alors, c'est pas un film, une prof dans un film porno, comme nous le dit le Marocain du 76. Il y a eu un tournage de Jackie et Michel. Un tournage de Jackie et Michel? Non, la prof n'a pas fait un porno. Alors, ça concerne une prof et une élève. Elles ont baisé ensemble? Non, dégueulasse. Bah, je sais pas. Ou... Non, mais tu proposes, t'as raison. Hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas si vous allez trouver, parce que c'est vrai que c'est pas ça. Ah bah, il y en a qui savent là. Elles ont serré le... Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, non, il n'y a pas de relation sexuelle avec les profs, les élèves, tout ça. Non, en fait, c'est une collégienne qui est bon, qui allait au bahut hier, donc passagère d'une voiture. Elle ouvre sa porte pour descendre, pour descendre. Elle se porte un petit peu brutalement. Et à ce moment-là, il y a une cycliste qui arrive, qui passait par là et qui se prend la porte dans la gueule. Bon, elle finit au CHU. C'était au final sa prof de physique chimie. Ah merde. Là c'est le coup de pas de chance. Vous imaginez, hein. Elle a de la chance, ça arrive fin mai. Bon, c'est pas mal. Ouais. Ce genre, ça t'arrive en septembre, je pense qu'elle t'en veut un peu toute l'année. C'est clair. Voilà, elle est tombée, elle s'est blessée, elle a été évacuée au CHU et donc la victime n'est autre que, selon la police, la professeure de physique chimie de la... Oui, mais bon, elle a pas fait exprès quoi, le hasard a mal fait les choses. Non mais ça j'imagine ça fait pas... Ah ouais, vous bah imaginez, oui, évidemment. T'as ça, mais c'est vrai que ça fait marrer quoi. Oui, c'est clair. Ah, tout le monde en parle. Ah, c'est clair. C'est évident. Donc, bravo. Bravo. Je vous parle des vacances galères de Maître Gims. Les vacances galères de Maître Gims. Nouvelle info sur Skyrock. Attention, Cédric nous raconte quelque chose. Musique. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air content. Non, parce qu'en fait, moi... Voici le flash info de Cédric. Je l'ai croisé il y a peu de temps avant qu'il parte en vacances. Bonjour. Il est parti. Bonjour, bienvenue mais à vous. Mais si tu veux te présenter. Fais ton émission, là. Le flash info de Cédric. Bah, là, tu viens de me présenter. Donc en fait, Maître Gims... Sponsorisé par Petit Navire et Sopiquet. En fait, il est parti à Bora Bora pour les vacances et faire un concert. Et sponsorisé également par Cochonou. Ouais, ta gueule. Je cite les sponsors, Cédric, c'est important. Parle bien. Attends, je vous montre. Et Préparation H également. Attends, je vous montre la photo dans l'équipe, vous allez voir. Très bien. Voilà. Il s'est fait attaquer par des moustiques, le bras, regarde le bras qu'il a maintenant. Oh putain, oh la vache. Il a le bras, mais laisse tomber. Ah ouais, le bras. Il a moins une vingtaine de de moustiques. Puis ça devait être des sacrés moustiques. Énorme. Ouais, non, mais des gros moustiques en fait. Et donc là, pour l'instant, il est un peu en galère. Ah ouais, j'imagine. On peut la mettre la photo sur les réseaux? Ouais. Bah, en fait, c'est la photo qu'il a publiée sur son Facebook. Eh ben, on va la prendre, on vous la met sur le Skyrock. Putain, c'est impressionnant là. Sur le difool.skyrock.com. Il était trop content de partir, tu sais, je l'ai croisé juste avant qu'il parte en plus. Hein. Mec, il était content de partir, il s'est dit, ouais, je vais me la couler. Remarque, vaut mieux sur le bras que sur la gueule. Moi, le bras qu'il a, ouais. Moi, je vous ferai quand même remarquer. Je ne vais pas à Bora Bora en vacances. Je vous ferai quand même remarquer que le pauvre Maître Gims voit Cédric. Ouais. Et le mec derrière, il arrive une galère, mais un truc phénoménal. Mais est-ce que mais tu fous la poisse aux yeux. C'est vrai, c'est possible. Non, mais je sais pas, c'est pas le bras. Il y a combien de piqûres sur le bras, l'avant-bras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On dirait ton cul, ouais. 16. Rien que sur l'avant-bras, un côté de l'avant-bras, on voit pas l'intérieur de l'avant-bras. Il a 16 piqûres. 17 avec celle du haut, t'as vu celle du haut aussi? Ouais. Eh ben putain. Et bah, c'est des gros jetards. Bon courage, Maître Gims. Hein. Ah ouais. Ah, bon courage. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, bon courage, ouais. Tiens, putain. Bon courage. Bora Bora, donc, à éviter si vous avez peur des moustiques. Il a dit une attaque soviétique de moustiques. Une attaque soviétique de moustiques. Bon, ben, bon courage. J'ai franchement Gims. Lourd Bora Bora, mais voilà le prix à payer. Et oui, et le prix à payer était cher. Bien cher. Bien cher, ouais. Bon, c'est l'heure de la traduction des bugs et on a. Donc, Charles, j'ai lancé l'appel, on va mater tout ça. Et puis, sinon, bah écoute, bon courage. Hein. T'es pas le seul. Okay. Moi, tu peux. On va le mettre sur Facebook aussi, d'ailleurs, tiens. Dans un instant, on me disait. Et la dédicace, je la fais quand du coup? Bah là maintenant. Allez, ah bah vas-y. Oui, allez, vas-y, fais péter. Alors je fais une grosse dédicace à Juliette, à ma sœur, que j'aime de tout mon cœur. Salut, c'est son anniversaire. Donc je lui souhaite un très très bon anniversaire. Elle a quel âge? Je fais une dédicace, elle a 22 ans là bientôt. Bon anniversaire Juliette. Ou 23 ans, je m'en rappelle plus. Et aussi, je fais un très bon anniversaire à mon autre sœur. Bah non, c'était la semaine dernière. Et voilà. C'est à moi qui va te coûter cher, toi. Ouais, voilà. Ah ouais, en cadeau, t'imagines, Romano, t'as deux frères, ils sont nés le même mois. Pam, pam. Eh ben oui, ouais. Ça c'est dur. Ça coûte cher. Eh ben ouais. Bon courage. Et je fais une dédicace à Brandon, à Kevin et à tous mes potes du lycée Jules Eiffel. Eh ben tu salues tout le monde. Et à vous, Skyrock. Et puis tu nous tiens au courant, puis moi je te tiens au courant, les filles du côté de Saint-Nazaire. Ouais, ouais. Allez-y, okay. Pour Charles. On communique tout ça. 17 ans, beau gosse, tout merci. Ça. Ouais. Salut, okay. Charles, merci à toi. Ok, je vous remercie. À la prochaine, ciao. Alors, comment s'est passé l'accident à vélo? L'accident à vélo, elle a ouvert la porte, la prof était en train de rouler, elle roulait, elle doublait et bam, elle s'est pris la porte. Ça arrive souvent, ce genre de truc. Hein. Ça, c'est drôle, ça. Enfin, sauf si t'es sur le vélo. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est vrai, c'est plutôt drôle. Bah, surtout, elle te nique ta portière aussi, quoi. Ah, c'est vrai, ça, Romano. Non mais c'est vrai, la portière elle est déglinguée hein, forcément. Tu crois que ça te le déglingue? Ah bah ouais, tu sais, ça doit la plier à moitié. Tu sais, c'est pas solide hein. Voilà, et ça s'est passé du côté de Toulouse, d'après ce que j'ai vu. On fait les bugs de la semaine et on a Maxime en direct avec nous. Les nouveaux bugs à découvrir sur Skyrock. Attention, salut Maxime. Salut. Bienvenue sur Maxime. Sky, Maxime. Salut Maxime. T'es où toi Maxime? Sartrouville. Sartrouville représente, c'est bien. Et voilà. T'as 17 ans. Ouais. Et tu es un expert de bugs toi aussi? On va dire ça. Ouais, nous aussi on essaye. Tous les mardis, de toute façon, on s'entraîne. On s'entraîne à découvrir les nouveaux bugs de la semaine. Alors. Alors, Cédric, peut-être un générique? Il y en a quatre. Vas-y. Ah, ton super générique, Cédric. Cadeau. Voilà. Là, c'est l'attaque chimique. Ah ouais, total. Merci. De rien. Ce qui est bien, c'est qu'il est nouveau toutes les semaines. Ouais, ça, c'est ça bien, change. Ouais. Alors. On l'a fait maison. On l'a fait du fion. Ah, il y en a qui sont contents là. Enfin, les bugs, nous dit Léonidas du 06. Eh bien, vous allez pouvoir jouer vous aussi et essayer de traduire avec nous les on bugs. On garde le même arbitre, j'imagine. Eh ouais, ça te plaît pas? C'est moins sûr. Un, allez hop. C'est un con de Marseillais là. Ah, reste tranquille toi aussi. Ouais. Ah, pardon, ça, entendu. C'est toujours la Marseillaise. Ce soir, je sens que je vais vous saquer les gars. Oh, bah, entendu, merde. Marseillais de merde. Donc, vous savez comment ça marche, Maxime? T'as un petit privilège, quand on écoute le bug, c'est toi qui peux proposer le premier. Honneur à toi. Ouais. La réponse, la première réponse. Et je veux pas te mettre la pression, mais l'auditeur la semaine dernière. Ah ouais, il a trois points. Trois, il a. La semaine dernière, on a eu le meilleur participant du monde. Le meilleur de tous les temps. Il a niqué quasiment. Ouais, on n'a pas eu le temps de répondre. Non, non, il avait tout. Attention, Maxime, voici le premier bug de cette semaine. Écoutez bien, écoutons bien. Ça le brevet. Je vois qu'on commence fort, je vais donc le remettre. Sale brevet. Alors, vous avez une idée déjà juste... Ah, ouais, moi, ouais. Ah, Karim, Karim a une idée. Ouais. J'ai une putain d'idée même. Je crois même que c'est la réponse. Alors, allez. Maxime, je te remets une fois et on écoute ta réponse. Sale brevet. Sale brel. J'avais pensé à peu près la même chose. C'est le brevet. Sale brevet. C'est pas complet. Je donne pas de demi-point parce que vous avez c'est pas sale pas brevet. Enculé, hein, non, non. T'es une sale. Non, non. Je veux la réponse. Brevet. T'as qu'à passer ton brevet. Sale cours de brevet. Non, non. Réussis ton brevet. C'est bientôt le brevet. Non. C'est le brevet qui approche le brevet. Non, Karim. Brevet blanc. C'est le brevet blanc. Bon, attendez, je remets. Écoute bien, Maxime. Ça, le brevet. Ça, le brevet. Le brevet c'est des collèges. Ça, c'est le brevet. Non, non. Tu vois, Karim, si t'avais pas mal parlé, t'aurais. J'ai pas mal parlé, si t'as dit. Moi, j'ai dit ça, le brevet. Jamais. Non, Marie, c'est pas ça. Non, moi je dis que j'ai un demi-point. C'est sale brevet. On verra. Bon, il y a brevet dedans. Saloperie de brevet. Non. Saleté de brevet. Non, non, non. Sale merde de brevet. Non, non, non. Pourriture de brevet. Non, non. Enculé de brevet. Non. Sale pute de Marseillais. Sale épreuve de brevet. Sale pute de Marseillais, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai pas le brevet. Saloperie de brevet. L'OM, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Attention, les moins un vous guettent là. Ça pue le vieux porc. Non, c'est pas ça. Non, non plus. C'est moi. Oh, c'est moi le vieux porc. Oh, appelle-moi vieux porc. Bon, alors écoutez bien, je remets un coup. C'est ce que quelqu'un a trouvé sur personne n'a trouvé la réponse complète. Personne n'a trouvé. Non. Les examens du brevet, on dit. Non, non, non. Ça, c'est facile. C'est facile le brevet. Non. C'est easy, compliqué le brevet. Non, non. Le brevet. C'est simple le brevet. Non. Ça fait chier le brevet. Ouais, ça fait chier. C'est pas le brevet. Bon, le début, c'est le brevet. Ouais, c'est le brevet. Des collèges. C'est de là. Et voilà, faut trouver. La merde. C'est de la merde. C'est de la merde, ouais. Ce brevet, c'est de la merde. Le brevet, c'est de là. Merde. Non. De la daube. Saloperie. C'est de la rigolade. Non. Personne ne trouve. Bon, je remets une fois, on c'est fait un tour. C'est de la gnognotte. Écoutez. Non. Sale brevet. Mais tais-toi, Marie, on n'a pas entendu. Sérieux, Marie. Ah ouais, ta gueule. Sale brevet. Que je déteste. Brevet. Non. Ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. C'est le brevet compliqué. Le brevet, c'est trop de la facilité, c'est trop de la daube, c'est pour les fiottes, c'est dur. Non. C'est des révisions. Personne va marquer le point, je suis désolé. Personne marque de point. Ah ouais. Bon. Parce que vous avez tous trouvé le début, mais pas la fin. Non, non, c'est moi qui ai trouvé le début déjà. Commence pas à dire tous. Bon, si t'es gentil, t'auras peut-être un demi-point. Moi, c'est le brevet, moi. Le brevet, c'est de la gnognotte. Les points, les demi-points, maintenant, c'est à la carte, le bordel. Non, non, mais c'est vrai que Karim, il a trouvé la moitié du truc, mais bon, voilà. Bon, bah, zéro point pour tout le monde. Écoutez bien la vérification. Allez. Il y a la réponse dessus? Ouais. Allez. Une petite pause pour réviser pour le brevet. Il vous garde jusqu'au bout pour le brevet. Ouais. Ah, ça, le brevet. Le brevet, Oh putain. Ça, ouais, en effet. Le brevet, Non, mais le brevet, c'est toujours de la baise. Toujours bien, bien fin, tu vois, quoi. Ah, de la baise. Le brevet, c'est de la baise. Eh ouais, bah alors, ouais. Tiens. Allez, je mets un demi-point pour Karim parce qu'il était merci. Allez, tiens. Sucez-vous, quoi. Non, non, mais il a trouvé la moitié de la réponse, quand même. Depuis qu'ils se sont fait baiser hier au Total Blackout. Ouais, on était dans la même équipe. On était dans la même équipe tous les deux. On les a baisés avec Marie. Ouais, bravo. Ouais, c'est clair. Et bien en plus. Bravo Diffoul. Merci. Mais je te rappelle, je te rappelle que tu as fini dernier avec Cédric. Ouais, mais c'était avec qui j'étais. C'est vrai. Tu dis Cédric, t'as tout compris. Ça va. C'est pas facile pour toi. Bon, deuxième bug à traduire. C'est moi qui choisis Cédric. À essayer de traduire. C'est moi, c'est toi qui as choisi. Écoutez. Récapitulation. Oh, je sais. Récapitulation. Ouais, Maxime. Récapitulation. Mais Marie, pourquoi tu pousses des hurlements? Ouais, parce qu'après, on entend. Je sais pas. Tu es complètement débile. Il y a Sandaza qui était le premier ou la première. C'est qui Sandaza? C'est une fille ou un garçon? C'est un mec qui est de 15 ans, qui a été le premier à trouver la bonne réponse. Récapitulation. Bien joué. C'est bien. C'était donc. Et on écoute donc le témoignage de Romano avec. Récapitulation. Oh là là. Alors, ce qui s'est passé, c'est. Ah, il y a quand même K2A l'amiral qui nous avait dit épilation. Non. Voilà, tu marques pas de point. C'était récapitulation. Un point pour Maxime, un point pour Sandaza. Bravo. Et le troisième et avant-dernier bug. Allez, à Maxime. C'est parti, écoute Maxime. Oh putain. Attends, remets, on peut comprendre. Ouais, on peut. Ouais, comprendre. Je pense qu'on peut comprendre. Ouais. Attention. Ah ouais, gros, franchement, c'est vrai. Attends, vas-y, attends, juste l'entend. Que je l'entends. L'entend. Écoutez, je remets. J'ai rien dit. Non. J'étais obligé. De toute façon, c'est non. Toi, Maxime. Vas-y, Maxime. Vas-y, Maxime, non. J'étais obligé. Non. J'ai rien dit. Non. Depuis, mais monsieur, j'ai rien dit. Depuis, j'ai rien senti. Non. Il y en a qui nous disent obligé, j'ai rien fait. Non. C'est pas ça. De plus, j'ai rien dit. J'ai oublié, donc j'ai rien dit. Depuis, j'ai rien dit. Attends, je vérifie, Marie. Regardez, t'as dit quoi, Marie? J'ai oublié, donc j'ai rien dit. Non. Regardez Cédric comme il regarde les messages. Mais Marie, elle j'ai oublié parce que j'ai rien dit. Non. Ah putain. Vas-y, remets-le une dernière fois. Obligé. Oublie, sérieux, j'ai rien dit. Obligé, ça y est. Non, oublie, sérieux. Il y a oubli dedans. Putain. Ouais, oublie, sérieux, non? Non, oublie, j'ai rien dit. Non. Ou sérieusement, oublie, j'ai rien fait. Et concentrez-vous bien sur la fin du truc. Oublie, j'ai rien dit. Ouais, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui parle. Donc il y en a plein de qui parlent. Mais c'est jusqu'au bout. Maintenant, je vais mettre de l'ordre. C'est bien. Oublie, j'ai rien dit. C'est férié aujourd'hui. Ça, là, on comprend. Putain, moi, je comprends. Oublie, j'ai rien dit. Non, c'est pas ça. Bah, d'ailleurs, rien dit. Mais ça ne sert à rien de le dire 10 fois. C'est pas une bonne réponse. Là, c'est Diffoul, il nous fait Cédric. T'as remets-le Diffoul, s'il te plaît. Il nous redit Diffoul. Oublie, j'ai rien dit. Putain, moi j'entends. Ah, la fin, on j'ai rien vu. Non, c'est pas ça. Moi je comprends, j'ai rien dit, moi. Non. Ouais, j'avais compris. Moi j'ai compris, c'est. Moi je comprends rien, moi. Oublie, j'ai rien mis. Non, c'est pas ça. Oublie. Oublie, j'ai gagné. Non. En plus, c'est férié aujourd'hui. Non. Oublie, c'est fini. Non. Je lis les messages. Moi je vois les messages, j'ai plus d'idée. Donc. Bon, vas-y, j'ai oublié de faire pipi. Non, c'est pas ça. Ça c'est. Oublie, y a plus. Non, c'est pas ça. Franchement, on l'entend. Concentrez-vous sur la fin, on l'entend bien. Oublie, ça là. Alors, Maxime, tour de table. Je sèche mes couilles. Oublie, c'est vendredi. Oublie, c'est niqué aujourd'hui. Non. Marie. Oublie, c'est pas pour aujourd'hui. Non. T'as oublié les résultats. Non. Non, Momo, a priori, complètement à côté de la tête de Cédric. Et il essaye au moins. Cédric. Oublie, c'est mercredi. Non. Oublie, Cédric, il est perdu. Non. Oublie, c'est aujourd'hui. Non. Oublie, il fallait choisir. Ou... Non. Alors, moi, je propose l'OM est une équipe de merde. C'est ça ou c'est pas ça? Moi, je dirais bien, va te faire enculer. Avec une petite dédicace à l'arbitre. Cordialement. Non, merci. C'est pas ça. Et personne n'a trouvé encore. Putain, ils sont durs cette semaine, c'est bien. Ah bah personne a trouvé sur les SMS, non, rien. Personne. Tous les messages qu'il y a eu là. Personne pour l'instant. C'est-à-dire il y en a encore qui vont défiler parce que je vois le bandit, sinon de but. Comment on appelle la barre? Ouais, la barre qui est encore haute. Donc, la barre elle est haute. Donc ça veut dire qu'il y a encore plein de messages qui vont arriver. Bon, regarde Samy et on fait la vérification. Allez. Alors. Allez, on vérifie, écoute bien Max. Oui, les résultats du clash Romano. Je vois que t'es tout excité, t'avais les messages. J'ai eu peur que tu. J'ai très eu peur que tu oublies. Ah bah dis donc, c'était encore ça. Mais écoute, franchement, écoute-le le bug. À la fin, on en. J'ai eu peur que tu oublies. On comprend. J'ai eu peur que tu oublies. Ah non, par contre, Samy, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais. Putain, mais remets-le, on entend. J'ai eu peur que tu oublies. Mais non, je comprends. Ah si, oublie, j'ai peur que tu oublies. Ouais, voilà, tu vois. Hein, Karim. Ah ouais, ouais. Si c'est vrai. D'accord, ouais. Ok. Il essaie de gratter un moi, objet. Moi, j'ai pas de non, non, non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est grave. Non, Marie, non, c'est vrai, je peux avoir une mi-point. Pareil à Marie. Ouais, t'as rien trouvé de bon. J'ai dit oublie. Pour l'instant, Maxime, t'es oublie ton point. T'es en tête, Maxime. Maxime, t'es premier pour l'instant. Il reste un bug à découvrir, mais t'es premier du classement avec Zandanza. Sandanza. Sandanza. Sandanza. Et Karim, tu as 0,5. Je suis deuxième, moi. Et sinon, 0 pour Marie, 0 pour Cédric, 0 pour Romano. Et 0 pour toi. Ça me vénère, ça. Et 0 pour Difool. Et 0 pour Difool. Et 0 pour Difool. Difool ne joue pas aujourd'hui, il écoute. Ah, ok. Ah, mais bon, 0 pour aujourd'hui, Difool. Tellement les bidons, il arrête de jouer. Bon, allez, le dernier, il est un peu plus facile. Allez, le dernier, c'est parti. 26 juin. 26 juin. Ah, c'est pas, de toute façon, c'est pas ça. De toute façon, c'est pas toi qui propose. Ouais. Écoute, Maxime. Attends, je te remets comme ça, tu peux. 26 juin, Gigia. Moi, je sais, moi. Alors, Maxime. Maxime. 26 ans. Ouais. Là, je pensais à ça, moi. Non. Ouais, non. C'est pas ça, tout le monde peut proposer. 26 déjà, juin, c'est ça. Non, personne n'a trouvé. 26 juin, c'est déjà. Ça. Non. Putain. 26 ans, c'est ça. Remets, non. 26 juin, déjà. 26 juin, c'est 26 ça. 26 ans, déjà. 26 ans, non, déjà. Non, mais le belge, tu triches. 26 juin, non, déjà. Non, non, mais c'est 26 juin, déjà. Non. On va procéder par ordre. Est-ce qu'il y a 26? Non. Bon, déjà, ça commence bien. Tous ceux qui envoient des messages là, vous pouvez en envoyer d'autres. Allez, hein, c'est pas 26. Moi, je vous annonce qu'il y en a plein qu'on trouvait par contre. Hein? Ouais, direct. Vincent, ça veut rien dire. Le 6 juin. Maximilien, Vincent. Le belge, tu viens de niquer le jeu parce que t'as triché, je t'ai vu. Là-bas, je pensais que t'es bien ça. 6 juin. Mais n'importe quoi, j'ai pas triché, il est fou. Il est fou, lui. T'as pris le message de Nicoco qui a envoyé direct dans les premiers en plus. Tu vois, dans genre le 5 juin. Le 6 juin. Enculé, va. Je mérite un demi-point. Non, j'ai 26. Ah ouais, mais suce-le encore un peu, tu l'auras. L'arbitre, ça marche comme ça. Non. Il y a que Nicoco qui marque son point. Attention, tu vas avoir un carton, moi. Toi aussi, t'as des problèmes avec l'arbitre. Du coup, j'ai 0. Je suis carton rouge. Je suis sans limite maintenant. Lui mettre moins 1 parce qu'il a triché. Ah, ouais, sport, non, comme la dernière fois. Mais toi, j'ai triché. Sinon, on le cogne. L'arbitre, ouais, allez. Non, le belge, il a triché. Mais j'ai pas triché. Arrête, on va le cogner. Vérification. Tricheur. 8 juin, le 15 juin, le 12 juin, fin juin, 26 juin, 10 juin. Comment? C'est beaucoup de juin, hein, tout ça. J'arrête le 6 juin. Pendant les vacances. Ah, il y avait un 26 juin avant, c'est marrant. Ouais. Donc c'était 6 juin après. Et bah, c'est pour ça. Normalement, je mérite un demi-point. Parce qu'il y a un 26 juin juste avant. Bah, ça va dans la fin. Bon, on a découvert 4 bugs. Tiens, je vous les remets, les 4 bugs de la semaine. Le brevet, voilà. Le brevet, c'est de la baise. Récapitulation. Récapitulation, si on avait trouvé. C'est plus simple, oui. Ouais, c'est plus facile. Bravo Maxime, c'est ton point d'ailleurs, ouais. Ça. J'ai eu peur que tu oublies. On a galéré et. C'est ça. Tu nous faisais les jours du mois de juin, c'était ouais, sympa. Ouais, c'est ça, je comptais. Je ne sais absolument plus pourquoi, non, mais. Le calendrier. Ça devait être passionnant. Donc les résultats. Encore une fois, Maxime. Bah, la semaine dernière, un auditeur gagne. Cette semaine, c'est toi qui gagne. Voilà. Bien joué, mec. Décidément, vous nous baisez toutes les semaines. Ah, ouais, c'est clair. Vous n'avez pas remarqué ça à chaque fois que je joue pas, Maxime. Ouais, mais c'est comme ça. Genre. En plus, quand tu joues, tu gagnes rarement. Hein. En fait, tu joues. Ouais, aïe. Non, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a peu de fautes. Où tu gagnes. Bon, c'est bien, Maxime. Malgré tout. Tu es donc premier avec. Premier Sandanza. Avec un point et avec Sandanza. Bravo. Voilà, et Nicoco. Et Nicoco. Bien joué avec un point. Deuxième, Karim avec un demi-point. Et c'est tout. Putain. Troisième, tout le monde. Et dernier, Cédric avec moins un. Mais ah. T'es vraiment une salope. Ah, t'as vu comme il est l'arbitre. Ouais, ça triché. Part mal l'arbitre. T'as triché. Mais t'es marrant. Je suis dans les messages. Dans un instant, le cavard où j'en suis, le mec qui tourne, il y a des messages. Mythomane. Voilà. Le Bob Marley que je vous avais promis, on se le met maintenant. On se met Jamin et on terminera l'émission avec Three Little Birds. Yeah. Ok. Ouais. Allez, on fait comme ça, Maxime. Merci du coup de fil. C'était un message, une dédicace à faire. Profite, hein, vas-y. Non, est-ce que je peux juste gratter un maillot? Ah oui, on a le t-shirt à t'envoyer. On t'envoie ça tout de suite. Pas tout de suite. Il va pas partir maintenant, mais on t'envoie. C'est parti. Salut Maxime. Salut. Et pour continuer cette soirée oh yeah jamaïcaine avec Omi qui est venu nous voir tout à l'heure, eh bien c'est Bob Marley, Jamin et la roulette dans un instant. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck, Difoulé sur Skyrock. Eh bien ça fait du bien un petit Bob Marley de temps en autre comme ça. T'es content? Franchement ouais, il passe cool, bien. Ouais. Ouf. Bien. Alors, le Karim Comedy Club, on va le faire et on va faire tourner la roulette aussi. Ouais. Vous vous inscrivez pour la roulette, hein, je l'ai annoncé en speed. C'est pour Mad Max Fury Road, le film qui est sorti avec Skyrock et qui est sorti, qui cartonne d'ailleurs, est sorti jeudi dernier. On avait place par 5 à vous filer. Ouais. Est-ce que tu es jaloux des cheveux de Bob Marley? Nous demande le Hardy sur SMS. Et Bob, ça fait plaisir à plein de monde, plein de messages. Hein. Ça, c'est pour toi, Romano, la question. Ouais, mais lui il est mort, pas moi. Donc tu te consoles comme ça, ouais, et tu as bien raison. À choisir, c'est vrai. Je préférais être chauve et vivant. Et voici donc le Karim Comedy Club. Attention, l'ouverture. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue au Karim Comedy Club. Bah, réouverture parce qu'il a ouvert les portes dès le début de l'émission tout à l'heure avec une super blague. Vas-y, refais-nous la photocopieuse, elle est super. Ouais, alors c'est des triplés qui sortent dans la rue, donc ils marchent. Là, ils croient Cédric. Cédric, il leur dit voilà, ta mère, elle a baisé avec une photocopieuse. Et ça, c'est super. Allez, j'en ai une autre, toujours avec des triplés, une de Matisse. Matisse, c'est spécial triplé ce soir. Ouais, c'est une femme qui est enceinte de triplé. Un jour, elle se balade dans la rue. Là, il y a une fusillade qui éclate. Elle reçoit 3 balles dans le ventre. Mais bon, elle a de la chance, tout va bien, les enfants vont bien. Mm-hmm. Donc, Inès, 13 ans après, t'as un des premiers, il va la voir. Il lui dit ouais, maman, putain, je suis allé aux toilettes, j'ai pissé. Et là, il y a un truc en métal qui est sorti. Donc, sa mère, elle explique l'histoire qu'elle a été fusillée, tu vois. Le surlendemain, il y a son deuxième gosse qui lui dit maman, putain, je suis allé aux toilettes, j'ai pissé. Il y a un bout de métal qui est sorti. Elle lui explique encore la même histoire. Le jour d'après encore, t'as ce troisième fils qui vient qui lui dit maman, elle lui dit oui, je sais, allez, t'as pissé, il y a une balle qui est sortie. Il lui dit non, je me suis branlé, j'ai tué le chien. Hey pas mal. Ah, je peux en faire une quand même. Ouais. Vas-y, envoie. Petite histoire comme toi. Tu vois, c'est un mec, il a un pré avec des chevaux, quoi. Et genre, tous les jours, il comprend pas, il y a les chevaux, ils vont au bout du pré et ils se jettent dans le ravin, tu vois. Tous les jours, il y a un cheval qui se jette. Le mec, il pète un câble, il perd tous ses chevaux, tu vois. Donc un jour, il va voir un pote à lui, il fait ouais, je suis dégoûté, je perds tous mes chevaux, je comprends pas et tout. Donc t'as le mec, il dit bah, trop simple, pour garder tes chevaux, il faut que t'achètes un âne. Et l'âne, il va garder tes chevaux. Ah ouais, tu crois un âne et tout. Il fait ouais, il faut que tu prennes un âne, mais un âne spécial, c'est un âne qui s'appelle Pedro. Le mec, il fait quoi? Pourquoi un âne qui s'appelle Pedro? Il fait bah ouais, parce que Pedro l'âne ralentit la chute des chevaux. C'est la blague qui cartonne actuellement à Marseille. À Marseille, elle fait un tu connais pas la blague, Pedro l'âne. Pedro l'âne. Ah, elle est grave, ou pas? Elle est bien, elle est grave. Acceptez, Samy. J'en ai une, tu me prépares un bruit de paix, dis full, s'il te plaît. Un bruit de paix, Cédric. Tu l'envoies quand je te fais un signe. Ah ouais, Cédric. On a besoin de toi. Alors, c'est Romano, Difoul et Cédric qui sont dans un ascenseur. Mmh. Donc, l'ascenseur il monte au premier étage. T'as Romano, il sort un parfum, il se parfume. Il regarde Difoul et Cédric. Il leur dit parfum égoïste, 90 euros le flacon. En plus, ils ont parfois un Romano voilà. Égoïste. Donc, j'ai changé. Ah, t'as pris quoi maintenant? Maintenant, je suis chez Dior. Dior de l'or. Higher. Bah, sur le coup, il a dit égoïste. Higher de Dior. Sur le coup, il a dit égoïste, 90 euros le flacon. Donc, l'ascenseur, il continue à monter. Deuxième étage, Difoul, il sort du parfum, il s'en met. Il leur dit Terre d'Hermès, 120 euros le flacon. Troisième étage, ça continue à monter. Là, Cédric, il lâche une grosse caisse. Voilà, flageolet Carrefour, 2,50 euros. Ouais. Bon, très bien, le Karim Comedy Club est de retour demain. Et il y a Ismaël qui nous dit moi, je n'ai pas compris Pedro l'âne. Ah bah, ah bon, parce que Pedro Samy va te rappeler. Laisse ton numéro, Samy te rappelle. Je t'expliquerai hors antenne, parce que tout le monde a compris. Allez, on fait tourner, c'est l'heure de la roulette. Moi, j'ai pas compris. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Manax Fury Hero de ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Allez, ouais, vous allez au ciné avec Skyrock. Et c'est parti pour Julien qui est avec nous en direct du 59. Ouais. Salut Julien. Ouais, Julien. Salut. Coucou. C'est l'heure de Mad Max, Julien. Eh ouais. Ah bah super. Hein. Normalement, ouais, c'est pour toi. Hein. Et ouais, Mad Max Fury Road. Avec un accent, okay, l'accent qui déchire là, sur ce coup. La roulette tourne, tu dis stop quand tu veux. Stop. T'as 18 ans, toi. Tu fais quoi dans la vie, toi, Julien? En prépa. Science, maths, physique, wow. Marie adore. Oh putain, ah ouais, tout pour elle. D'ailleurs, tiens, on te repassera la Marie. Ouais. Parce qu'elle va t'envoyer les places pour aller voir Mad Max, dernier Mad Max. Génial. T'as 5 places pour aller où tu veux, quand tu veux, dans n'importe quel ciné, pour aller voir le film. Bravo. Ah bah c'est super, j'ai 4 potes avec qui je traîne tout le temps, donc on ira à 5. Et bah voilà, c'est bien, il doit être content, les 4 potes. Bah on les salue. Et puis bah bonne prépa, mange-toi bien la tête et puis détends-toi bien avec Mad Max. Merci. Je fais une petite dédicace vite fait. Vas-y, Julien. Vas-y, alors dédicace à Thomas, Nathan, Elvina, Marion, mon petit frère qui m'écoute pas parce qu'il fait dodo. Momol, mon prof de maths, et Chuck, mon prof de physique. Eh bien, on te salue, Julien. On va se quitter avec Bob Marley, là, parce qu'on avait promis. On a fait une petite soirée jamaïcaine. Okay. Omi était avec nous ce soir. Ah, bah, il est sympa comme tout, ça. Ouais, il est sympa, ouais. Chante bien, en plus. Ouais, t'es cool, hein. Ah, ouais, tranquille. Et il ne fume pas. Non. Comme quoi, les Jamaïcains, on aura appris ça. Il n'a pas de dread. Bah, ouais. Tous les Jamaïcains ne fument pas. Allez, on va se mettre. Annonce-le, Romano, vas-y. Bah c'est Bob Marley. Three Little Birds. Ce qu'on vous a fait choisir en Bob. Eh ouais, et en fait, on vous en passe deux. Deuxième, ouais. Et donc on en passe deux. Et Prisca qui arrive juste derrière. Passez une bonne nuit. On revient demain à partir de 21h. C'est ça qu'on va écouter à Romano. Bah ouais. Eh bah c'est parti pour Bob. Et puis demain matin, on se réveille avec vous à partir de 6h pour le morning. Bonne nuit. Wesca, Rapper & Me non-stop juste après. Et à demain. Ciao. Ciao.